Picard présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu, on passe la soirée ensemble sur Indestar. Il y a une période avant, il y a une période après. Nous en sommes dans cette période après. Vous l'avez bien compris, émission à la maison ce soir, chacun de notre côté. Mais nous sommes là sur Indestar, on manquerait ça pour rien au monde. Avec toute la troupe, Teddy est là, Martin nous a rejoint. Bonsoir Martin. Me voici. Salut. Laura et Estelle dans un instant pour nous parler de ses activités de confinement. Laura est là également. Audrey et Jolan, ne l'oublions pas, ce cher Jolan avec nous ce soir. Bonsoir Jolan. Ouais. Bonsoir. Toute l'équipe donc pour vous parler de ce qu'on fait pendant le confinement en ce moment avec une musique un petit peu forte dessous, non Teddy? Je sais pas, ah, où c'est moi. De quoi? Non, il n'y a pas de musique. Enfin si, il y a un bed, hein, mais le bed, tu sais, c'est la musique quand on parle, quand voilà, mais sinon non, à part ça, il n'y a pas de... Comme si ce bed était un peu fort, mais... Ah, le bed est un peu fort. Ah, c'était ça, là. Ah d'accord, parce que tu l'entends? Parce que je l'entends, ouais. Ce serait bien la première fois. C'était exactement la première fois, effectivement. Bon, en tous les cas, bienvenue tout le monde sur www.ndstar.fr. Vous avez également les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute en ligne, tous les annuaires, hein, pour écouter Indestar. Et si vous loupez un bout de cette émission, que vous avez envie de la réécouter ou de la faire écouter à vos potes ou à vos parents, eh bien, vous avez un site indestar.fr ou une vingtaine de plateformes internet sur lesquelles vous pouvez faire écouter les podcasts. C'est vraiment très fort, hein, Teddy. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Non, pas du tout. Ah ouais, il y a que Théo qui a son micro et son casque qui bug. Mais non, mais j'ai. Ah, en fait, j'entends que la musique, ça me. Tu veux que je change de musique? Je t'en mets une plus douce, ouais, si tu veux. Essaye, vas-y. Vas-y. Ah. Allez, on met un petit bed tout doux. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais, je t'ai. Bof. Bon, j'ai des petits soucis techniques. Là, j'entends, en fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais une musique très très forte. Est-ce que tu peux, à la limite, l'enlever juste pour l'introduction? Peut-être qu'on la remettra tout à l'heure. Vas-y. Et qu'on règle ça en antenne, parce que j'avoue que là. Tu n'as plus de bed du tout. Indestar va bientôt commencer. Vas-y, je fais le bed. Non mais. Je l'entends, Teddy, là. Là, tu l'entends? Mais là, c'est pas possible. Ah mais attends, regarde, je te l'enlève là. Ah oui. Mais je sais, attends, je sais pourquoi, pardon, ça doit être de ma faute. Ah ouais, bon, c'est de sa faute, oui. Tu peux le remettre, je pense. Ah, non, vas-y, je le remets. Je crois que allez. Des petits soucis techniques, hein, mais voilà. C'est désolé, chers auditeurs, on vous aime quand même, mais on n'est juste pas doués. Voilà, exactement. Veuillez patienter, nous sommes une équipe de pas doués. Chargement en cours. Je peux parler normalement sans que j'ai une grosse musique. C'est quand, en fait, comme si j'étais en boîte de nuit. Vous voyez l'ambiance, je suis boîte en boîte de nuit. Allez, arrête, c'est parti. Ça me manque trop, arrête. Non, mais, arrête tout de suite. Il fut une période où on pouvait aller en boîte de nuit et parler à ses copains, mais il y avait toujours cette musique hyper forte qui nous empêchait de le faire, voilà. Ouais, ça c'est relou. Non, et mais si c'est pour se rapprocher, c'est pas grave. Oui, bon. Donc là, t'es plus en boîte de nuit, t'es sorti. Il est rapproché parce qu'il sent l'alcool, tu vois, le mec. Faut choisir ses potes, c'est tout. Mais il faut gueuler quand c'est comme ça. Bon, ben voilà, là, ça faisait la même chose. T'es sorti de boîte de nuit, là? Ouais, je suis sorti de boîte de nuit, ouais, j'ai été faire un petit tour de l'oreille. Il s'est fait chier. J'ai fait par le videur. Ah, sur la rue. Tu picoles pas, dehors. C'est exactement ça. La dernière fois, dans la taverne, t'as voulu prendre du pamplemousse, hein, ouais, je tiens à le dire. Et elle a voulu me faire jeter avant l'histoire. C'est vrai que ça méritait d'être dehors. Te virer de ta taverne. Bah oui, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission Pirate, c'est celle qu'on a fait vendredi dernier, elle est dispo et c'est nous en ligne sur la page Facebook, donc vous pouvez très facilement la retrouver. Et on est rentré dans une taverne à un moment donné, on avait une tavernière qui nous a raconté une bien belle histoire et on avait d'autres des belles histoires à nous raconter. Ce soir, on va parler de ce qu'on fait pendant le confinement, deuxième disons, hein, donc depuis combien, 3 semaines maintenant, c'est ça? On entame la troisième semaine. Depuis des années. Semaine, ouais. Ben non, on compte plus. Au bout d'un moment, on compte plus. J'ai l'impression d'être des prisonniers qui font les croix, là. C'est ça. Ouais, non, c'est ça, ouais. Dans la prison, tu comptes chaque jour et puis tu rayes, ouais. À force, t'as fait tout le mur. Bon, on n'en est pas rendu de là, mais ça commence à bien faire quand même. Et pendant ce confinement, on le vit, alors, des fois pareil que le premier, des fois différemment. Il y a des choses quand même qui ont changé, hein. Grosso modo, on travaille plus, sans vouloir gagner plus forcément. Mais on est plus en télétravail, enfin, pour certains, ou ouais, en travail pour d'autres. On en parlera d'ailleurs avec toi, Martin, qui est sur les routes de France et de Navarre toute la journée. on va parler aussi de ce qu'on fait quand on est à la maison, et si vous avez des activités, que ce soit des activités créatives ou autres, On va en parler ce soir dans cette émission, mais d'abord, Teddy, toi, pendant le confinement, t'as eu un flash, une révélation. Ah ouais, je crois que je suis devenu un génie. non, je sais pas. Mais bon, en fait, pendant les confinements, je pense qu'on est tous un peu pareil. On perd un peu le rythme, enfin, du moins pour ceux qui travaillent pas. Moi, je commence à plus avoir trop de rythme. Est-ce que vous confirmez les gens qui n'ont pas actuellement de travail ? Oui, voilà. Ton rythme est détruit. Les rythmes, c'est quoi ? C'est au niveau des jours de la semaine, des heures de la journée ? C'est comment ça se passe ? Alors, je pensais plutôt au sommeil. Du timing, surtout, je pense. Ouais, oui, ton niveau de sommeil, je sais pas, on va dire d'habitude, quand tu travailles, tu as une certaine routine, tu t'endors à telle heure à peu près, voilà. Là, en ce moment, il n'y en a plus du tout. Donc, moi, perso, j'en ai pas. Et le soir, vu que je dors pas, je suis posé dans mon lit, et je réfléchis à des trucs. Waouh, ouais, incroyable, c'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois que je réfléchis. Pour ça, avant, il dort, mais avant, il réfléchit. Je réfléchis au sens de la vie. Non, mais j'ai réfléchi à un truc assez sympa. Ça dépend des soirs. Je me choisis un thème, puis après, je l'explore. Et dimanche soir, hier soir, j'ai réfléchi à un truc. C'était par rapport à la mémoire auditive. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais bon, peu importe. On entend des sons. On entend en permanence des sons et on arrive à les enregistrer. Mais comment il fait le cerveau pour enregistrer des sons ? Et comment il arrive à reproduire des sons qui sont pas de notre voix ? Genre par exemple, là, j'ai entendu le « hein » de Laura. Et ce soir, en dormant, je pourrais très bien me repasser le « hein » de Laura sans que c'est ma voix. T'as tellement de chance, Laura, avant de dormir et la reposer à tes « hein » C'est tellement... Mais bon, j'espère que tu vas pas penser à ça. J'espère que non. C'était l'interdit. Oui. C'était pour l'exemple. D'accord, très bien. Voilà. Ça veut dire quoi ? C'est genre les musiques qu'on peut retenir qui passent à droite à gauche, les sons dont on fait même pas attention mais qui pourtant te reviennent aux oreilles, enfin te reviennent dans le cerveau à un moment donné, c'est ça ? Ah ouais, il y a des musiques qui sont très chiantes que t'as envie d'oublier, par exemple, il y en a une là que j'ai eu dans la tête pendant plusieurs semaines. Ah, semaine, ouais, c'est Flip Flap, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Flip Flap. Ah je vous enverrai la musique, elle est vraiment. Non, merci. Non, ça ira. J'ai déjà libéré des livrets assez souvent, ça va. Ah là là, encore. Ouais, C'est des années. Oui, mais c'est repassé dans un podcast que j'écoutais, alors c'est fini. D'accord. Ah. Non, celle-là, elle rentre vraiment dans la tête. Ouais. Pour le coup, j'avais une question pour vous. Pour vous tous, hein. Parce que moi, je suis dans ma tête, mais je suis pas dans la tête des autres. Des gens. J'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à reproduire des tonalités, enfin des voix dans votre tête, sans que ça soit la vôtre ? Alors, je suis pas schizophrène, hein. Non, mais bien sûr. T'as la mémoire qui permet d'avoir des paroles des autres gens en tête, genre d'avoir le timbre de voix des autres gens, ou même quand tu penses à une chanson, tu penses à la voix du chanteur, tu penses pas à ta voix qui est en train de chanter sur... dit la chanson. Ça m'arrive. Tu chantes à la place. Ça m'arrive de penser à moi qui chante aussi. Hein. Alors, ça arrive jamais en vrai, hein, mais... Mais la générer des sons, des odeurs, des paroles, des choses comme ça, c'est hyper... c'est le propre du cerveau humain. D'ailleurs, c'est pour ça... Il y a eu une expérience qui est hyper connue où on a donné à des gens un verre d'eau avec une couleur verte dedans. Ouais. Il fallait que les gens disent de quel goût était l'eau. Mais alors que c'était de l'eau avec du colorant vert dedans. Rien. Ah, ça avait le goût d'eau, mais ouais. Il y a plus de 60% des gens qui ont dit que ça avait le goût de menthe. Ah ouais. Parce que c'est tellement associé. C'est la menthe. C'est tellement associé dans notre cerveau que le cerveau génère automatiquement le goût. Ah, mais c'est à cause de l'œil, ça. Dans ce verre. On peut duper notre cerveau rien qu'avec de la couleur. Là, c'est nos yeux, en fait, qu'on merdait, là. Ouais. C'est notre mémoire visuelle, c'est vert, c'est de la menthe. En fait, c'est tout ce que t'as emmagasiné dans ton cerveau qui dit « Ah oui, mais t'as déjà bu un liquide vert. Ah, donc ça doit être de la menthe, du coup. » Et donc, il dit « Ah, attends, la menthe, je sais quel goût ça a. Je sais où c'est rangé. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Il trie dans ses petits casiers. Clink, dossier menthe. Allez, hop. » Alors qu'il n'y a absolument rien. Vas-y, bois-le. Je t'insère la disquette en même temps. C'est de la menthe. Tu le sais. Exactement ça. D'accord. Mais pour en revenir à tes reproductions auditives dans ta tête, même dans les rêves, en fait, tu as des voix qui ne sont pas tes propres voix. Tu entends des sons, des gens qui te parlent, qui sont pas issus de ta propre tonalité. Donc en fait, c'est que ton cerveau est capable de générer ce genre de choses, quoi. Ouais, mais alors ça, par exemple, dans les rêves, est-ce que tu crois pas que les voix que tu entends qui viennent pas de toi, est-ce que c'est pas des voix que t'as déjà entendues quelque part et qui sont associées à la personne dans toi? Mais comme tu les génères spontanément ou volontairement ou involontairement. Mm-hmm. D'accord. Bah voilà. Bah, c'est... Oui. Même quand tu tout simplement tu penses, enfin moi perso je pense pas avoir la même voix dans ma tête que dans la vraie vie, tu vois. Ah. Oui, il y a toujours un différentiel quand tu t'écoutes, quand tu t'enregistres et que tu t'écoutes ensuite, genre t'entends ta voix, t'entends ah c'est ma voix ça. Ah ouais. Alors, oui. Ça s'explique par un phénomène, je dirais. un phénomène scientifique que je vais vous expliquer tout de suite. Dis-moi Théo, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Non, mais qui vient de l'oreille, en fait, tout simplement. Et tu ne t'entends pas comme les autres t'entendent, en fait. Ça vient de la structure de ton oreille qui fait que tu t'entends. Alors, je sais plus si c'est un demi-ton plus haut ou plus bas. Mais en tout cas, c'est différent. C'est pour ça que quand on se réécoute, et notamment quand on commence à faire de la radio et qu'on se réécoute des émissions, en principe, on n'aime pas notre voix. On a... Les différentes. Je te coupe, Théo. L'être humain a tendance à se rabaisser et être trop exigeant avec soi-même. Donc, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a l'habitude d'écouter notre voix depuis qu'on est né et on a une certaine idée de ce que ça donne. Et quand tu te réécoutes sur quelque chose que tu as enregistré, bah en fait, ta voix, elle est différente. C'est pas qu'elle est moins bonne ou meilleure, c'est juste qu'elle est comme les autres la perçoivent. Sauf que toi, tu l'as pas perçue comme ça. Donc en t'écoutant, t'as l'impression que c'est pas vraiment ta voix, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire. Et puis, nous, quand on se parle à soi-même, entre guillemets, on a une caisse de résonance. Enfin, on entend notre voix depuis notre cage thoracique aussi. Ce qui fait que ça a une tonalité différente. C'est Barry White, quoi. Pour revenir sur comment on se perçoit, c'est pareil aussi avec notre propre reflet, parce que on a l'habitude de se voir dans le miroir seulement. Oh, l'habitude. Genre, quand on prend une photo de nous à l'extérieur et tout, on dit ah ouais, j'ai cette tête là, mais parce qu'on n'est pas habitué foncièrement à se voir comme ça. Non, c'est vrai. Même quand tu te brosses les dents dans le miroir, tu dis oh mon dieu, j'ai cette tête là. Ça dépend des gens. Il y a tout le temps. Non, mais je il y a peur tous les matins. Je pleure tous les matins. Ah non, c'est moi, c'est vrai. C'est quoi ce truc? Mais c'est moi en fait. Il a 60 ans, il aura toujours peur comme ça. Ah, pardon. Oui, c'est moi. Désolé, mon moi, c'était moi. Ah là là. C'était les réflexions du confinement, parce que en dehors du confinement, je ne pense pas à ça. D'accord, bah comme quoi le confinement va te faire devenir philosophe. Hein. J'ai grandi pendant ce confinement. Tu as grandi pendant ce confinement. Oui, ouais, ça ouais. Mais bon. En tout cas, pour ceux qui sont à la maison, oui, ça nous laisse le temps de penser. Ça nous laisse le temps aussi de nous mettre à des choses qu'on avait pensé faire à un moment donné et qu'on n'avait pas forcément eu le temps de le faire. D'ailleurs, on va en parler tout au long de cette émission, hein, mais je pense qu'il y en a certains et certaines qui sont mis à des activités créatives en disant ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour, sauf que je l'ai jamais fait. Et puis bah là, c'est l'occasion parce que de toute façon, il y a rien d'autre à faire, donc pourquoi pas se lancer. Et c'est peut-être le cas chez vous aussi. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des réactions, vous avez le MP sur Facebook, hein, pourquoi pas, pour commenter, nous envoyer ce que vous faites là en ce moment. Par rapport à ce deuxième confinement, est-ce que vous avez fait d'ailleurs au premier, s'il y a des choses que vous n'aviez jamais fait avant, ça ou pendant le confinement ou pendant des périodes, je sais pas, de chômage par exemple. Moi, ça m'est arrivé de commencer certaines activités, de m'initier à certaines activités pendant une période de chômage parce que bah pourquoi pas, tu vois, autant profiter de cette période-là pour apprendre des nouvelles choses que j'avais pas le temps de faire avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais ouais, totalement. Enfin, je suis à 100% dans cette situation-là en fait, étant actuellement au chômage. Et en confinement, ça me laisse le temps de faire énormément de choses que j'aurais pas le temps de faire en travaillant. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Ah, un petit teasing, effectivement. Et ça sera même dans le cadre d'un jeu que tu vas nous proposer avec ce qu'on fait en ce moment dans ce confinement. Peut-être que ça va vous donner des idées, hein, à la maison, si vous vous ennuyez en ce moment et que vous savez pas quoi faire. Peut-être qu'on va vous initier à quelque chose ou vous donner envie, en tous les cas, de vous initier. Martin, toi, t'as pas trop le choix, t'as pas trop le temps de réfléchir, hein, parce qu'en ce moment, t'es sur les routes. Rappelle-nous ton taf, là, exactement, c'est quoi? Du coup, je suis livreur chez une boîte de livraison assez connue à trois lettres. D'accord. On ne citera pas, mais c'est à trois lettres et vous le connaissez bien, les camions, parce qu'ils viennent livrer chez vous chaque fois que vous commandez un colis, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous ennuyez pendant le confinement, que vous faites un petit tour sur Internet et que vous cliquez sur le panier. Eh bien, il y a un vendeur qui est derrière ça, même un livreur, et puis il y a tout un tas de personnes. Et tu vas nous expliquer dans 3 minutes quel est le fonctionnement un petit peu de tout ça et comment toi tu vis cette période de confinement, s'il y a des différences par rapport aux périodes, on va dire, classiques, normales. J'avais une question à te poser, Martin, toi qui es ton livreur. Est-ce que c'est vrai le cliché des chiens et des livreurs? Des chiens? Ah ouais, mais attends, attends. Des gens qui ont des chiens et qui coursent les livreurs pour pas aller... Cette question-là, faut se la garder pour après la musique. Parce que ça c'est intéressant. Ça. C'est le suspense, c'est la question que tout le monde se pose. Ah, oui. Je te la poserai tout à l'heure. Alors. Je reprendrai juste après la pub. Juste après Lady Gaga, ou plutôt la reprise de Lady Gaga par Demi Van Wingarden. Ça s'appelle Look What I Found. C'est un extrait de la BO qu'elle avait faite pour le film avec. Comment s'appelle-t-il? Vous allez me trouver le nom. Vous avez 3 secondes. Ah. Je sais pas. Ah, je sais pas, c'est sur Indestar en tout cas. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et bienvenue chez vous. Bienvenue sur Indestar et merci de nous avoir rejoints en ce lundi soir. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien chez vous, à la maison. Nous sommes chacun chez nous pour cette émission spéciale confinement. Et on a décidé ce soir de vous parler de ce qu'on faisait pendant cette période. Alors, on a des parcours de vie différents. Voilà, on n'est pas tous au travail, on n'est pas tous en télétravail. Chacun de nous a des activités et c'est ce qui fait la diversité de cette émission. Et c'est cool parce que justement, on va pouvoir vous parler de tout ça. Et on va commencer par Martin. Toi, tu es sur la route toute la journée parce que tu es chauffeur-livreur pour une société de livraison de colis. Et je voulais que, je m'étais dit que ça serait sympa de faire un petit topo là-dessus pour savoir déjà comment ça fonctionne, s'il y a des différences en temps normal et en temps de confinement. Et puis, se rappeler aussi que, c'est plutôt cool de se dire qu'on peut recevoir nos colis même en période de confinement, mais qu'on ne fait pas forcément attention. C'est-à-dire que ça nous paraît quasiment normal, comme ça nous paraît tout aussi normal que les infirmières soient dans les hôpitaux pour s'occuper de nous si on est malade, que ça nous paraît normal qu'il y ait des personnes dans une administration si on a un besoin, mais que ces personnes-là aussi prennent des risques, malgré tout des risques sanitaires. C'est bien de rappeler un petit peu que, que vous êtes là pour nous quand même. Mais bon, Martin, je te laisse la parole et puis j'aimerais connaître un petit peu comment ça fonctionne. Je pense qu'on les est chiens tous, aussi. Et puis, évidemment, la grande question, parce que je veux commencer par ça, c'est est-ce que tu entretiens une relation particulière avec les chiens? Effectivement. C'est très bizarre, dit comme ça. Les légendes disent vrai, nous avons, nous, les livreurs et les facteurs, une relation particulière avec les chiens. Tu t'es déjà fait courser par un chien? De quoi? Tu t'es déjà fait attaquer ou courser ou engueuler, on va dire. Non, mais tant qu'il m'aboie un peu dessus, en général, je reste dans le camion, tu vois. T'as pas le propriétaire, quoi. Non, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je livre surtout en campagne, vraiment campagne très reculée. Et là-bas, c'est leur système d'alarme à eux, c'est le chien, quoi. Full caniche. Non, en général, des beaux malinois ou des petits, des beaux rottes. Des belles bêtes. Ouais. Des belles bestioles. Et même s'ils n'ont pas de chien, ils ont forcément une pancarte attention aux chiens devant leur maison. Oui, oui. Et il est grand ton secteur de livraison, Martin ? C'est exactement la question que j'avais posée. Ça change régulièrement, mais je fais quoi ? Je saurais pas. Je fais un code postal. Ah oui, d'accord, mais est-ce que... Ça dépend des fois, ça dépend des zones. C'est vrai qu'en antenne, on en discutait avec Teddy, et je me posais la question parce qu'il y a quand même des points de dépôt assez, un peu partout en France. Ton périmètre d'action tous les jours, en fait, il est pas énorme. Genre, tu vas... toi, t'es à Tours, en Centre-Val de Loire, tu vas pas livrer à Clermont-Ferrand, par exemple, on est d'accord? Non, je vais pas jusqu'à... Personne va à Clermont-Ferrand, de toute façon. Par exemple, aujourd'hui là, j'ai mis une heure et demie pour me rendre à mon secteur et une heure et demie. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord, ok. Tu peux aller assez loin. En fait, tu couvres un petit secteur tous les jours qui est différent, mais par contre, tu peux aller assez loin de ton point initial en fait de chargement, quoi. Ouais, complètement. D'accord. Ok. Et du coup, la journée type, c'est moi, j'arrive vers 9h. Normalement, il y a les équipes de chargement qui sont là depuis 4 heures, 6, 7 heures, peut-être. Non, je dirais 6 heures. Et donc, eux qui reçoivent les colis fraîchement arrivés et qui doivent les répartir dans nos camions. Bon, moi, vu que je suis nouveau, personne me le fait, je mets mes cartons tout seul. D'accord. Les vilains. Attends, vu que t'es nouveau, mais c'est pas l'inverse normalement? Genre, t'es nouveau, ils te le font et. Non. C'est des bâtards. Non, ici, ici on met les pierres tournées au nouveau et tous les vieux qui ont déjà bien roulé leur boss peuvent avoir des petits des avantages. C'est l'impression que j'en ai. D'accord. Parce que pour le moment j'ai fait que des endroits bien galères. Ouais. Et tu travailles chez Oups, j'ai glissé, c'est ça, le stagiaire quoi. L'intérimaire, ça revient un petit peu au même. Oui, oui, non, mais c'est. Ouais, moi, le tout ce que j'ai trouvé en intérim, c'était pour trier des bennes à ordures, moi. C'était... Ah, ouais, j'ai fait ça aussi. Ah, t'as fait aussi. Ah, bon, ouais, bah, c'était mon deuxième job. D'accord, wow. Ok. Ouais, donc, du coup, livreur, c'est une promotion quand même. Mais, vous en avez fait des petits boulots, vous, le reste de la team? Oui. Ouais, c'est intéressant. Ah, t'as fait quoi, Laura? Bien, moi. Ce que j'ai fait, enfin, j'ai fait de l'intérim, genre les inventaires au début. Après, niveau petit boulot, j'étais hôtesse de caisse aussi plusieurs étés quand j'étais plus jeune que je ne suis aujourd'hui. Et sinon, plus récemment, c'était il y a 2 ans, j'avais fait un métier à temps partiel qui était grave cool. J'étais game master dans un escape game. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Oh, bien. Vache ! Trop cool. Bah ouais, c'est classe. C'était cool. C'était grave cool. Tu travaillais où? J'étais en région parisienne à ce moment-là. Ah, d'accord. Et, c'est moins du cool. Coup, ouais, c'était un escape game à Boulogne-Billancourt. Et ouais, non, c'était grave bien. Enfin, je kiffais trop les horaires. Enfin, le fait de travailler le soir et les week-ends et tout. Et la journée, j'étais tranquille. Et à côté de ça, je faisais un peu de l'intérim, mais côté événementiel. Donc du coup, j'étais hôtesse... au salon du livre de la FNAC, mais aussi à la Paris Games Week. Trop bien, oh. Stylé. Joli, ouais, franchement, j'ai fait des super petits boulots. Entre trier la benne à ordures et faire la Paris Games Week, ça va. Effectivement, là, le level n'est pas le même, hein, clairement. Mais d'un autre côté, c'est un boulot qui est quand même assez épuisant, parce que du coup, en tant que hôtesse, en fait, on était debout genre quasi 10 heures par jour pendant 2 jours. C'est insupportable. Et donc, du coup, à la fin de la journée, t'es lessivé, mais par contre, ça paye bien, quoi. Enfin, vu que c'est en intérim et tout, t'as les primes de précarité, tout ça, et ça vaut le coup, je pense, sur 5 jours. Et puis ça doit être une expérience sur 5 jours, l'événement et tout. Ouais, et puis j'étais que avec des collègues, genre, enfin, on était tous un peu des jeunes, enfin, ambiance super cool et tout. J'étais au stand de l'Assassin's Creed qui est sorti à ce moment-là, je sais plus c'était quoi, bah c'était sur l'Empire romain. Et, ah, c'est voilà, Odyssée, donc, ça, non tantôt, j'étais. Pardon ? Non, j'ai rien dit, j'ai dit pardon. D'accord. Non, mais tantôt, j'étais hôtesse. Où, bah, du coup, il fallait que je gère la queue qui allait. Enfin, la queue des gens qui voulaient tester le jeu. Et tantôt, bah, j'étais à l'intérieur pour dire bon, bah, faut que tu appuies sur telle ou telle touche pour faire une petite attaque. Et puis, l'histoire du jeu, c'est blablabla. C'était vachement cool. Tu veux expliquer à des joueurs comment jouer? Bah, ouais, bah, les nouvelles fonctionnalités, ouais. Oui, ouais, c'est un truc et de puis, il y a plein de gens qui n'ont jamais joué. Bah, je dis pas le contraire. Je n'ai pas joué à Assassin's Creed. Alors, je suppose l'Odyssée, mais... Oui, je crois que c'est ça, oui. Ouais. Odyssée. Mmh, je pense. Tout à fait raison. J'ai un doute. Oui, non, mais c'est totalement ça. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Je m'en souviens maintenant. Je viens de vérifier. Toi, Jolan, est-ce que t'as fait des petits jobs comme ça d'été, de complément Des petits jobs d'été, oui. J'ai bossé dans les champs pendant plusieurs années, pendant presque 3 ans. J'ai fait le castrage des maïs. En fait, il s'agit de d'enlever les petites fleurs de maïs pour éviter que ça féconde avec les autres, avec les mâles. Mm-hmm. Oui, ils récoltent ça pour l'être humain, pour que ce soit à manger. Et puis j'ai fait aussi également la récolte. C'est autre chose, là tu récupères l'épi de maïs à même le pied, tu dois enlever les épluchures, les mettre dans un sac plastique, et c'est encore plus fatigant que le castrage de maïs, mais c'est bien payé aussi, parce que ouais, je me faisais des salaires de 2000 euros à peu près chaque année. Ah ouais, pas mal. Par contre, ouais, c'est physique, quoi. Et puis tu travailles par tous les temps, etc., quoi. Ouais, tu travailles, ouais, s'il pleut, il neige pas, mais il vente, il fait chaud. Bah, surtout la chaleur, je pense, au mois de ce qui est très dur, c'est que quand il fait très chaud, c'est que même dans les rangs de maïs, il fait encore plus chaud. Donc, c'est vraiment un métier sympa, mais c'est physiquement très dur. Et par contre, ça dure pas très très longtemps. Ça dure. Si je dis pas de conneries, ça doit durer un minimum genre un mois, 2 mois, grand max. Ah ouais, autant que ça, ouais. Je pensais que ça dépend en fait du travail qu'il y a, en fait. Ouais, ouais. Mais sinon, voilà, j'ai fait ça comme petit boulot. D'accord. Et toi, Audrey? Ah, moi j'ai fait les basiques de fille, entre guillemets. J'ai fait du babysitting. Ouais. Et j'ai fait du dog sitting surtout, et ça c'était cool. Ça j'ai beaucoup aimé. Basique de fille. Ouais, ouais, mais j'adore garder les chiens des gens, c'était trop bien. Dog sitting, c'est tu gardes les chiens des gens, ouais. Oui, ouais. Tu gardes les chiens. Bon, nous on fait les poubelles, on est dans les champs. Ah oui, ouais, c'est nous les chiens. Attends, faut savoir saisir des bonnes opportunités. Hein. Exactement. Ouais, l'avantage du babysitting, ou du, j'imagine du dog sitting aussi, c'est que tu peux faire ça assez jeune, quoi. Genre à 14 ans, tu commences le babysitting. Mais c'est assez drôle que tu parles de babysitting, que tu dis que c'est un truc de fille, parce que moi j'en ai fait, figure-toi. Donc, l'imaginaire fille et de garçon aussi. Je me sentais pas fille. Les parents, l'imaginaire collectif parle de babysitter. Ouais. Non, c'est vrai. Et toi, et tu, du coup, t'es dit, toi, t'as fait du babysitting aussi? Alors, j'en ai fait. Oui. J'ai gardé plusieurs fois des bébés. Mais pas le tien, hein. Bah non, pas le mien, ça pour le coup. Pas, hein. Comment ça, ça compte pas, hein. Alors, mais, quand j'étais plus jeune, je gardais souvent des enfants, c'est ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, c'est souvent la même, j'avoue. J'ai gardé qu'une seule fois une autre, mais c'était souvent la même. Mm-hmm. Bon, ça faisait un petit job quand même, ça rapportait un peu d'argent, enfin de l'argent de poche plutôt. Et ouais, j'ai fait aussi, comme l'a dit Laura, des inventaires. Alors ça, moi, je suis particulièrement fan de ça. J'adore faire des inventaires. J'adore donc compter des trucs. Hein? Dis, t'es toujours en job d'été, même l'hiver. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça, je peux en faire n'importe quand. Même quand je travaille, des fois, si je peux les accepter, bah, je le fais. Parce que j'aime bien compter des trucs. C'est... Il aime bien compter des trucs. Donnez-lui des trucs à compter. J'aime bien compter et réaligner. C'est un petit plaisir, un petit kiff. Pourquoi tu t'es pas reconverti en tant que comptable, mon ami? Parce que les comptables, ils comptent pas vraiment. Ils comptent pas vraiment, alors peut-être qu'ils comptent, hein, mais enfin avec des calculettes et tout ça, et ça a rien à voir. Ça, c'est pas, tu comptes pas des produits et tu les réalignes pas et tu peux pas les arranger pour que ça soit beau. Enfin, ah, pas assez sociopathe pour lui. Oui. Ouais. Oh, le maniaque. Et chez toi, t'es comme ça aussi, tu réalignes les couteaux dans la cuisine? Eh ben, je vais t'étonner, mais non. Wow. Avant, oui. Par contre, les nombres de spaghettis aussi. Alors, un spaghetti, deux spaghettis, trois spaghettis. Non, j'ai pas fait ça. Mais par contre, il a fait le bon. Et toi, Théo, t'as fait des jobs d'été? Bah, ouais. Les poubelles. Intérim, les poubelles, hein. Clairement. Non, quelques fois comme ça, remplir des coussins de mousse, des choses comme ça, j'ai fait. Intéressant. Ouais. Très intéressant en vrai, mais. C'est un job d'été quoi. Oui, non, mais y a pas de, j'ai pas d'expérience comme Laura, tu vois, de dire ouais, ça c'est super sympa, j'ai appris, j'aurais tellement aimé faire game manager sur un escape game, etc. Ouais, voilà. Tu m'étonnes. Ça m'aurait plu, mais non, j'ai pas fait le jeu. Voilà, mais bon, après, je vais pas me plaindre. J'ai fait des stages qui. J'ai jamais fait les stages photocopieuses, donc sur ça, je peux pas me plaindre. Toutes les périodes de stages que j'ai eues, c'était des stages intéressants. Donc voilà. Ma foi. Je me rappelle avoir travaillé aussi quelques mois dans un call center. Vous savez, les gens qui appellent. Oui. Bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par nanani nanana? Oui, bah écoute, quand t'as besoin de thunes, tu travailles. Non, non, mais. Mais oui, c'est trop dur. Hein? De quoi? Non, en fait, moi je le prenais pas personnellement et surtout, t'as pas de. Ce qui est le plus chiant, c'est les chronos. En fait, tu dois passer un certain temps avec le client pour lui vendre ton truc et techniquement, plus tu le vends vite, meilleur t'es. Et t'as ta manager ou ton manager derrière qui est là en mode. Alors ce mois-ci, André, elle a fait 40 minutes au téléphone, machin, il a fait 30 minutes au téléphone. Oh, l'enfer. C'est des gens comme Teddy qui sont derrière et qui sont là à compter, à faire les courbes. Ouais, c'est ça, clairement. Ah, oui, ils te mettent en compétition, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Et voilà, bon, c'est un job d'été. Enfin, c'était un job de d'entremétier entre guillemets. Ouais, mais il y en a qui font ça et qui ont la pression sur leurs épaules comme pas possible parce que ouais, des call centers, il y en a des immenses et il y a des managers qui sont infernaux et qui mettent une pression de dingue quoi pour justement qui fera le plus, qui sera l'employé du mois, qui machin et puis Théo, non toi Théo, tu te dégages parce que t'es tout en bas de la courbe, tu vois, t'as pas réussi à faire ton chiffre. Non, c'est un peu horrible hein, comme métier si vous faites ça, c'est vrai que des genres de taf qu'on fait, mais on a envie le plus souvent d'en sortir et de faire autre chose parce que c'est beaucoup de pression et c'est pas forcément très bien payé non plus quoi. Et toi Martin, à part livreur, t'en as fait d'autres? Ouais, du coup j'ai aussi fait les poubelles, j'ai fait livraison de linge, c'est un peu différent, mais ouais. J'ai fait de linge. Ah bah c'est tout. Soit c'est tout, soit on l'a perdu. En fait, je remarque que les gars, bah, vous êtes tous des déchets parce que vous avez quasiment tous fait les poubelles. Voilà, bah non. C'est la réflexion non. pragmatique. Mais c'est un rêve d'enfant. J'aime bien que tu arrives en intérim dans une boîte, tu vois, où ils te recrutent en tant qu'intérimaire pour une journée, deux jours ou une semaine. Et ils se disent, ah attends, personne voulait trier la benne ordure, bizarrement. Dans les employés, c'est étonnant. Bah tiens, l'intérimaire qui arrive là, il est jeune, il est dynamique, il va trier la benne ordure, il dira rien, tu vois. Et bon, bah voilà, c'est comme ça que tu te retrouves à trier toutes tes bennes ordures de la région, quoi. C'est quand même assez dingue parce que on me l'a jamais proposé. On propose des trucs, le call center, on me l'a proposé je sais pas combien de fois, ils arrêtent pas, et ils m'en renvoient encore. Hein. J'ai beau leur dire non, je veux pas. Je veux pas travailler avec un téléphone, mais non, il continue. Ou alors des trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Si, commercial. Pourquoi je cherche ? Commercial. Commercial dans des entreprises. Je ne veux pas faire ça. Quoi ? Pour faire du porte-à-porte ? J'en sais rien, sans doute. Mais non. Laissez-moi faire des inventaires. Mais oui. Non, mais attends, et encore mieux. Demain, genre, je fais un petit truc qui pourrait rentrer dans la catégorie des petits jobs comme ça. Demain, je fais de la mise en bib de vin. Donc c'est un peu de la mise en bouteille, mais dans les cubis. Parce qu'ils appellent ça des bibes. Oh. Des biberons pour vieux. Non, je sais pas. C'est des gros biberons, quand même. Oui, ouais, c'est des gros biberons de 5 litres. Voilà, faut l'encaisser, le biberon. Et du coup, demain, je vais faire ça. Que tu vas faire quoi, en fait ? Tu vas remplir ces bidons de vin ? Bah ça, je te dirai ça vendredi, parce que je... D'accord, tu vas les vider. On va le débrief. Ou je les... Oui, ça dépend. Je sais pas. Et c'est Martin qui va les livrer, évidemment. Évidemment. Non mais justement, revenons un petit peu sur ton taf, Martin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe en fait ? Comment t'es arrivé là à faire livreur ? Et comment t'es arrivé là pour faire livreur ? Oui, aussi. ça c'est clairement de l'intérim. Mais je veux juste revenir un petit peu avant. Revenons aux poubelles. Oui. Il faut qu'on en parle. Traumatisé. Genre, quand j'étais gamin, ça me faisait trop kiffer les mecs qui étaient accrochés derrière le camion, attachés et tout. J'aimerais trop faire pareil, mais sans les poubelles. Du coup, quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit vas-y, let's go, ça va être marrant. Ah, t'as fait du coup, c'était marrant ? Oui, c'est ça. Ah, trop bien. Et c'était marrant ? Ça, non. Non, les garçons, ils ont trié des bennes. Oui, ah, c'est plus dans les entreprises. Tu sais, il y a toujours une benne ordure à l'extérieur. Ah. Et c'était, aller trier ça. C'était pas, en fait, moi j'étais recruté en tant qu'intérimaire. J'avais pas de tâche particulière, si tu veux. Ils m'avaient pas dit avant quoi, que j'allais faire ça. Sinon, je serais peut-être pas venu. Je sais pas. Il y a une grande chance. Je savais pas trop ce que j'allais faire et du coup ils m'ont fait faire ça. C'était pas volontaire. Genre, j'aurais aimé derrière le camion poubelle, pourquoi pas une fois. C'est clair. On a tous envie de monter derrière et vas-y roule, ouais. T'es à fond derrière. Ouais, ça règle pour le kiff effectivement. Ça doit être hyper physique les boueurs. Ça va en vrai. Parce que tu les vois traîner les poubelles et tout. Ouais, des fois il y en a des mieux lourdes. Bah ouais. À l'époque il y en avait, je les bougeais pas quoi. Il y avait des cadeaux quoi déjà. J'appelais mon collègue parce que je pouvais rien faire du tout quoi. Je me penchais sur la poubelle, je me soulevais tout seul en fait. Donc, la poubelle soulevait Martin. Non, mais c'est une question de gabarit aussi, très clairement. Oui, ouais, voilà. Poubelle de particulier, ça va. Après, les gros containers. Mathieu l'a fait rouler. C'est pas plus physique. Hein. De quoi, t'as dit ? Mathieu l'a fait rouler, la grosse poubelle, généralement. Oui, tu l'as fait rouler, oui, certes. Ouais, mais je pouvais même pas la mettre sur ses deux roues. Enfin, bref. Ah oui. Bref, revenons à la livraison. C'est toi qui as voulu réaborder le. Oui, non, mais j'y tenais, mais c'est réglé. Ouais. Non, la livraison, oui. Donc, comment t'en es arrivé là ? C'est de l'intérim en fait. Ils t'ont proposé ça à un moment donné ? Ouais, c'est ça. Ils m'ont proposé ça. C'était en août, pendant les vacances d'été, parce que forcément, il y a une augmentation des commandes. Ouais. Et puis, il y a aussi les collègues qui partent en vacances. Mmh. Du coup, j'ai fait ça un petit peu. Après, j'ai arrêté parce que j'avais des cours à récupérer. Ouais. Et puis, pour le confinement, je m'y attendais un petit peu. Ils t'ont rappelé. Il allait y avoir une recrudescence des commandes. Ouais. Et du coup, ils m'ont rappelé pour me dire c'est la panique en ce moment. Ouais. Reviens, s'il te plaît. Help me. De revenir, ouais. Mais non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que on fait de plus en plus, alors d'une façon générale, de plus en plus nos courses sur Internet, mais en période de confinement encore plus, puisqu'on évite de sortir, et tant mieux. Mais il y a quand même tout ce processus de colis qui sont emballés, qui sont triés, qui sont mis stockés, livrés par Martin. Hein. Bon, il n'y a pas que Martin. Non. Il y a beaucoup de taf sinon. Mais tu sens une... Enfin, par exemple, entre la période du mois d'août, qui était une période, on va dire, un peu plus calme, peut-être, parce que c'était les vacances scolaires, malgré que t'es... Enfin, c'est parce que t'avais des collègues qui étaient en vacances. Et la période en ce moment, qu'est-ce qui a changé, en fait, dans tes méthodes de livraison, ta façon de faire, les règles d'hygiène, tout ça? Règles d'hygiène, bah déjà, à chaque fois, je porte mon masque dès que je sors du camion, bien sûr. Ouais, donc ça, c'était le cas déjà en août, parce qu'on était post-confinement, et c'était déjà de mise. Oui, c'est vrai. Ensuite, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que t'avais plus de colis? Oui, non, j'avais pas plus de colis. Bah déjà, en août, j'arrivais, donc je découvrais un peu le boulot, et du coup, j'ai eu un peu de mal au début. Mmh. Il faut quand même se dépêcher sur la route. Mais sinon, non, je vois pas grande différence. À part que, ah si, vous avez peut-être l'habitude de devoir signer un truc quand on vous remet un colis. Oui. Là, du coup, maintenant, enfin, bon, pour moi, non, on le fait plus. Et du coup, on gagne pas mal de temps aussi comme ça. Ouais. Ça m'étonne. Et Martin, j'ai une question aussi, sinon, pareil, sur les clichés de livreurs. Pourquoi j'ai l'impression que tous les livreurs et livreuses roulent comme des tarés? Est-ce que c'est vrai? Pas le temps. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quoi vos objectifs? Bah, les objectifs, c'est de livrer tous nos colis. Sinon, on finit plus tard. Et si on n'arrive pas à tout livrer, on les ramène au dépôt. Mais ça veut dire qu'il faut relais livrer demain avec le surplus qui est arrivé en plus. Mais ça veut dire que déjà, de base, en fait, le fait, que, comme le signale Audrey, qu'on a l'impression que tous les livreurs vont hyper vite, donc ne respectent pas forcément le code de la route, ça veut dire que la cadence qui vous est donnée, ouais. Elle est au-delà du respect du code de la route, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, ils essaient de faire le plus possible avec le moins de camions, enfin, avec ce qu'ils ont, quoi. Et tu ressens une pression là-dessus au quotidien? Genre, t'as quelqu'un qui dit, dis donc, aujourd'hui, Martin, c'est léger, ou je sais pas comment ça se passe. Non, ça va, ça. Pendant la journée, ça se tient au courant, je reçois des messages pour me demander où est-ce que j'en suis, etc. Parce que ça permet de suivre où en est tout le monde. Si quelqu'un a fini en avance, on va l'envoyer aider un collègue qu'on a trop sur sa tournée. Mmh. Donc il y a plus d'entraide que de concurrence, moi je trouve. D'accord. Et tu communiques excuse-moi, comme estimation, tu dois livrer environ combien de colis par jour? Ça doit changer, mais environ. Bah moi en fait ça paraît pas tant que ça, mais je livre 35 colis en moyenne par jour. Oh, 35 colis, c'est pas mal. Mais tu fais combien de kilomètres, c'est ça la question? Ça j'ai pas compté, mais c'est ça aussi, c'est vu que je suis en pleine campagne, j'ai quasiment forcément 10-15 minutes entre chaque client. Oui. Et du coup, ça, juste pour 35 colis, ça me prend la journée, alors qu'une fois j'ai fait une tournée sur Saint-Pierre-des-Corps. Donc en ville, à côté de Saint-Pierre. T'en livres 150 facile, quoi. Centre-ville. Et du coup, c'est fou comment ça va vite. Tu t'arrêtes toutes les minutes parce que en fait, les gens sont un peu au même endroit. Ouais. Mais par contre, ça doit être stressant aussi en ville parce que t'as des fois, t'es juste coincé dans des bouchons, des trucs. Enfin voilà, des choses qui peuvent arriver. Faut faire plus attention et puis tu peux moins te garer. Ouais. Tu peux moins faire des excès de vitesse aussi. Ouais, aussi. non, mais clairement. C'est un peu obligatoire, quoi. Ouais. Oui, ça, malheureusement, ça fait partie du job. Ça devrait pas, hein, très clairement, mais la pression que tu as, que ce soit sur les livreurs courte distance ou longue distance, hein, je pense à tous les routiers qui peuvent nous écouter, c'est pareil, ils ont une pression de dingue. Donc, au niveau excès de vitesse, ils sont plus limités parce qu'ils ont des compteurs et puis des limitateurs, mais ils font des horaires de fou parce qu'ils ont la pression sur les épaules, quoi. Puis les limitateurs de vitesse, t'as un moyen de les... il y a des moyens tout à fait illégaux de passer outre. Non. En camion, t'as beaucoup plus de contrôle, t'as un disque, t'as plein de choses. Ouais. Tu peux pas zapper. Ouais. J'ai été livreur, je sais comment ils font ces connards. Quand tu es employé, t'as intérêt à respecter le truc, mais par contre, t'as la pression de tes employeurs qui veulent que tu livres toujours plus. Eh ben, figure-toi que c'est plutôt le contraire. Parce que dans la boîte où j'ai travaillé, c'était surtout les poids lourds qui s'imposaient, enfin qui avaient un limitateur. Le seul truc, c'est que c'est les chauffeurs eux-mêmes qui changeaient le truc dans le camion, qui faisaient des bidouilles. On va appeler ça des bidouilles sur leur sur leur boîtier. Quels étaient leurs intérêts en tant que chauffeur? Pouvoir rouler 20 ou 30 km au-dessus de la limitation qu'ils avaient. Pour pouvoir gagner du temps. Parce qu'en gros, là où je travaillais, c'était un grossiste en fruits et légumes. En fait, dès que tu rentrais, t'avais fini ta journée. Ah oui, donc c'était pour rentrer plutôt à la maison, quoi. Exactement. Donc plus tu rentres tôt, mieux c'est. Ouais, je vois. Voilà. Et ça doit être un peu pareil pour Martin au final. Parce que c'est ça la contrainte. Ils ont des horaires à respecter. 9h jusqu'à ce qu'ils ont terminé, grosso modo. Sauf s'ils ont fini trop tôt et là ils vont aider un copain. Mais il faut pas qu'ils finissent plus tard parce que sinon c'est sur leur temps à eux et ça doit pas être payé en plus, j'imagine. Peut-être. Je sais pas. Moi, vu que je suis en intérim, toutes mes heures sont payées. Ah, ça c'est cool. Donc, donc ça me. Des fois ça me va, des fois j'ai envie de rentrer, mais des fois je me dis bon, ça va. Tant que je suis payé, même si je finis à 19-20h. Mais d'accord. Les autres, ça serait intéressant de savoir s'ils sont payés pour ça ou pas, parce que ça expliquerait beaucoup de choses. Parce que si t'es pas payé, après tu peux prendre légèrement un peu plus de temps. Pas payé, non, tu prends pas le temps, non, justement. Si t'es pas payé, tu vas vouloir finir à l'heure, parce que voilà, ça va bien travailler gratuitement au bout d'un moment, mais pas trop non plus. Après, si t'es payé, tu fais une demi-heure, mais au moins tu sais que. T'as fait une demi-heure. Il y a quelque chose qui est pas normal quand même. Tu vois, si c'est quelque chose qui arrive une fois ou deux, parce que je sais pas, t'as suivi un tracteur pendant 20 km. Ouais, je dis pas qu'il faut le faire. Hein, voilà. Mais si ça arrive tous les jours, ça veut dire qu'en fait, et ça c'est valable pour chauffeur-livreur, mais comme dans plein d'autres métiers, ça veut dire qu'en fait, ta dose de travail, c'est soit t'es mauvais, mais sauf que là, c'est pas une question d'être mauvais ou bon. Si tu suis ton trajet et que tu te perds pas tout à chaque fois que tu prends un rond-point, si tu suis correctement le trajet et que à chaque fois, tous les jours, tu prends du retard, c'est à dire qu'en fait, la dose de travail imposée de le parcours de livraison, etc., est trop importante par rapport à ton nombre d'heures au travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut normalement faire remonter à la direction et elle est censée t'entendre si t'es suffisamment à manifester ton mécontentement. T'es intérimaire, qu'est-ce que tu veux ? Oui, non mais clairement, t'es intérimaire, tu peux rien dire. Non mais je pense aux chauffeurs-livreurs qui sont recrutés en CDI, hein, par exemple. Eux, ils ont peut-être leur mot à dire, mais peut-être que leurs conditions de travail sont pas les mêmes non plus. Les heures sup sont pas payées, perso. Donc Théo, c'est quelque chose qui se transpose en fait dans pas mal de corps de métier. Enfin, tout à fait. Ouais. Pour dire un exemple, moi cette année j'ai travaillé dans deux journaux différents. Le journalisme. Et voilà, on supprime des postes et au final les gens qui viennent, les CDD et tout ça, ils ont une charge de boulot. Enfin même les CDI, on a une charge de boulot beaucoup plus importante. Alors qu'au final, si le poste supprimé l'année d'avant, admettons, avait été sauvegardé, ça soulagerait tout le monde. Et je trouve ça aberrant. Enfin, c'est juste nous épuiser jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on n'ait plus de vie sociale, quoi. Enfin, c'est. Ouais, ça l'est. Et puis il joue en plus sur. Alors là, tu parles d'un autre domaine, le journalisme. J'imagine que tu as fait des études pour et que tu es un peu passionné par ça. Et il joue sur cette corde-là, en fait, très clairement, tout ce qui est métier artistique et compagnie, il joue sur la corde sensible qui est la corde de passion, en se disant, mais tu fais ça, mais tu aimes ça, donc du coup, tu vas. Et puis il y a le côté aussi, journalisme, la plupart du temps, il faut passer par des concours, donc en fait, déjà. Tu galères à accéder à ces études-là et ensuite tu galères à trouver un travail parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et une fois que tu es dans un endroit, on attend de toi que tu restes et que tu dises rien. T'es chanceux, t'as une place et ça laisse très peu de marge de manœuvre finalement. Je dis pour le journalisme, mais il y a d'autres cordes de métiers pour lesquelles c'est le cas, mais je trouve que c'est quelque chose dans une société qui est vraiment à corriger, quoi. Il est là le plus gros problème peut-être aujourd'hui. On va peut-être pas rentrer dans des débats sur le monde du travail, mais le problème, il est que depuis quelques dizaines d'années maintenant, la balance est clairement en faveur des employeurs, parce que quand il y a un nouveau poste, alors sauf sur certains secteurs, je pense à la restauration, à l'hôtellerie, à la boulangerie, etc., qui sont des secteurs un petit peu en crise, et finalement la balance est rééquilibrée, voire même penche dans l'autre sens en faveur des salariés, mais sinon ils ont tellement de candidatures en fait pour un poste, et le journalisme en fait partie, quand t'es recruté, t'as la chance en gros d'être recruté, mais du coup ils font de toi n'importe quoi parce qu'ils savent que de toute façon si tu t'en vas, il y en a 50 autres qui frappent à la porte, quoi. Donc ils se disent si t'es pas content tu te barres, mais t'inquiète pas qu'on aura quelqu'un pour être esclave de notre journal ou de tout ce que tu veux. Et c'est dommage parce que en fait la balance n'est pas là, il y a pas d'équilibre entre le pouvoir des salariés et le pouvoir des employeurs. Ça sent le vécu, la diatribe. C'était beau. tes non, petites larmes. Non, mais bien sûr, c'est du vécu aussi parce que j'ai eu des emplois dans le secteur, pas journaliste, hein, mais dans le secteur audiovisuel, etc. Et clairement, bon, tu le retrouves dans pas mal de boîtes, mais au-delà de ce secteur-là, ça se ressent un peu dans la plupart des secteurs. Et c'est dommage, et peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, quand on voit les chiffres du chômage, et là, je pense qu'après les confinements, ça va être encore pire. La balance risque d'être un moment dans le camp des employeurs. Donc, tu soulignais le fait que, on prenait un peu comme esclave et tout, mais le problème, c'est qu'au final, j'ai l'impression que tout le monde est un peu victime. Enfin, moi, je sais que du coup, les deux derniers emplois dans lesquels j'étais, on est tous des esclaves. Dans deux journaux différents, bah, en fait, à chaque fois, les chefs elles-mêmes, elles luttaient en fait en mode oui, mais on a fait remonter plusieurs fois le fait que ça allait pas, qu'il fallait faire ci et ça. Et au final, c'est encore au-dessus qu'elles sont pas entendues en fait. Et c'est triste, c'est qu'au final, tout le monde est d'accord pour dire la situation ça va pas, mais pour des économies d'échelle, on est en mode bah non, ça va aller, vous inquiétez pas, continuez comme ça. Et on peut donner plus de 100% de notre temps à un moment donné, mais si déjà on est valorisé d'une, et puis il faut pas que ça dure, faut pas que ça soit normalisé en fait. Si c'est un coup de bourre de temps en temps parce qu'il y a un gros besoin, etc., ok, on aime ça, on travaille, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais si ça devient une normalité, qu'on doit toutes les semaines faire 150% de notre job, au bout d'un moment, on se sent dévalorisé par rapport à ce qu'on devrait l'être. Et c'est pas normal. Et puis ça nous prive aussi de notre vie à côté. C'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie personnelle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et si je me mets de l'autre côté aussi, on n'est pas là non plus pour cracher sur les employeurs, parce que malheureusement, s'il y a toute cette pression de la part des employeurs, c'est parce que eux aussi ont une grosse pression de l'État, des taxes et compagnie, qui font que les entreprises sont obligées de faire avec le moins de moyens humains possible pour produire le plus possible, quoi. Donc voilà, c'est pas pour équilibrer mon discours, mais je pense qu'il y a une réelle pression aussi qui pèse sur le dos de certains employeurs. Et voilà, c'est une pression qui est globale, quoi, finalement. Ouais. C'est une pression qui est globale de l'économie. En fait, hein. Ouais, c'est ça, parce que les taxes sont bien réelles, hein, et elles représentent des fois plus de la moitié du chiffre d'affaires, donc au bout d'un moment, ils ont le couteau sous la gorge, et en fait, en gros, c'est ça, ou alors tout le monde est licencié parce que licenciement économique, on peut plus vivre. Oui, il y a aussi des patrons qui aimeraient pouvoir embaucher des gens, sauf que les charges patronales aussi leur reviennent super chères, quoi. C'est ça. Donc ils se disent on va faire avec les moyens qu'on a, sauf que les moyens qu'on a, au bout d'un moment, ils en peuvent plus, quoi. Voilà. On est rentré dans c'était l'édito politique. Ouais, c'est clair. Politique économique de la soirée. C'était pour essayer de remettre les choses à leur juste place. Mais pour en revenir à ton job, Martin, est-ce que c'est quelque chose que tes conditions de travail, est-ce que tu fais, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que par la suite ça va évoluer, que tu vois évoluer, bon, même si ça fait que quelques semaines que tu fais ça, mais comment tu vois la suite de ça en fait? Très bonne question. Vas-tu rester livreur ou pas? C'est ça la question. Non, mais pas forcément toi personnellement, mais vu qu'on est de plus en plus à faire nos courses par internet, et puis les périodes de confinement n'arrangent rien, Noël qui arrive, etc., on va forcément beaucoup commander par cette voie-là. Comment t'imagines le métier dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois, comment tu penses que ça va évoluer tout ça? Je pense que déjà, il va y avoir beaucoup plus de livraison en général pour tout. Déjà, il y a les drives pour la nourriture, il y a les livraisons basiques, et les gens qui commandent de plus en plus par internet. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de marchandises qui va transiter par la livraison que par les magasins. Ouais. Et que dire de plus? Et pour toi, pour toi, c'est la mort des petits commerces en centre-ville, par exemple, ou tu penses que les deux peuvent peuvent exister? Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment le contact aussi, pouvoir comparer ce qu'ils veulent acheter, même découvrir, trouver quelque chose à laquelle ils n'ont pas pensé. Ou juste, par exemple, les fringues, pouvoir essayer, en fait. Ouais, moi, je sais que je me fais livrer très, très, très rarement. Même pour les courses, j'ai du mal parce que je trouve les idées aussi, genre, en voyant les choses. Oui. Des fois, je me dis, ah, j'aurais pas pris ça, j'aurais peut-être pas fait cette recette-là. Ou sinon, pour les vêtements, déjà, d'un magasin à l'autre, un 38 ne sera jamais le même 38 dans un autre magasin. Donc, en fait, il y a tellement de facteurs. Facteurs, livraison, oui. Vous avez compris. C'est pas faux. Non, mais ouais, voilà, c'est très pragmatique. Hein. Y a un petit jingle en stock. Y arrive, là. Non, mais elle a raison, Laura. Surtout pour les fringues, par exemple, on n'est jamais coté, à part si on fait vraiment un 36 mannequin, mais je connais très peu de personnes de mon entourage qui font un 36 mannequin, qui peuvent acheter sur l'internet. Je suis pas totalement d'accord. Ça, peut-être que ça va changer, bah ouais, parce que les technologies évoluent aussi. Exactement. Et tu pourras peut-être essayer les fringues de chez toi sans les essayer vraiment. Je sais pas comment, mais là je vois très futur, hein, mais comment dire, il y a beaucoup de choses. Plus futur que ça, on est capable de le faire aujourd'hui. Oui, c'est pas faux, mais. On met en place. Oui, mais ça coûte un peu cher. On est capable de le faire. Mais bon, c'est. Après, en soi, quand tu commandes des vêtements en ligne, ils arrivent chez toi, mais t'as moyen de les retourner. Bien sûr. Oui, déjà, sur un mois. Mais c'est juste que la démarche. Ouais, bon. Il y a peut-être t'as quelque chose. Des trucs chez toi, il y a la moitié qui va pas, t'es obligé de renvoyer à la poste. Ouais, la flemme. Que... Non, mais là, c'est la flemme. Ouais, la flemme. Tout à fait. Par contre, moi, là où je te rejoins pas, mais bon, ça, c'était moi, c'est que dans les magasins, je me suis essayé au drive pour la première fois au premier confinement et j'ai renouvelé l'expérience là. Alors, je l'ai pas fait entre les deux, hein, mais parce que. Je sais pas, parce que je suis tout seul et que ça me prend pas longtemps d'aller au supermarché pour faire les courses. Mais j'ai trouvé le drive intéressant. Tu disais pour trouver des produits. Bah, j'ai trouvé qu'en étant sur le site internet, finalement, des fois, je trouvais plus de choses que quand j'étais dans le magasin. Alors, soit un magasin que tu connais pas parce que il faut 10 000 ans pour trouver le bon rayon et mon truc, mais même un magasin que je connais, en fait là je suis tombé sur le site internet sur des produits, si tu veux, que je savais même pas que ça existait en magasin parce que je les avais jamais vus. Ils sont listés, quoi. Ouais. Par contre, t'es beaucoup influencé aussi, malheureusement, sur les drives. T'as pas tous les produits que t'as dans les magasins et ils t'indiquent, en fait, enfin, ils t'incitent entre guillemets à acheter certains produits. Ouais, les produits que tu consommes régulièrement. Ouais, ou les produits de leur marque, surtout. Ouais. Les produits de leur marque, oui, bah ouais. Oui, évidemment. Ouais. Parce que ça rapporte plus de points. Hein. Évidemment. Logique. Ils ont une marge plus importante sur ces produits-là, évidemment. C'est ça. Ouais. Mais je trouve qu'au final, comment dire, même si la livraison augmente, je pense pas que c'est la mort des petits magasins. Enfin, je vois qu'il y en a quand même. Enfin, j'habite en plein centre-ville de Tours et je vois qu'il y en a qui arrivent à se débrouiller. Enfin, j'habite au-dessus d'un magasin d'art de vivre qui s'appelle la Maison Pan, qui a ouvert genre juste en mai en plus. Ouais. Vraiment petit magasin super chouette. Et le truc, c'est que la gérante, elle a réussi à faire un e-shop en ligne genre en 2-2 à l'annonce du deuxième confinement et tout ça, et enfin, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que je sais pas, je préfère aller dans les magasins avoir un semblant de contact humain. Enfin, après, tous les vendeurs et vendeuses ne sont pas exceptionnellement gentils, mais ouais, mais des fois c'est des robots. Donc, ouais, non, mais peut-être que en fait finalement, et ça se voit, hein, déjà, mais je dis pas ça comme ça à légère, mais que c'est la... Je sais pas si c'est la mort, mais en tout cas le déclin des grandes et très grandes surfaces en périphérie de centre-ville, etc. Les grands magasins qui ont effectivement tout un tas de choses, mais qu'on peut retrouver aussi sur internet, voire encore plus, à des bons prix, mais qu'on peut trouver sur internet encore moins cher, et avec des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs spécialisés, mais qui sont des vendeurs random, parce qu'on leur dit c'est ton rayon pour ce mois-ci, et tu vendras des ordinateurs ce mois-ci, et puis après tu vendras des fringues. Donc toutes ces grandes et très grandes surfaces là, on sent que depuis on va dire une quinzaine d'années, elles commencent de plus en plus à souffrir de cette concurrence d'internet, parce que la valeur ajoutée n'est pas forcément là, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis pas totalement d'accord, hein, parce que peut-être que depuis des années, oui, mais là pendant les confinements, c'est eux qui se font plus d'argent, parce que là ils en profitent justement pour les petits producteurs locaux. Ils veulent bien les mettre dans leur magasin, mais ils payent une contrepartie. Il y a des trucs comme ça qui sont... Mais ça s'appelle un intermédiaire, ça, t'es dit, c'est normal. Non, oui, mais là, c'est spécial confinement, ça n'a rien à voir. C'est, oui, non, mais alors, les petits producteurs ont toujours été victimes des grandes... Oui, c'est sûr, mais là, c'est encore plus, parce que ils peuvent appliquer, en fait, n'importe quel prix, en fait, le magasin. Ouais. Parce que le petit vendeur n'a plus le droit d'ouvrir son magasin. Oui, là, clairement, ils sont favorisés. Mais je te parle hors confinement, hein. Hors confinement, peut-être, mais... Pardon, Hors confinement peut-être, mais là ils se remplissent les poches quand même. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, parce que là, clairement, il y a des commerces qui ont le droit d'ouvrir, et c'est souvent les grands commerces, c'est pas les petits commerces de proximité. Mais sur les grandes et très grandes surfaces, d'une manière générale, même ça si diminue, ils ont toujours pesé très lourd par rapport aux petits producteurs locaux, et ça, j'en suis conscient, mais je pense que la masse de clients, c'est des grandes et très grandes surfaces ont ouvert pendant les années 60-70, hein, et il y a globalement un déclin en fait de ça parce que finalement il y a peu de valeur ajoutée, quoi, si ce n'est qu'il y a tout sur place, mais en même temps il y a tout sur place aussi sur internet et avec Martin qui nous livre à la maison. Où est-ce que tu as vu qu'il y avait ce déclin en fait, enfin, parce que moi, parce qu'il était là au début. Je te rappelle qu'il est né dans les années 50, hein. Oui, bien sûr. Non, pour avoir travaillé un peu en grande surface un temps, fut un temps, ouais, non, qui c'est pas. Il l'a construit. Oui, bien sûr. C'était il y a une bonne dizaine d'années quand même. Mais déjà, on voyait, enfin, les vendeurs et chefs de rayon nous disaient que, ouais, clairement, il y avait une concurrence et même des fois de leur propre enseigne sur Internet. C'est-à-dire que c'était un grand supermarché. Ils avaient un site Internet aussi avec des produits en ligne qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'en rayon et des fois avec des tarifs préférentiels sur le site. Et en fait, bah, de plus en plus de personnes passaient, alors des fois faisaient un tour en rayon, regardaient ce qu'il y avait, et puis finalement faisaient l'achat sur Internet. Donc ils étaient même victimes de leur propre enseigne, quand même. Pas forcément de la concurrence, mais de leur propre enseigne en ligne. C'est beau. Ouais. C'est beau. Après, il y a quand même, enfin, quand on va à Carrefour, Auchan, etc., on se rend compte qu'il y a aussi eu des changements, hein, ces 10 dernières années de stratégie, et ça se voit. Voilà, des rayons qui sont développés, des îlots, des réaménagements, enfin, clairement pour faire ressembler ces espaces à non pas un hypermarché, mais à plus quelque chose de un camp de vacances. Humain, quoi. Non, pas camp de vacances, mais plus quelque chose d'attractif. Un peu à un centre-ville, quoi, voilà, enfin, oui. Dans l'idée. Oui, bah bon. Voilà. Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des ans, on va peut-être écouter de la musique. C'est bien la musique, hein. Ouais, tu voulais dire un mot, Martin, pour terminer ou pas? Non, j'avais rien. Balance la zic. D'accord. Balance la zic, gros. Ok, on balance la zic alors. Fuzzy Fox, Don't Leave Me Behind, c'est quand même des stars. Et puis dans un instant, on va parler couture, bio wraps, tricot, avec Estelle qui vient nous rejoindre pour nous parler de ce qu'elle fait pendant le confinement. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et oui, on est sur Indestar, il est lundi, c'est l'émission à la maison avec Théo, Audrey, Laura, Jolan, Martin et Teddy. Et normalement c'est Théo qui parle, mais Théo n'est plus là parce qu'on l'a viré, parce qu'il parlait trop. Ça s'entend d'ailleurs qu'il n'est plus là. Bah oui, ça s'entend, on entend le silence, écoutez, ouais. Ce bruit. Non, je déconne. Non, c'est épitude. Que... Non, c'est... on ne l'a pas viré, c'est qu'il a laissé sa place à quelqu'un de... Ah. Bah, qui l'aime bien, enfin, dans tous les cas, j'espère. Ah, mais il cette a sa présentation extrêmement mignonne, Teddy. Bah oui, il a sacrifié. Il a laissé la place à Estelle, qui va nous parler de. Bah, d'activités de confinement. On m'a demandé de me présenter et de dire ce que je faisais pendant le confinement. Donc, bah voilà, d'accord. Je vais parler de couture et de tricot. Et oui, d'accord. Oui, j'ai bien 30 ans. Oui, mais ça revient hyper à la mode, tu rigoles. Mais du coup, qui es-tu, Estelle ? Et ben, bah, du coup, moi, je suis la sœur de Théo. Donc, bah, c'est pour ça, dans la présentation, j'espère quand même qu'il a un peu d'affection pour moi. et donc, en plus, on fait notre confinement ensemble parce que moi, j'ai été rapatriée lors du premier confinement. Ouais. Et donc, bah, rapatriée chez mon frère. Du coup. Ah, parce que t'étais où ? Eh ben, parce que j'étais dans le désert sénégalais avant. Donc, j'ai fait un bout de confinement dans le désert sénégalais, puis un bout de confinement dans le désert tourangeau. Et du coup, tu préfères lequel ? Le désert tourangeau ou le désert sénégalais ? Ah, je ne donne pas mon point de vue, ça pourrait frustrer certaines personnes. D'accord. Donc voilà. Et donc, comme je suis chez mon frère et que je suis la branche écolo de la maisonnée, parce que. Oui, c'est vrai que Théo, c'est pas son point fort. Théo, c'est plutôt les grosses voitures. Voilà, moi je m'adonne au travail manuel. Donc après, du dessin, la pose de papier peint, de la réparation de meubles, la peinture, etc. etc. Je m'adonne à ce que je sais faire un peu quand même mieux, donc du tricot et de la couture pendant le confinement. D'accord. Et voilà. tu as appris des choses pendant le confinement ou tu en faisais déjà ? Bon, j'en faisais déjà. Donc c'est un peu une passion, mais en fait... Donc pour en parler un petit peu, déjà ça détend énormément le tricot ou la couture. D'ailleurs, ça a même été théorisé parce que ça s'appelle même la trichothérapie. C'est un vrai truc qui a été théorisé. Mais oui, il y a un médecin et enseignant de Harvard qui s'appelle Benson et qui a même dit que, en termes de mental, c'était, enfin, le tricot ou la couture, c'était l'équivalent du yoga. Bah, j'aime bien. C'est vachement reposant en fait, parce que tu te focalises seulement sur une chose et ton esprit il pense plus en fait. Enfin, c'est juste que t'es en mode automatique. Ouais. Bah, du coup, ouais, Jolan, tu vas te mettre au tricot, Jolan. Bah, du coup, c'est ce que je disais. Moi, je fais de la sophro, mais il n'y a plus qu'à se mettre au tricot, c'est parti. Ah ouais, c'est plus efficace. C'est quoi la différence entre le tricot et la couture? Je voulais savoir. Alors, le tricot, c'est avec de la laine, donc c'est tout le lainage, voilà, avec deux sortes de baguettes là. Voilà, pour des écharpes. Etc. Mmh. Et puis la couture, c'est plutôt avec une aiguille, un fil et du tissu. Ouais. C'est les outils qui sont pas les mêmes. Tu fais tout à la main, t'as pas de machine. J'ai une machine, mais j'avoue qu'à la main, ça me déstresse. Ça, c'est vraiment un antistress puissant et en fait, ça stimule à la fois la concentration pour certaines choses, parce qu'il y a une certaine petite difficulté géométrique quand même à faire, et en même temps, ça détend. Et comme souvent d'ailleurs, quand on est occupé à quelque chose, je sais pas, dans un bar ou je sais pas, souvent on trifouille. Un truc dans nos mains, enfin, c'est un peu humain de faire ça, d'avoir un bout de papier, de dessiner, voilà. Ouais. Ben là, par exemple, devant un film, et le ratio est bon, hein, parce que c'est un film, un bonnet, donc franchement. Ah, pas mal. Du coup, je vends des bonnets si vous voulez. tu les vends, tes bonnets? Et tu arrives à suivre le film en faisant du tricot? Oh bah oui, parce que c'est mécanique au bout d'un moment. Oui, et puis après, il y a la petite satisfaction d'avoir terminé un film et d'avoir fait un truc soi-même. Donc c'est plutôt cool. D'accord. Et là, voilà. Tu perds du temps en perdant pas de temps en fait. Bah oui. Comment? Ouais, exactement. Bah c'est, oui, voilà. C'est un peu ne perdons pas de temps, mais c'est aussi ouais, faire deux choses en même temps, mais sans s'en rendre compte l'un et l'autre, quoi. Enfin, c'est pas. Oui. C'est apaisant. Y a pas vraiment de réflexion. Et à part des bonnets, tu produis quoi d'autre? Ou bah alors en tricot un peu tout, hein, des pulls, des écharpes, des bonnets, tout mon entourage en a, hein, donc voilà. Ah, ils sont équipés, hein, l'hiver ils vont avoir chaud, hein. et puis en couture c'est tout, c'est pochettes, sacs, vêtements, enfin j'ai un tiers de mes vêtements qui est fait à la main, mais c'est aussi dans une démarche un peu écolo voilà, de faire ça, de la déco, des peluches, là j'ai eu une grosse commande de peluches là par mon frère, voilà. Théo aime bien les peluches. Quel genre de peluche? Mais bon, j'en avais fait une pour une copine, et puis chaque fois que je fais un truc, mon frère il veut le même, donc voilà. Donc, il est jaloux. Ça balance les petits secrets sur Théo, ça c'est bon ça. Là j'ai fait une confection d'un dessus de lit avec les coussins qui vont aller avec. Enfin bon, wow. Ouais, il y a du taf. Puis après, c'est une démarche, comme je le disais, un peu écolo. Une petite dédicace à Linda si elle nous écoute, parce qu'elle en parle régulièrement. Des bisous à Linda. Elle adore les initiatives éco. Mais Laura aussi, elle aime bien aussi. Elle est plutôt dans ce truc-là. Oui, je n'ai pas encore la compétence couture. Ah, faut que tu mettes des points de compétence. Faut que tu joues. Comme en GDR. Exactement. Tu gagnes 3 points si tu arrives à tricoter un bonnet. Yes, trop bien. Oh, échec critique, je me suis mis l'aiguille dans le doigt. Mais ça m'est arrivé, hein. Je suis allée aux urgences au mois de juillet pour un petit... Ah merde. C'est bon. Oui, une aiguille qui m'a un peu traversé le doigt, voilà, une erreur d'inattention. Si tu ressors l'aiguille par le dessus, c'est bon. C'est pas ça. Ah non, on fait pas comme ça, non. Bah oui, je suis parti. Voilà. T'es livré avec le bonnet. On peut pas te le voler. Avec bonnet avec une personne avec. Non. Tu fais un avec le bonnet, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais puis bon, il y a la petite démarche écolo. Bah, déjà, parce que quand on a passé 50 heures à tricoter un pull au cou d'un chemisier, franchement, je peux vous dire qu'on a envie de le mettre. Donc, on n'est pas dans l'ultra consommation. Et puis après, c'est souvent fait avec de la récup de vieux tissus ou de la customisation. Voilà, et c'est ultra local, là, pour le coup. Je pense que tu en tire aussi une certaine fierté en fait, te dire c'est mon bonnet, je l'ai fait de A à Z avec de la récup, donc enfin t'as ça en plus, quoi, et c'est génial. Alors que quand tu achètes un truc, le plaisir en fait il est très, c'est de l'avoir acheté neuf. Et encore. Ouais, voilà, ça dépend. C'est bon, j'ai acheté un joli bonnet. Mais voilà, c'est ça. Il va pas durer longtemps. La satisfaction se dissipe un peu avec le temps, quoi. Bah, alors oui. Que là, te dire, ah, ce bonnet, je l'ai fait l'année dernière, c'était trop bien. J'étais en train de regarder Forrest Gump à la douane à ce moment-là. Petit traumatisme de la part de Laura. Ouais, visiblement, il y a un vécu, mais bon. puis faut être, ça apprend aussi l'indulgence avec soi-même, quoi, parce que c'est pas toujours beau, hein, je précise. Il a fallu commencer. Bah oui. Puis parfois j'ai un peu d'autocensure parce que c'est un peu trop coloré, me dit-on. Enfin, ça, c'est... Ah, Désigual, bonjour. C'est le désert sénégalais qui t'a exactement habitué à beaucoup de couleurs. Ça va très très bien au Sénégal. Je vois sur le conducteur que il y avait couture, tricot et un mot que je connais pas, c'est bivrap. Ouais. Ah oui, alors ça, oui, que parce que bah, du coup, dans la démarche écolo de tout ce qui est couture, etc. Donc bon, bah il y a tout ce qui est, du sopalin fait soi-même, des petites lingettes faites soi-même, etc., etc. Ah. Là récemment, j'ai fait donc des biwap. Donc alors c'est des bouts de tissu avec toutes les chutes de tissu qu'on a. D'accord. On découpe des carrés. Ouais. On fait fondre de la cire d'abeille dessus. Ouais. Qu'on met au four un petit temps, le temps que la cire fonde. Et après, ça remplace tout ce qui est cellophane, etc., etc. Donc ça remplace tous ces déchets-là parce que du coup, le tissu, ensuite, avec la cire d'abeille, prend exactement la forme du tupperware, du bol ou etc. sur lequel on. Ah oui, d'accord. C'est pour recouvrir des aliments dans des contenants, enfin, comme tu disais, un bol ou une casserole ou n'importe. D'accord, ouais, c'est ça. Et ça évite, pas mal de déchets, tout ce qui est. Le film alimentaire, tout simplement, voilà. J'ai envie de dire. Et d'ailleurs. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, faut de la cire brute, enfin voilà, faut en mettre partout. Ça fonctionne pas mal, mais ça fonctionne 3-4 mois et après faut refaire fondre un peu de cire sur le tissu. Et surtout, faut pas laver le tissu à l'eau chaude, faut plutôt le nettoyer un peu sur le dessus, mais pas trop, enfin voilà, ça se lave pas en machine ou quoi que ce soit. C'est un petit inconvénient, j'en sais rien si c'est un inconvénient ou pas, mais voilà. C'est un fait. Et petite question, mais là c'est. Vas-y Laura, vas-y. Je sais te placer ma question. Vas-y. Chacun son tour. Est-ce que du coup, t'as eu du mal avant de réussir un premier bivrap, hein, parce que j'entends des fois qu'il y a un peu des ratés au niveau de la cuisson et tout ça. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir des petits couacs au début? Bah pas là, parce que je sais pas si ça tient ou à la qualité de la cire ou je sais pas, mais bon, moi j'avais ce qu'il faut. Pour en faire des biens dès le départ, c'est d'avoir un tissu un peu épais, type justement le wax sénégalais, c'est très très bien. Voilà, d'accord. C'est coloré, on aime bien. Non mais c'est des tissus qui sont assez épais. Et puis après avoir de la cire, bon après ça s'achète en magasin bio, enfin hein, des trucs, des petites boules de cire d'abeille. Et après ce qu'il faut pour que ce soit bien réussi, que le tissu ne brûle pas ou qu'il soit pas, voilà, que ce soit pas foiré. C'est de bien regarder le four et une fois, c'est vraiment pas très long quoi, le temps que ça fonde. Il faut vraiment, dès que tout est fondu, retirer tout de suite le tissu et bien le faire sécher à plat, étendu sur un fil pour que ça sèche bien de façon homogène. Quoi. Voilà, c'est les seuls. Mais c'est vraiment pas long à faire, hein, ça prend 20 minutes pour tout, hein, c'est vraiment pas long. Ah oui, c'est rapide. Okay. Parce que j'ai déjà de la cire d'abeille parce que j'en utilise pour des produits cosmétiques faits maison. Mais du coup, j'ai pas encore testé le bivrap, mais ça me donne envie, tiens. Je prends bah oui, entre un déodorant fait maison et un bivrap, voilà, il n'y a qu'un pas. Voilà. Et voilà. C'est quoi la prochaine étape écolo que t'aimerais mettre en place, la prochaine? Changer la voiture de Théo. J'ai une petite commande par des copines de sopalin lavable, là, donc faut, voilà. Et du coup, pour rebondir, le confinement tombe assez bien pour la couture, etc. Parce que ça fait aussi des cadeaux Noël assez sympas, ou pas. Hein, mais en tout cas, c'est fait maison et du coup, les gens seront quand même obligés de faire mine que ça leur plaît. Donc, enfin voilà. C'est... T'es obligé de l'accepter, oui. Ça, le cadeau. Là, j'ai eu des commandes de sopalin maison, donc je vais me mettre au sopalin maison. Voilà. D'accord. Mais toi, pour toi, la prochaine étape que tu veux franchir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre en plus, si t'as envie d'aller plus loin dans... Oui, dans ta démarche. Ouais, bah après c'est des petits challenges. Enfin, par exemple à la couture au départ, il y a des trucs très très simples à faire quand on veut s'essayer. Et c'est normal. Un débardeur par exemple, c'est vraiment facile, c'est simple, etc. Un t-shirt c'est plus compliqué. Une chemise c'est compliqué. Et un pantalon. Mais un pantalon, genre pas un pantalon. Moi je sais faire que les pyjamas, donc ça va pas. Faudrait que je sache faire un vrai pantalon, mais bon ça c'est. Oui. Voilà, c'est un petit défi au-dessus. Et là, bah là, du coup, c'était un peu les défis peluches parce que je ne savais pas trop faire. Faut faire des formes en 3D quand même. Donc là, il y a eu un petit passage en 3D dernièrement. Et c'est Théo qui a récupéré le test. Le crash test. Ouais. Ah, le crash test. Il sert de cobaye. Ouais. Faut aller voir. Des centaines des petites peluches comme ça. Mais des centaines. Ouais, moi, ma grand-mère, elle en faisait au crochet. Ah oui, bah voilà. Vous avez des petits lapins au crochet, c'était trop pipou. Ma foi. Et ben voilà. Si vous avez des enfants ou des frères et sœurs chez vous, utilisez-les. C'est très utile. J'avais une petite question. Ouais. Par rapport au bivrap, parce que là c'est mon côté boulanger qui parle. Alors, on utilise souvent du film alimentaire pour couvrir des pâtes, mais le film alimentaire touche la pâte. Est-ce que là, pour le bivrap, est-ce qu'on peut toucher un aliment comme ça et le laisser au frigo ou quelque part ? Est-ce que c'est grave ou pas ? Ouais, non, tu peux, mais faut pas que ça... Enfin, je suis pas boulangère, mais faudrait pas que la pâte soit... Enfin, que le tissu colle trop à la pâte. Enfin, je sais pas spécifiquement pour la boulangerie, mais après, si, pour les aliments. Pour les aliments, ouais, faut pas trop que ça touche. C'est ça ? Bah on... pour les aliments, ça peut toucher, mais ça dépend quel type d'aliment quoi. Et par mais, sauce, mais en par cas, exemple, il y a aucun danger parce que c'est de la cire bio. Enfin, c'est, y a rien de. Tu peux la manger, ça sera peut-être moins bon ton plat, mais c'est mangeable. Oui, mais voilà, il y a un petit côté sucré-salé. Moi, franchement, ça peut être très bon. Non, mais ça se met plus tôt, j'avoue. Moi, pour l'instant, j'ai mis que au-dessus de tupperware ou de bocal ou voilà. J'ai jamais mis de la nourriture dedans, mais on peut. Hein, ton petit sandwich du midi, Martin, lors de tes livraisons. Oh, là, ben, je pense que qui peut se mettre dans du bivrap. Il aura un petit goût de fumée. Magnifique. Voilà. T'es chaud, Martin, pour ton bivrap sandwich? Bah ouais, c'est vrai que commence à y avoir un amoncellement de boulettes d'aluminium dans mon camion et c'est dégueulasse. Ah, et bah voilà. C'est mal. C'est mal. Ça frémit. Et vous, en général, c'est quoi les petites étapes écologiques que vous avez mis en place chez vous? Si vous l'avez fait, hein, si... Qui ça, nous les autres? Oui, vous, la totalité des gens. Vas-y, Jolan. Vas-y, commence, Jolan. J'ai pas entendu, pardon. Il écoute pas, ils sont plus de courage. J'écoute. Mais il est en train de jouer à LOL à côté. Non, je dis, est-ce que chez toi, est-ce que tu as mis en place quelques initiatives écologiques ou de recyclage ou pas du tout, hein, c'est possible. Alors, écologique, oui, j'ai changé mes radiateurs qui consomment moins d'électricité, donc je sais pas si ça rentre dans ma case. Oh, bah si, carrément. Ouais, totalement. Ouais. Voilà, donc je consomme moins d'électricité. Il y a un petit réglage automatique qui chauffe à 20 degrés la journée, puis il baisse tout seul la nuit la température. D'accord. Et ton prochain objectif, c'est quoi ? Si t'en as un ? Bah, je fais déjà le tri donc, de mes déchets, donc je sais pas, je suis peut-être pas trop mal hein, pour l'instant. Peut-être consommer moins d'électricité parce que tout mon appartement consomme à l'électricité. Donc, D'accord. Voilà. Toi, Teddy ? Alors, ouais, ça va être un peu particulier parce que j'entends beaucoup d'initiatives écologiques, notamment vu que je parle beaucoup avec Linda, donc forcément je suis influencé. Maintenant il y a Laura, maintenant il y a S. J'en entends de plus en plus parler et j'entends beaucoup de bien là-dessus. Donc j'ai presque envie, tu vois, de faire des choses. Sauf qu'il y a un truc qui me ramène direct sur Terre, qui me dit non. C'est le fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ce point de vue-là. Qui est totalement dans la surconsommation. Tu essaies de la convaincre. Ah, ça marche pas. Hein. Ouais, non. Genre là, par exemple. Comment ça ? Tu peux pas être contre l'écologie ? Bah, si. Par exemple, le papier cadeau, ça se voit pas, mais moi, j'étais pour pas en acheter cette année. Parce que le papier cadeau, je trouve, ça sert un peu à rien. Ouais, c'est clair. Il faut le faire en tawashi. Je sais pas, mais moi, je pensais par exemple à des vieux journaux. Je pensais m'en emballer des cadeaux là-dedans. Je trouvais ça cool. Et puis c'est écologique. Déjà, genre, suffit que tu offres un cadeau à un enfant avec marqué en gros meurtre. Voilà, c'est génial. Mais, en noir. Tu vois, j'ai pensé à ça. Et puis finalement, ma copine a été faire les courses ce matin. Elle a ramené deux rouleaux de de... cadeau. Bah oui. Donc je sais très bien que ça passera pas. Enfin, c'est pas son après, truc. Je comprends. Il y a des gens qui ont des côtés tradition et qui. C'est pas tradition. Elle, c'est plus surconsommation. Parce que effectivement, le papier, oui, ça c'est ouais. tradition. Mais surconsommation de plastique et tout ça, ouais, ça y va. Non, ça... je veux pas la dénigrer, mais voilà quoi. Elle aime bien consommer. Quoi. Elle est convaincue que consommer c'est bien. Donc, d'accord. Ouais, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais elle est pas de ce point de vue-là. Elle est pas dans les initiatives. Elle est pas écologique. Quoi. Elle est pas touchée par mais les. Ça viendra à un moment donné. Peut-être. Parce que je sais que pendant un temps, j'essayais de convaincre ma mère, mon père. Enfin, mon père est pas encore trop convaincu, mais ma mère. Je lui ai passé le bouquin dont je vous ai parlé il y a quelques émissions de ça, enfin sur le zéro déchet. Mm-hmm. Et du coup, ma mère commence à être à fond là-dessus. Donc en fait, je pense que ça va. Si tu lui en parles, ça va germer dans son esprit et à un moment donné, l'idée va venir entre guillemets d'elle. Elle va dire ah tiens, faudrait qu'on change ça. J'ai vu ça quelque part. Alors que c'est toi qui l'a instruite à ça au début, mais tu vois, ça viendra à un moment donné. Je pense. Là, ouais, puis pour rebondir là-dessus, enfin si je peux me permettre, mais vas-y. Ça peut venir. Enfin si elle est pas du tout écolo et anti-écolo, si autant qu'on peut l'être, un petit peu, je sais pas. On va dire. Mais bon, du coup, ça peut venir d'autres choses, par exemple une passion, mais qui fait que, bon, par exemple, si je reprends la couture, elle aime bien ça, et bah du coup, elle va se mettre à faire peut-être des trucs écolo sans penser à être écolo au départ. Enfin, oui. Peut-être que ça peut venir comme ça aussi. Ça peut faire peur le mot écolo en fait à certaines personnes. C'est ça que tu essayes de dire, entre guillemets. Tu peux faire des choses qui sont, en fait, des activités écologiques. Faire de la couture, au final, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, c'est du recyclage de tissus et tout ça. Mais au final, tu te rends pas compte que t'es écolo en faisant ça. Les gens, moi, après, je le fais dans la démarche. Mais, oui. mais c'est vrai que, elle, par exemple, une personne peut faire... Enfin, n'est pas forcément dans la démarche absolument... Enfin, c'est dur de se mettre tout de suite à un niveau zéro déchet. Bah, elle peut faire deux, trois petites choses. Moi, ça a commencé dans la salle de bain, par exemple, à faire deux, trois petites choses, etc. Très, très simples à la couture, ou, etc. Et puis, petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et au final, on peut avoir une vie très écolo comme ça, quoi. Oui, il y en a qui sont écolos sans le savoir. Enfin, moi, quand je dis ça, je pense à mes grands-parents. J'avais la même réflexion. J'avais vu ils utilisaient le dos des enveloppes pour faire la liste des courses, enfin des choses comme ça. Enfin, j'ai toujours connu ça. Dans l'esprit de faire des économies, du fait que ils étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, enfin, je pense qu'il y a un peu ce côté on avait des besoins et on n'a pas envie de retomber dans ce besoin-là. Et enfin, ils sont toujours à prendre des produits frais. Enfin, quand on mange chez eux, ils vont prendre. C'est vrai que nos grands-parents, généralement. Il y a une hygiène de vie en fait vers lequel on retourne petit à petit finalement. Enfin, on essaie d'aller dans quelque chose de plus local, d'aller sur les marchés. J'ai presque envie de dire rustique. Oui, on peut faire assez souvent d'ailleurs ça pour des inventions, etc., des années 2010-2020. Mais en fait, c'est du recyclage. D'ailleurs, nos grands-parents nous disent non, mais en fait, non, les années 50, c'était comme ça. Oui. Donc voilà, juste. Exactement. Voilà. Alors, dans les années 50, je sais pas s'ils avaient ça, mais nous, on l'a en tout cas sur Indestar. Demandez à Théo. Je vais repasser le micro à Théo pour qu'il puisse davantage parler, parce que ça lui manque. Mais c'est pas grave. On t'aime bien, Estelle. Dans tous les cas, on te fait des gros bisous, Estelle. Bon, tant mieux. On te fait des gros bisous et on te dit à la prochaine. Indestar est grand ouvert pour toi. Ouais, merci pour tout ce que t'as apporté. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Magie. Merci à toi. Alors, est-ce que nous avons Théo qui est de retour ? Oui, je suis là. J'ai tout entendu. Est-ce que tu as totalement écouté ce qu'on a dit ? Si je peux faire virer, tu sais. Non, si je peux me permettre de rajouter quelque chose avant qu'on passe de la zic sur la. C'est vrai. Non, mais Estelle, c'est sur l'expérience couture et notamment de la machine à coudre avec la fameuse aiguille dans le doigt. J'étais quand même là pour l'emmener à l'hôpital parce qu'il faut un frère avec une voiture. Voilà. Avec une démarche. Je suis forcément hyper écolo d'aller en voiture à l'hôpital, mais il faut le faire quand même, quoi. T'appelles les pompiers. J'ai posé la question, mais comment ils ont réagi les médecins quand vous l'avez amené Alors figure-toi que c'était période confinement encore, donc elle a pu aller seule à l'hôpital. Et elle a passé un moment fort sympathique avec les médecins pendant que moi j'attendais dans la voiture pendant 2 heures. Et elle est ressortie avec les numéros de l'infirmier qui a commandé des chaussettes wax sur un site. Ils sont partagés. Des adresses, tout ça. Voilà. Et moi j'étais là dans la voiture à attendre en me disant non, ça fait long quand même. Voilà. Donc ça, c'était la petite expérience chez le à l'hôpital. Mais c'est parce que t'es jaloux en fait, c'est tout. Évidemment que je suis jaloux. Mais bon, pas forcément jaloux parce que quand elle avait son aiguille dans le doigt, elle était là avec son doigt. Ah, ça fait mal tout de même. Et j'imagine que oui. Ah, et ils sont, ils ont fait un pari là-bas pour savoir de combien de centimètres il y a, combien de centimètres il restait dans le doigt. Tu vois. Ah, j'aurais fait la même. Ils avaient rien à faire les médecins là-bas. Ils... ça me rappelle trop. De savoir combien de centimètres il restait dans le doigt. Oui, c'est ça. Oui. C'était une blagounette. Oui. Ouais, mais ça me rappelle quand je me suis pris un coup de couteau dans le bide. T'avais la première infirmière qui met son doigt. De quoi ? Tout le monde se prend des coups de couteau dans le bide. Mais bien sûr, c'est un classique. Il y a un putain de mafieux là. Mais non, en plus c'était pendant un tournage. Je me suis fait suriner. Je suis sûr, c'est quand tu travaillais en cuisine et tu n'as pas respecté les règles de sécurité. Non, c'était pendant un tournage, ça n'a rien à voir. On faisait les cons et voilà. Ah, et ça faisait pas mal, hein, je précise. C'est pire encore. Ça fait pas si mal que ça. Ça fait même pas mal du tout. C'est un truc à crever sur place, ça. Mais non, je vais te dire. Il est mort pendant un tournage. Petite explication. Ça m'a transpercé au niveau des abdomens, juste en dessous du nombril, sur le côté gauche. De l'abdomen, sauf que seul, t'es dit. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais un seul abdomen. Mais le couteau, enfin, c'était même une épée plutôt. C'était l'épée de Frodon, si vous voyez ce que c'est. Celle qui devient bleue quand il y a des mais orques. Je jouais pas avec ça. Bah, c'était un tournage. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était un accident de tournage. Mais c'était aiguisé. Ça piquait un peu. Un peu. Mais bon, donc là, ça t'a perforé l'abdomen, mais pas les intestins. Bah, ça a même pas perforé les abdos tout court. Ça a même pas perforé la peau qui a autour des abdos. Il y avait les abdos qui protégeaient. Parce que, alors, il y a les abdos qui protègent. Abdos. Oui, voilà. Alors, je sais. Les abdos chez Teddy, ça n'existe pas trop. Mais c'est même pas les abdos qu'on protégeait. C'est une particularité que, je sais pas, ça arrive souvent chez les gens. J'ai une aponévrose, c'est la peau qui est sur les muscles, qui est vachement épaisse. Mmh. Ah, non, mais à vous, tu. C'est un surhomme. C'est pas un surhomme. C'est même plutôt le contraire, en fait. C'est même handicapant, entre guillemets. Parce que, en gros, tes muscles, ils peuvent pas se développer beaucoup comparé à. En gros, avec le même effort, avec quelqu'un qui a pas ça, il va avoir des plus gros muscles que moi. C'est une excuse pour pas faire de sport. La tristesse. La tristesse d'un homme. La détresse, les pleurs d'un homme. C'est une mobilette, quoi. Non, mais bon. Et du coup, le couteau, bah, il s'est enfoncé de 5 cm, à peu près. Mais l'infirmière qui était venue en première, elle mettait son doigt pour voir. Elle dit 4 cm. Et puis là, t'as le médecin juste après, il arrive. J'ai dit, oh, je dirais plutôt 5. Et ils s'amusaient à mettre leur doigt dans mon trou. C'est très bizarre dit comme ça. Ouais. Mais ça, c'est les délires, ça, c'est les délires des infirmiers, des médecins. Ouais, mais moi aussi, j'adorais. J'adorais leur délire. C'est un peu extrême, mais c'est un non peu. Non, mais est-ce qu'on parle de ce type à toucher rectal, genre façon blessure au ventre, quoi. C'est pas rectal, oui, mais. C'est pas toucher rectal. Mais est-ce que t'étais consentant quand ouais, même ouais, c'est ça. Genre, on m'a pénétré avec mon consentement parce que c'est vrai que. Alors, je suis un peu peut-être sadomaso, ou plutôt maso, ça doit être ça. J'aime bien. J'aime bien voir les choses, enfin j'aime bien. J'ai mis mon doigt moi aussi. Expérimenter. Hein. C'est le genre de mec. J'adore. C'est le genre de mec qui fait des prises de son et il regarde comment ça se passe. Quoi. Ah bah, mais tu rigoles, bien sûr que oui, j'adore. Ah bon. Prenez voir 6 litres, voir si je suis toujours en vie. Tellement. Non mais j'aime bien ce genre de truc, moi ça me botte. J'aime bien explorer, être curieux, voilà. Et j'ai pas souvent mal. Désolé pour les auditoristes un peu sensibles, ça part dans le gore. On est désos ce soir entre la politique et le gore. Vous êtes servis. Alors que moi je voulais jouer et on va jouer dans un instant avec toi Laura. Un jeu qu'on a sobrement appelé premier confinement, deuxième confinement, les deux ou ni l'un ni l'autre. Un titre raccourci au possible. C'est un jeu très court. C'est exactement ça. On va nous donner des activités de confinement. Voulez-vous rejoindre le comité d'interdiction des cravates à motif? Oh là, pardon. Oula. Alors, Oula, tu m'as. D'accord, ok. Non, mais si tu veux mettre la pub sans que je finisse ma phrase, tu peux, hein, t'as dit, y'a pas de soucis. Hein. Mon doigt, en fait, je vais vous dire, mon doigt est sur le bouton depuis tout à l'heure. Il a glissé. Non, je suis dessus, mais je sais pas, j'ai une crampe ou je sais pas. J'étais là, ça a tremblé. Oh putain, j'ai appuyé. Voilà. D'accord, ouais, je suis planté. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer dans un instant, mais avant, on va écouter un remix. Vous avez peut-être entendu sur les radios random en ce moment, il y a un remix de Donna Summer qui est paru avec Kygo, remix de comment ça, Hot Stuff, hein, le titre des années 80. Nous, on en a fait un bootleg. Donny Osborne, Flying Hot Stuff. Il y a Ozzy Osborne d'un côté et Donna Summer de l'autre. Et ça donne ça sur une juste avant le jeu dans cette émission spéciale confinement ce soir. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Exactement, bienvenue à la maison Indestar qui vous accueille en ce lundi soir. Alors on n'a pas les petits apéros, on n'a pas les petites tartines, mais par contre on a de la bonne humeur et on a des activités à revendre. Activités que l'on fait pendant ce confinement deuxième du nom, qui est peut-être un petit peu différent pour vous de celui du premier. Hein. Peut-être que vous télétravaillez cette fois-ci, que ce n'était pas le cas pour la première fois. Peut-être que justement vous partez au travail comme Martin qui tous les jours livre des choses à droite à gauche. En tout cas, on va en parler avec un petit jeu que nous a concocté Laura. À savoir le jeu premier confinement, deuxième confinement, les deux ou ni l'un ni l'autre. Exactement, bah en fait ça va plutôt être une sorte de débat en fait tous ensemble. Je vais vous proposer des activités et vous allez me dire si vous avez fait cette activité pendant le premier confinement, est-ce que ça vous l'avez fait pendant le deuxième, pendant les deux ou pendant aucun de ces confinements. Voilà, laisse-moi tranquille, j'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de faire des activités, oh voilà. Ou alors ça me donne une idée, je vais peut-être en faire pour la fin du deuxième. Et oui, exactement. Alors tout d'abord, est-ce que parmi vous, vous avez déjà commencé ou recommencé le sport à l'occasion du premier deuxième ou aucun confinement? Ok. Je sens que Théo a envie de parler là. Aucun. Alors, à la base, tu ne fais pas de sport du coup? Non, en fait, c'est-à-dire que pendant le confinement ou hors confinement, ça change pas grand-chose. Si, j'avoue que pendant le premier confinement, ce qui est pas vraiment le cas là depuis le deuxième, j'ai fait beaucoup plus de marches qu'en temps normal. Parce que avec cette autorisation de sortie, etc., et je remarque que c'est le cas aussi pour les gens en règle générale. Hein, dans ah ouais, on n'a jamais vu autant de joggeurs dans la rue que pendant le confinement. Ça, c'est ni autant de chiens d'ailleurs. Hein, c'est... Oui, il y a des chiens partout. Il y a des chiens partout. Les chiens, on va y dire. Mais en tout cas, oui, non, j'ai fait un peu plus de marche qu'en temps normal où j'ai tendance à prendre la voiture pour 300 mètres. Voilà, c'est ma seule activité sportive. Hein, donc pas, au final, pas ça en est une aussi. Donc, ça en est une, c'est vrai. Voilà, donc au final, tu peux dire j'ai commencé le sport pendant les deux confinements. T'es gentil avec moi, Laura, mais oui. Du coup, tour de table, et toi Audrey, est-ce que tu as commencé ou recommencé le sport? Alors moi, pendant les deux confinements, je fais du sport à côté, je fais du stretching, et comme ce sont des gens de qualité très bien organisés, ils nous font des cours par visio, et ça c'est très génial. Cool. Ouais. Et le matin, pour me motiver, je fais une séance de yoga avec une copine. Pareil, on se met une vidéo YouTube et on se met en Skype, et on fait la séance en même temps. Comme ça, c'est pas mal de se motiver finalement. Enfin, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui n'osent pas commencer à aller en salle de sport, mais ça les motive plus d'y aller à plusieurs. Et là, en fait, ça reprend ce même système finalement. Exactement. Genre, on avait toutes les deux envie de faire du yoga et on s'est dit, bon, si on est chacune en visio, on va se motiver. Et c'est le cas. Tous et les matins. Ça fait de la compagnie aussi en même temps, quoi. Voilà, on souffre en même temps, tous les matins. Ce matin, on a fait une petite séance de gainage et d'oblique. On a bien pris cher. Mais voilà, ça fait très plaisir. Un petit quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de la séance. Est-ce mais que tu fais les petites postures yoga, chien tête en bas? Bien sûr, c'est la base. Le pigeon mort, tout le tralala, ouais, c'est la base. Le pigeon mort? Le pigeon mort. Comment tu fais ça? Tu bois beaucoup d'alcool et tu t'étales par terre et... Tu roucoules? Non, mais... debout. C'est qu'il y a beaucoup de postures qui s'inspirent de noms d'animaux. Mais... Genre, donc, chien tête en haut, chien tête en bas, le cobra. Le chat vache. Le cobra, c'est très bon pour le dos. Ouais, exactement. Le catco, tout est-ce ça. Est-ce qu'il y a le poule? Comme c'est l'égérie de l'émission Actu Solide du lundi, un croisement entre un loup et une poule, est-ce qu'il y a ça dans les positions? Un loup-poule? Ce serait peut-être une position à inventer. À méditer. On tient un concept là. Ouais, exactement. La position du loup-poule, effectivement, il faut le faire breveter. C'est bien, quand même. C'est un beau nom, quand même. Hey, tu fais le loophole, toi, régulièrement. Bah oui, évidemment. Je vais vous essayer d'inventer cette posture, voilà, et puis vous publierez cette photo. Ah oui, faites-nous un petit schéma ou une petite photo. Sur Instagram aussi, ça sera parfait. Oui. Taguez-nous en story, on adore. Voilà. Martin, toi, t'as. Sinon, Jolane, toi. Ah, Jolane. Sport, premier confinement, deuxième, les deux ou aucun? Aucun des deux. Par contre, je muscle mes doigts et mes yeux, peut-être. Mais. Ouais, c'est plus du sport de. E-sport. Oui, voilà, e-sport. Ouais. Je suis pas à ce niveau-là, mais ça reste du sport de concentration, surtout. Mais il muscle ses méninges. Réellement, avec l'opération que j'ai eue, je peux pas trop faire de sport pour le moment. Voilà. Ah, d'accord. Il vaut mieux de te préserver pour le moment. Pour le moment, exact. C'est ce qu'ils m'ont dit il y a 35 ans. C'est pas une 50 ans pour toi. Mais si, c'est ça, c'est la vieillesse. Il est carte vermeille. Oh, j'ai mal à ma hanche. Oh, ma sciatique. J'ai pas mal. et toi, Martin? Moi, en vrai, je m'étais chauffé au premier confinement. Genre, le premier jour, j'avais fait des pompes. Ça commence mal. Le deuxième jour, je suis allé courir. Wow. T'es mal à... Et après, j'arrêtais pas. Ouais. C'est les bonnes résolutions du début d'année, en fait. Là. Ouais. C'est les résolutions. Là où on voit le plus de monde en salle de sport, c'est au mois de septembre, rentrée, nouvelle résolution. Oui. Au mois de janvier, nouvelle année, nouvelle résolution, mais qui se termine très rapidement. Là, tu vois des gens à la salle qui arrivent comme ça et puis qui viennent deux, trois fois et puis après, c'est terminé. Quoi. Et toi, Laura, tu fais du sport? J'ai pas posé la question à Teddy avant. J'aimerais bien Teddy. Ah, bon. T'aimerais bien Teddy. Alors, c'est compliqué. Bah non, en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Non, non, clairement, non. En fait, je pense à refaire du sport un jour, mais je sais pas lequel encore, et pas pendant le confinement, parce que généralement, les sports que je pratique, ça se pratique pas dans le confinement. Parce que ça, c'est sport type muscu ou type détente comme le yoga ou quoi que ce soit, où tu peux pratiquer seul. Et généralement, les sports que je pratique, ça se pratique pas forcément tout seul. Ah, tu peux faire des sports mixtes alors. Ouais, j'ai entendu tellement de gens en même temps là que... Toi, tu fais du parcours, c'est ça? J'ai fait du parcours, ouais, quand j'étais plus jeune. Oh putain, non, pas quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus léger. voilà. Avant ta couvade. Hein? Ouais. Avant ta couvade. C'est ça, avant que je sois papa, j'étais bien, maintenant je suis papa. Non mais bref, je faisais du parcours, je faisais des sports de combat, donc forcément qui implique des sports de combat, ça implique un adversaire, enfin quelqu'un pour s'entraîner, un partenaire d'entraînement, c'est quand même plus pratique. Avec ton enfant, allez. Oui, alors ça m'arrive de faire de la lutte avec mon bébé, mais c'est pas très intéressant, ce n'est pas très physique non plus. On va pas un jour tu vas te faire retourner, tu vas rien comprendre. Franchement, j'aimerais trop, mais... Ça serait tellement jouissif. Le bébé à 2 ans, hein, que y a aucun bébé vraiment bébé qui a été malmené dans cette histoire. Hein. Non, non, non, il va très bien, il ne se blesse quasiment jamais. D'accord. J'aime bien rajouter le quasiment jamais. Non, il se blesse pas, puis on fait attention quand même. Je sais pas, une bruite. Vous êtes un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Non, mais j'imagine ceux qui à la maison se sont dit attends, avec un bébé de 2 mois et en train de faire de la lutte, c'est un petit peu dangereux quand même. Mais non, mais quand je dis lutte, évidemment, c'est je chahute sur le lit. Voilà. Oui, on fait la bagarre. Exactement, on fait la bagarre. C'est génial, ça. C'est même un petit moment convivial. En fait, bonhomme, c'est ça, société patriarcale. Comment ça? Non. Sa mère aussi joue à la bagarre avec. Ah d'accord, bon, si tout le monde fait la bagarre, alors. Évidemment. C'est introduit dans la famille. Ouais, voilà. Et moi, pour le sport, bah, en fait, c'est pas tellement comment. Enfin. Comment dire, j'ai fait du sport pendant les deux, mais je faisais déjà du sport aussi entre les différents confinements. Et ça n'a rien changé en fait. Voilà, mais enfin, j'ai des fluctuations. J'ai des mois où je vais être à fond et d'autres mois où psychologiquement ça va pas et je me dis, oh, j'abandonne tout. Enfin, où je suis trop au travail et j'ai pas le temps d'aller au sport et tout. Et là, par contre, ce que j'ai commencé ce mois-ci, c'est le yoga, parce que j'avais été dans une salle de sport juste avant le confinement. Il y avait un cours de yoga et j'ai commencé à m'y mettre là-bas une seule fois, puis après ça a fermé. J'ai envie de refaire du yoga, donc du coup je fais du yoga le matin sur YouTube. Voilà, je tape yoga débutant et puis je fais mes petites séances au calme. Ça fait vraiment Bah, vous pouvez faire une séance à trois avec Audrey alors. Et mine de rien, le yoga reste très sportif. Hein. J'en ai jamais fait, mais on m'a toujours dit que c'était. Ah oui, mais en fait, ça mobilise énormément de parties de ton corps. Hein. Faut savoir rester assez gainé. Enfin, c'est pas flasque non plus. Ouais, parce que moi, tu vois, bon, moi j'ai ma grand-mère de 70 ans qui fait du yoga et elle me dit que c'est compliqué par moment. Ah bah ouais. Après, il y a une question de souplesse aussi. Exactement. Il y en a certaines qui demandent un peu plus d'équilibre, d'autres un peu plus de souplesse. Enfin, et chacun a ses points forts et ses points faibles en fait finalement dans les différentes pratiques, parce qu'il n'y a pas non plus qu'un seul type de yoga. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est très très vaste finalement quand on commence à s'y plonger dedans. Moi, je vois ça comme un bien-être du corps et de l'esprit, le yoga. Ça fait du bien aussi parce qu'en fait ça joue énormément sur la respiration. En fait, tu fais tes postures en fonction de tes respirations. Par exemple, t'inspires, tu lèves les bras, t'expires, tu les descends, t'inspires, tu fais le chien tête en bas, t'expires, tu fais le cobra. Enfin, en fait, c'est tout un entraînement. Le chien tête en bas. Oui, très connu ça. Jolan, fais-nous un chien tête en bas, s'il te plaît. Non, mais j'arrive pas à avoir l'image en tête en fait. Bah, attends, bizarre, yoga, chien tête en bas. Chien tête en haut, chien tête en bas. C'est quoi, Audrey a fait du yoga tous les jours, du coup, tu t'inscris à sa séance demain et tu fais le chien tête en bas. En gros, pour passer chien tête en bas, si je peux te le décrire, imagine que t'es en gainage, mais genre les mains tendues. Ouais. Et après, ton but, c'est de lever tes fesses de sorte à ce que ça fasse un sorte de triangle, en fait. Faut que tes hanches soient dans la même lignée que tes épaules et tes mains, et tes jambes soient un maximum tendues. Et ça fait une sorte de triangle, en fait, avec le sol. Je crois que j'ai compris. Bah, c'est en gros, tu fais des pompes. Tu fais une pompe, mais très mal. Je suis une vieille branche, donc. Non, mais le petit plus, c'est que t'as bois en même temps. Hein. Ça, c'est. Vraiment avoir la position. Voilà, donc le sport un peu pour certains et pas du tout pour d'autres. Ouais. Mais qu'en est-il de la cuisine? Un maximum de cuisiner pendant ce premier confinement, le deuxième, les deux ou aucun? Un maximum de cuisine. Audrey, un maximum de cuisine. Mais elle, c'est permanent. Comment? C'est permanent, toi. Normal, la cuisine. Oui, pas plus qu'en temps normal, parce que moi je cuisine beaucoup, j'adore ça. Genre passer du temps. Pourtant j'ai une toute petite cuisine, mais j'adore ça. Par contre, je me challenge dans des préparations dingues, tu vois. Je me dis, avec le peu de matos que j'ai, avec mon four de tout pourri, je me fais quand même des kiffs en mode, je vais préparer tel plat selon la recette d'un grand chef ou aller chercher. Alors moi, ma passion, c'est d'aller chercher des trucs improbables dans des petites épiceries ou genre des. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça se mange? Comment ça se mange? Vas-y, je prends. Alors la dernière fois, j'ai découvert des fleurs d'hibiscus déshydratées. Ah, je n'avais jamais mangé. C'est hyper bon. Ah ouais, avec quoi, comment? Bah là, non, alors soit tu le fais. En fait, moi je connaissais le jus de fleurs d'hibiscus, qui s'appelle du bissap, qui est très connu dans les Caraïbes, hein, qui est très bon. Et là, c'est une fleur cristallisée, donc ça n'a pas énormément de goût, mais ça claque niveau visuel. Et tu peux le faire apparemment infusé. Après, vu la texture et tout, peut-être l'intégrer dans des préparations froides ou des choses comme ça, sucrées ou salées. Là, en ce moment, c'est la saison des grenades. Alors, je me fais des grenades tous les jours. Je me suis fait du canard laqué à la confiture de coin qu'une copine m'a offert. Des trucs un peu sympas, tu vois. J'ai une question technique, Audrey. Ouais. Les grenades, est-ce que tu dois les dégoupiller ou pas? Ouais, exactement. Tu les dégoupilles pour les gratter à l'intérieur. Oui, bon, la blague des années 50, tu la sentais bien. Hein. Non, plutôt des années 40, là. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Parce qu'en 45, après, elle t'est supprimée, celle-là. Du coup, toi, Yann, tu fais ton malin avec tes petites grenades, mais est-ce que tu dois la cuisiner ou pas? Est-ce que je cuisine? Ouais, alors je. Pardon. Il cuisine. Attends. Il fait des tests. Il fait des tests. C'est pas particulièrement probant. Non, bah si, je fais des petits trucs. Alors, ce que je m'amuse en ce moment à faire avec ma sœur à la maison, parce que je préfère cuisiner quand il y a un peu de monde, c'est mieux que tout seul. C'est clair. Mais c'est de tester 36 000 recettes de burgers. Et je fais donc des burgers différents où je mets un peu tout ce que je trouve qui reste. Et leur donner des noms pourris. C'est ça, je leur donne des noms pourris, effectivement. C'est quoi ta création? Oh bah ça peut être un petit peu tout, mais en fait l'idée c'est de faire un burger avec vraiment ce qu'il y a dans le frigo, donc c'est un petit peu le challenge made in Audrey aussi, sauf que je vais pas aller chercher forcément l'ingrédient qui va bien en boutique, je fais avec ce qu'il y a. Alors des fois ça donne des recettes et on se dit hey, c'est pas mal ça, tu vois, à refaire. Puis des fois, genre l'autre fois, le hamburger purée, non. Non, franchement, faites pas ça la même chose. Le hamburger purée, mais ça devait pas tenir ton machin. C'est pas que ça tenait pas, c'est que ça avait un goût très pâteux. Voilà. C'était pas. Il y avait pas autre chose. C'était pas terrible. Je l'avais appelé... la purée entre morceaux de pain. Pourtant, il y avait autre chose quand même. Mais pourtant, je l'avais donné un très bon nom. Je lui avais dit, oh purée, ça c'est du burger. Voilà, ce genre de jeu de mots de merde. Ah ouais, d'accord. J'étais en train de penser, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec de la purée. Certainement, mais pas un burger comme si, ça. Si. Ou alors il faut le faire. En faisant une galette. Une petite galette que tu fais frire. Non, mais j'ai pensé après, ouais. En me disant en galette frite, ça peut être pas mal. Ça pourrait faire une petite galette de pommes de terre sympa. Bah oui, mais d'ailleurs ça se fait déjà dans les burgers, je crois. Avec mais avec de la purée, non. Ils partent avec des vraies pommes de terre. Non, mais c'est une nouvelle recette, mais. Non, en fait, c'était pas de la purée fait maison, c'était de la purée industrielle. Mousseline, c'est de la purée fait maison, attends quand même. Ah, d'accord. Pour moi. Ah bah si, ça peut le faire. Parce que vu comment tu galères à éplucher des patates, faire de la purée. Je de la purée de la veille qui avait été épluchée par ma sœur, faut bien reconnaître. et voilà, je voulais pas laisser traîner ce bout de purée, je me suis dit, allez hop, dans le burger. Mais non. Non, parce que vous voulez vous taper des barres, vous donner une patate et un éplucheur à Théo. Oh, alors là, c'est du fun garanti. Hein. Ah, c'est 2 heures d'attente, quoi. Oh là là là. T'as plus d'épluchure que de patates. Si vous voulez des frites, c'est pas à mon resto qu'il faut venir. T'as dit quoi, Laura? C'est la cuisine expérimentale, en fait, Théo, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est la cuisine expérimentale, mais avec des aliments quand même très classiques. Hein. Voilà. Après, c'est l'association qui fait que. Exactement. Et du coup, Teddy, je t'entendais parler de galettes et tout ça. Et toi, tu disais que c'était en fait tout le temps, qu'importe confinement ou pas. Ah non, je parlais d'Audrey. Audrey, tout le temps. Moi, non. Oh non. Non, certainement pas. J'aime bien cuisiner, mais pendant des événements, pour faire des repas de famille ou genre de trucs, ça j'aime bien parce que je me fais mousser quand même, clairement. Je monte mes talents à ce moment-là, donc voilà. Mais sinon, pour moi-même. Mais sinon, dans le quotidien. Ouais, non, clairement, ça m'intéresse pas. Mais quand même, alors pendant le premier confinement, j'ai pas cuisiné plus que ça. Par contre, pendant le deuxième, si. J'ai fait un peu plus de cuisine et de boulangerie-pâtisserie. Enfin, j'ai drivé en tout cas ma copine pour la boulangerie-pâtisserie parce que moi je sais plus ou moins le faire. J'ai drivé ma copine, qu'est-ce que ça veut dire ça, Teddy? Parce qu'elle s'est acheté un robot pour tenter de faire des choses. Ah, c'est robot, cool. Type, le truc qui fait tout là. Un robot, un pétrin quoi. Enfin, je sais pas comment. Un pétrin, ouais, d'accord. Oui, un robot de cuisine. Ouais, un robot. Et du coup, elle s'est lancée dans des pratiques, on va dire, de boulangerie, vu qu'elle est vendeuse dans une boulangerie. Elle voulait faire de la brioche, des pains de mie, du pain, ce genre de trucs. Et ce problème, c'est que faire ça à la maison, c'est vrai que c'est différent que de faire ça dans une boulangerie. T'as pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes bases, t'as pas les mêmes ingrédients, t'as pas les mêmes techniques, t'as pas les mêmes outils, hein, tout simplement. Puis t'as pas la même expérience. Enfin, je sais pas, c'est pas la même chose de cuisiner professionnellement et chez soi. Donc je confirme, faire à manger dans un restaurant pour plus de 300 personnes et puis de passer à genre à 2 ou à 5 personnes, c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout la même ambiance. Et donc, mais c'est quand même hyper sympa d'avoir une brioche maison après le matin. Oui, après c'est sûr. Quand tu l'as réussi, oui. Oui, oui, voilà. Parce que on a eu un gros problème. Elle a voulu faire sa brioche, elle l'a faite, sauf que ça a pas du tout poussé parce qu'elle a utilisé de la levure chimique et. Ah. Au niveau de la recette, moi je lui avais filé une de mes recettes de boulangerie de brioche. De travail. Sauf que c'est avec de la levure de boulanger, de la levure fraîche, pas de la levure chimique en sachet. Et tu n'en trouves pas en industriel en fait, en gros. Si, t'en trouves à Inter par exemple, tu en trouves au rayon pâtisserie. Ouais, voilà. Mais dans d'autres anciennes, à Leclerc aussi, tu dois en trouver, puis je sais pas, à Auchan. Et puis au pire, tu veux acheter ton boulanger, tu peux lui en demander. Hein. Oui, mais ils acceptent pas tous. Oui, ah bon parce que pourquoi? Parce que justement, ils considèrent que si t'achètes de la levure, c'est pour faire du pain, sauf que t'es dans une boulangerie, donc t'achètes ton pain directement. Il y a cette psychologie là aussi. J'avais déjà vu qui refuse. Psychologie genre de la concurrence. Après, exactement. Non. Genre non, t'achètes pas tes ingrédients pour faire ton pain chez toi, tu l'achètes directement et tu fermes ta gueule. C'est un peu ça. Mais bon, voilà. Peu importe. Elle a voulu faire de la brioche, ça a échoué. On a recommencé après en faisant de la viennoise. ça a un peu mieux marché, mais j'étais pas encore au point avec cette levure là. Donc là, elle s'est dit, ouais, c'est bon, j'arrête, je vais prendre la levure à ma boulangerie. Donc là, c'est mieux. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait et ça. Au final, ce qu'on parlait tout à l'heure, Teddy, comme quoi elle n'était pas écolo, bah là, elle est écolo sans le savoir, parce que du fait de cuisiner propre pain de mie, sa brioche et tout, bah ça enlève les déchets que t'as quand tu achètes la brioche industrielle. Certes, oui, sauf quand tu jettes la première brioche parce qu'elle est abominable. Oh non. Mais tu pouvais pas la manger. Tu pouvais pas la manger. Mais la brioche, parce que perdu, c'est super bien. Bah ouais. Ah, mais c'est pas de la brioche quand tu rates. Quand t'as pas de levure, c'est pas de la brioche. Essayez, vous allez voir, ça va pas être pareil. Bah, tu fais du pudding, ça fait une espèce de biscotte, non? Non, c'est dur comme de la pierre. Tu peux casser une table avec. Du pudding, tu l'imbibes dans le lait et des œufs. C'est un truc à se casser une dent, quoi, si tu le manges. Non, tu peux même pas l'imbiber, y'a pas de trou. Y'a pas de trou. Je savais pas quoi en faire. On l'a jeté, hein, clairement, parce que là. Alors, c'est le boulanger qui parle, c'est invendable et c'est pas présent. Mais c'était pas fait pour vendre non plus. Tu peux pas le manger là. Perdu, comme dit Audrey ou Laura. Laura, ouais. Je sais pas. Parce qu'il y a moyen de ramollir le truc. Hein. La viennoise, j'en ai mangé un peu parce que ça va. C'était pas très poussé, mais c'était vachement compact. Mais il y avait quand même des petites bulles, des micro-bulles. Voilà. Je pense qu'il faut acquérir un petit peu de technique. Faire Il faut que j'arrive à trouver le bon ratio entre levure fraîche et levure déshydratée. Il faut que j'arrive à trouver à quoi ça correspond, comment la doser par rapport à la levure fraîche et par rapport à la levure déshydratée. Ou alors prendre de la levure fraîche, c'est plus rapide. Hein. Oui. Ça m'évite des essais foireux, en fait. Parce que j'ai pas le choix que d'essayer. Le confinement va t'aider à faire toutes ces expérimentations, quoi, finalement. Puis j'ai ça aussi. J'ai été chez mes parents pendant le confinement pour faire ma vidange de voiture. Alors, peu importe, on va dire que c'est un peu obligatoire. Voilà. Et ma mère s'est lancée à faire du pain, à la machine à pain. C'est bien ça, bonne initiative, du pain complet. Ce problème, c'est que son pain, bah pareil, elle a utilisé de la levure déshydratée et pour le pain, ouais, surtout dans une machine à pain, ça pousse pas. Ça pousse pas, du coup, la pâte, elle était restée dans sa machine à pain. Et elle l'avait fait la veille du jour où je suis venu. Donc la pâte a été restée là. Je dis, écoute, ça on peut pas le rattraper. Par contre, on peut refaire du pain et utiliser ce bout de pâte que t'as fait de la veille comme PF. Donc la PF en boulangerie, c'est de la pâte fermentée. Ça aide à faire pousser. C'est un peu comme du levain, comme de la pouliche. Si vous connaissez un peu, ça ressemble à ça. Ouais, je connais. Bon, voilà. T'es le seul par contre. Mais moi je connais après, je sais pas si. Oui. Donc t'as réussi à récupérer la pâte fermentée de ta maman pour refaire du pain à côté. Exactement. Par contre j'ai dû faire 3 pains au lieu de 1. Parce qu'il y avait beaucoup de PF. Bah 3. 3. Ah, okay. J'ai fait 3 pains de. C'était du complet, ouais, de 400 grammes à peu près. Ça faisait des belles bêtes. Ça te tient genre combien de temps des pains de. Combien t'as dit 400 grammes? Ouais, 400 grammes, moi c'est des belles bêtes. Hein. Mais t'en as genre pour combien de temps? Une semaine, deux semaines Ça dépend comment tu manges. Ça dépend comment tu manges, oui. Clairement, je peux pas te dire. Moi je sais que ça me ferait peut-être 2 jours. Mais encore, je sais pas, t'en manges au petit-déj, t'en manges au midi, puis peut-être pas le soir, enfin je sais pas. Ça dépend comment tu manges, clairement. Oui, donc, voilà, ouais, ok. Mes parents, ça leur fait une semaine, les 3. Et du coup, Jolane, toi, est-ce que t'as plus cuisiné pendant ce premier confinement, ce deuxième confinement, les deux, ou pas du tout? Non. J'ai essayé de me faire quelques plats, genre une potée, je sais pas si ça vous parle. Oui, c'est bon. C'est sudiste, si je dis pas de conneries. C'est quoi une potée? C'est auvergnat. La potée auvergnate? Il y a du chou, des saucisses. La potée auvergnate, j'ai fait... Rappelle Clermont-Ferrand. Il y avait des pommes de terre, il y avait des carottes, il y avait. C'est un ragoût Non, t'as de la viande dedans. C'est un ragoût, mais c'est cuisiné d'une façon particulière. C'est un ragoût du sud, quoi. Ouais. C'est une potée montferrandaise, il y a pas me. C'est une chocolatine, s'il te plaît. Des tranches de bacon, du fromage dedans. Enfin, j'ai essayé de faire quelques. De lard, pardon, et de quelques plats que j'ai réussi celui-ci, mais j'en ai raté aussi. Par exemple, j'ai essayé de faire une pizza maison, mais j'ai pas laissé ma pâte monter assez longtemps, du coup elle était pas très très moelleuse, on va dire. J'ai essayé de faire des trucs, mais il y a eu des ratés, quoi. Mais bon. Et quel équipement vous avez? Alors, parce que t'as dit que Audrey, toi, t'avais un tout petit four. Jolane, toi, à la maison, t'as un petit appart. Alors, moi, j'ai un petit four. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un four qui est multifonction. Donc, il fait micro-ondes et four en même temps. Et je peux chauffer selon les ingrédients que je mets dedans, genre poisson, viande. Et je peux mettre plein de modes différents, c'est super cool. Je peux même faire une grillade si je veux. Genre, donc plutôt le truc qui est performant, quoi, malgré ta taille. J'ai investi dedans, mais franchement, il marche bien. D'accord, très bien. Et qui fait avec peu de moyens? Moi. Moi, clairement. Ouais, le four, c'est même pas un four, tu sais, type gazinière où t'as les feux au-dessus et le four en bas. C'est un four que tu poses sur une table. C'est un four de merde. C'est mini four, quoi. Mais oui, Pareil. T'inquiète. C'est de la daube. Puis en plus, pour faire pousser. Mon plat, il est trop grand, ça ferme pas la porte du four. Du déjà, les plats, ils sont trop grands. Faut des plats miniatures pour les trucs. Ça chauffe l'appartement, André. Oui. Des fois. Puis, comment dire, logique, mais bon. Tu peux pas le mettre à température très basse, tu peux pas le mettre à 30 ou 40 degrés pour faire pousser des trucs. Ouais. Non, parce clairement que... pas. Non, c'est 60-70 direct. C'est chaud, donc c'est chaud. Oui, c'est le cas de le dire. Donc pour faire pousser de la pâte. Pour faire des plats un peu confectionnés, d'avoir un petit matos, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Non, mais c'est un challenge, c'est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est un challenge. Oui. Mais j'ai réussi à m'en sortir avec ça. Des fois, parce qu'on suit bien la recette, etc. Enfin, moi j'ai un bon four, hein, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Et tu utilises jamais. Par exemple, ma mère qui a un mini four comme ça, et il y a des gâteaux. Tu suis la même recette et tu le fais chez elle ou chez moi et ça donne carrément mieux avec un bon four. Ouais, c'est logique. Martin, et toi, Laura, t'as une vraie cuisine et Martin aussi. Ouais, j'allais donner la parole à Martin avant parce qu'on l'entend pas beaucoup. Est-ce que tu es ou Martin ou pas trop? Non, absolument pas. Enfin, de temps en temps, je me chauffe à me faire un petit truc, mais. Toujours, Martin, c'est fou. Pardon. Tu te chauffes toujours, Martin, c'est ça. Il a essayé pendant le premier jour du confinement, il s'est cuisiné une omelette et après c'est bon ça. Après c'est pas talon. En fait, c'est les premiers jours à chaque fois, tu dis ouais, le deuxième jour j'essaie de courir, le deuxième jour j'essaie de faire de la cuisine. Je comprends en fait, tellement. La première semaine c'est starting block et après c'est oh non. Exactement, c'est comme les bonnes résolutions du nouvel an, tu vois. Et c'est parce que t'as pas de matos chez toi? Pourtant si, parce que là pour quelques temps je suis chez mes parents, donc j'ai toute une vraie cuisine familiale, donc j'ai de quoi faire des trucs. Je suis la jalousie. Mais c'est la flemme, toi. Mais en même temps, vu que je suis chez mes parents, la bouffe est déjà faite, quoi. C'est tes parents qui la font, bah oui. De quoi? Tu cuisines pas pour tes parents? Si, ça m'arrive. Genre la dernière fois j'ai fait un petit gratin de chou-fleur. Ah 2014 hein. Non. Non, dernier confinement. Ça va. Ça remonte à 8 mois. Oh, Thierry. Ça remonte peut-être à 8 mois, mais au moins il a fait l'effort de faire ce gratin au chou-fleur, c'est ça? Ouais, gratin de chou-fleur. Enfin, 3 choux différents en fait. Waouh! Mais je sais plus quel, du chou-fleur, du brocoli, je crois, et je sais plus trop quoi. T'as mis des restes? Bon, ouais, c'était grave bon. Premier pas. Et du coup, le fait que tu parles d'être chez tes parents, moi, à mon premier confinement, j'étais chez mes parents. Et c'est vrai qu'il y avait ce petit plaisir, en fait, les trois quarts du temps, c'est ma pauvre maman qui faisait à manger, quoi. Mais de temps en temps, j'ai beaucoup aimé pendant ce premier confinement faire des petits plats pour mes parents. Enfin, déjà, ça soulageait ma mère. Et de deux, ça faisait découvrir d'autres choses. Ouais, en plus, tu casses l'habitude qu'ils ont. Exactement. Et j'avais beaucoup aimé cuisiner pendant le premier confinement. Là, en deuxième confinement, du coup, on habite ensemble avec mon copain. Et du coup, j'essaie de cuisiner des trucs aussi. Mais c'est pareil, il faut savoir concilier les goûts de chacun. On a des goûts différents. C'est tout un défi. Et j'aime bien ça. Après, des fois, j'en ai tellement marre. En plus, surtout, on n'a pas de lave-vaisselle. Donc, dès que je commence à cuisiner, tu te dis, il y a toute la vaisselle à faire. Ça, si Laura, parce que c'est la même pour moi, j'ai pas de lave-vaisselle, c'est horrible. Mais ouais, mais pareil. C'est décourageant, quoi. Quand tu commences à faire de la grande cuisine, t'as tous tes ustensiles partout et puis tu te retournes dans l'évier est rempli. C'est pour ça que Martin il avait un avantage comme ça quand il est chez ses parents. Parce qu'il peut cuisiner et laisser la vaisselle pour ça, pour ses parents. C'est pas grave. Non, mais en plus, il y a le lave-vaisselle, il y a tout. Ah, mais en plus c'est magique. Mais c'est une vraie cuisine de parents. Bah ouais, clairement. Ah, les parents, ils ont tous un lave-vaisselle. C'est ça. Comme mais moi. Donc, c'est là. cuisine, pour certains oui, pour certains non. Qu'en est-il de cette prochaine question? Est-ce que vous avez démarré un nouveau jeu vidéo pendant le premier confinement, le deuxième confinement, peut-être plus qu'un jeu vidéo, parce que je dis un nouveau, mais ça peut être deux, 3, 4, 5, 6. Ouais, facile. Alors moi j'en ai acheté un qui est sorti très récemment, qui m'a coûté mes deux bras on va dire. C'est le nouveau Call of Duty Cold War qui était attendu par la communauté, donc je l'ai acheté et je t'avoue que je passe pas mal de temps dessus en ce moment. Que je l'ai acheté il y a quoi, il y a une semaine maintenant à peu près. D'accord, et du coup tu le recommandes à nos auditeurs ? Pour ceux qui aiment les jeux de les FPS, pardon, je vais y arriver. Ouais, il est vraiment bien fait, graphiquement il est magnifique, donc et c'est pas du tout futuriste comme dans les autres ils sont revenus aux bases de Call of Duty quoi. Comment ? Ils sont revenus un peu aux bases parce que c'est vrai qu'ils étaient partis à volo. Exactement, parce qu'en fait les joueurs se sont beaucoup plaints, du coup ils sont revenus aux bases et le jeu est beaucoup plus sympa. Parce que les souvenirs que j'avais de Call of Duty, c'était pas futuriste. Non, mais à partir du 3 en fait, c'est là où ils ont un peu fumé de la weed. Tu pouvais même courir sur les murs. Tu pourrais faire des sauts limite avec un jackpack, enfin ça ressemblait à ça un peu. N'importe quoi, mais du coup je recommande ce jeu-là, il est vraiment bien bon. Après attendez un peu parce que ceux qui n'ont pas forcément les moyens, il est un peu cher, il est à prix du jeu de sortie, c'est 60€, donc voilà. Oui, mais ça fait partie des jeux qui dans quelques mois, quelques années seront beaucoup moins chers à 30€. Voilà, si vous voulez l'acheter maintenant, vous pouvez, il est disponible, mais sinon si vous voulez attendre un peu. Et il sera disponible sur les nouvelles consoles aussi au passage. Oui aussi ouais. Sur PS5 et Xbox, j'ai oublié le nom de l'autre. Comment ? Série X. Ouais. Voilà. C'est l'occasion d'acheter des nouveaux jeux. Enfin, je sais que du coup, pour ma part, il y a une différence entre le premier confinement et le deuxième confinement. Au premier confinement, en fait, j'ai voulu télécharger les Sims 4 sur mon PC, mais c'était la désillusion totale parce que avant, je jouais énormément aux Sims 2, aux Sims 3, et je me dis, oh, tiens, c'est bien de tester les Sims 4, mais la grosse déception, les Sims 4 sans disque additionnel, c'est tellement nul. Ah oui, ça je te confirme. En fait, c'était terrible comme situation parce que j'étais en confinement. Et du coup, j'étais en train de gérer une fille dans qui sa était en confinement. Qui était elle-même confinée. Ouais. Et c'est horrible parce que du coup, bah certes, elle part au boulot, mais du coup, dans cette version-là basique, tu ne vois pas, pas aller au travail, alors qu'il y a un disque additionnel qui permet ça. Mais là, dans le jeu de base, il n'y a pas. Et je me faisais extrêmement chier. Et même, du coup, elle, quand ma fille, elle était en train de faire pipi, enfin genre, elle mettait 2-3 heures dans le temps Sims à faire pipi, un machin, oh, c'était long. Et au bout d'une demi-heure, en fait, ça m'a ennuyé et j'ai désinstallé les Sims. C'est plus ce que c'était, hein, les Sims 4. Hein, avant, quand j'avais les Sims 3, j'étais tellement à fond dedans, j'ai fait 10 générations, quoi. J'étais oh là là là là là. La licence des Sims, ils ont beaucoup. Incroyable. Ça les a un peu tués, la licence des Sims, ce que tu dis. Parce que, comme tu disais, le 2, 1, 2, 3. Alors, il y a eu des extensions hein, pour ça. Enfin, ce que tu appelles. Oui, il y avait bien joué sur les extensions. Mais le 4. Je sais même pas s'il y a eu un 5 en fait. Non, je suis même pas sûr. Il va apparaître, mais il est pas encore paru. Il est beaucoup tardif comparé à ce qu'il aurait pu être. Ils auraient pu en faire un plus tôt. Ça s'est mal passé pour eux à cause du 4. Parce qu'ils ont fait tellement d'extensions pour le 4 que le Sims de base, en fait, il y a presque rien. Pour jouer à ton Sims 4, il fallait que t'achètes des extensions plein. Ouais, bah oui. Donc, le marketing produit jusqu'au bout, encore plus loin que les versions précédentes, sauf qu'ils sont allés peut-être un petit peu trop loin dans beaucoup le délire. Trop loin, c'est que quand t'achètes un jeu à 60 boules et que finalement tu peux pas jouer, t'es un peu frustré quoi. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu le principe des nouveaux iPhone aussi. Enfin, mais les jeux iPhone, c'est autre chose. Il y a le chargeur à côté, les écouteurs à côté, enfin. Ça revient cher. Ouais, ça c'est encore autre chose. Et du coup, pendant le deuxième confinement, par contre, ça fait quelques jours maintenant, mon copain s'est acheté la Switch. Voilà, au calme. Oh. Donc, ça ramène une nouvelle console à la maison. Pour l'instant, il y a juste Mario Kart, mais ça va. Ouais, voilà, ça va être des futurs parties endiablées. Et ben écoute, si tu as la Switch, je te conseille d'acheter les Zelda qui sont exceptionnels. C'est vrai qu'on a Breath of Wild. Tu parlais et on l'achète, ouais. Bah, les Zelda, ça fait partie des licences. Tu parles de Mario, Zelda, ça fait partie des historiques, hein, ouais. Exactement. Et toi, du coup, Théo, les jeux vidéo, comment ça s'est passé pour toi ? Alors, je suis pas un grand joueur, hein, mais dans le premier confinement, j'avais acheté un jeu, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, et j'en avais parlé dans PK Avenger à la fin de la saison. Ouais. C'était le jeu SnowRunner. qui est un jeu de camion dans lequel tu galères grave parce que c'est le but. Voilà, et tu dois traverser en fait t'es dans des paysages magnifiques, hein, les graphismes sont très beaux, et des paysages où tu sens que tu vas galérer parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a de la boue, etc. Et avec ton camion tu dois aller livrer des choses, tu dois aller réparer des ponts, entretenir de la voirie, etc. Son jeu c'est les routiers de l'extrême. Ça. Ouais, c'est un peu extrême, mais en fait, tu passes un temps fou à chaque mètre pour te sortir de situations infernales. Et ça m'avait bien plu. Voilà. Et ça, c'est bon. Après, je suis pas un grand joueur, hein, donc c'est des jeux, je vais y jouer une vingtaine d'heures. Ça va te saouler au bout d'un moment, quoi, non? Bah ouais, et quand je fais des sessions, des parties, je joue une demi-heure, trois quarts d'heure, mais il m'arrive jamais de jouer 6 heures passer 6 heures sur un jeu. Hein, clairement. Ouais. Et pendant le deuxième confinement, rien? Non, pas pour l'instant. J'ai pas eu le temps de le faire et voilà. Ce week-end, j'étais chez mon père et on a voulu faire une petite session de Xbox. Sauf que c'est un petit peu un coup de gueule que j'ai d'ailleurs contre les consoles modernes. Vous allez me prendre pour un vieux schnock encore, mais moi j'avais en seule console que j'ai eu, c'était une Mega Drive quand j'étais jeune et puis une PlayStation 2. Et sur la PS2, on l'allume, on met le CD, on joue. Voilà. Ah oui, mais là, non, c'est autre chose. Il s'avère que sur la Xbox One S, One X, je sais pas trop quoi là, tu allumes ta console, il te demande de te connecter à ton réseau Wi-Fi et en plus avec ta manette pour avoir le chiffrage, c'est hyper compliqué. Et au bout de la 10e tentative et un énervement de mon père, on arrive enfin à se connecter. Là, plus de piles dans la manette, donc fallait remplacer les piles. La manette qui était autrefois filaire, t'avais pas ce problème. Et ensuite, on arrive sur « Ah oui, votre Xbox doit faire une mise à jour !» Et quand t'as une connexion internet pourrie habitant à la campagne, ce qui est le cas de mon père, et ben, la mise à jour de 4 gigas, elle te prend une journée. Donc finalement, on a abandonné la partie de Xbox. Voilà. Je me dois d'intervenir et de défendre. Je te rejoins, Théo, sur la Xbox, moi qui en une depuis maintenant ça fait 4 ans que je l'ai. Bon, après je me plains pas, je suis dans le centre-ville, j'ai plutôt une bonne connexion à la maison, mais le fait que tu dis tiens je vais me faire une petite session de Forza et ça va durer quoi, une heure, ça dépend ce que tu fais comme type de course. Mais ouais, il faut au moins un bon 20 minutes pour se connecter quoi, Réseau, puis c'est chiant. Alors, quoi, c'est la même chose pour les jeux sur PC, hein, quand t'es comme moi, t'es un joueur occasionnel et que tu te remets un jeu comme GTA etc au bout de 3 mois parce que t'y as pas joué, bah finalement des fois en fait t'as pas fait les mises à jour qu'il fallait, du coup bah tu dois attendre 3 ponts. C'est plutôt ça le problème. Bah, ta mise à jour elle prend 3 quarts d'heure, c'est le temps que tu t'étais dit que t'allais y passer pour jouer. Exactement. Bah finalement bah tu joues pas, voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est justement plus là le cœur du problème, parce que chez Xbox c'est bien connu, c'est pas une console, on va dire, c'est con hein, je dénigre pas PS4 ou Xbox, mais j'ai une petite préférence pour Xbox, mais ça a rien à voir. C'est un peu plus pour les joueurs qui jouent souvent. En gros, les mises à jour vont se faire assez régulièrement. Enfin, elles sont pas si souvent que ça. Tu en as évidemment, mais vu que tu joues souvent, tu les verras pas forcément. Ça peut se faire en douce, voilà. Et au niveau des piles, tu peux avoir des manettes fil aussi. Enfin, généralement, c'est vendu avec une manette sans fil, mais tu peux acheter des manettes avec fil. Ça existe. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi si t'as dit par rapport à la Xbox, c'est quand t'es un joueur pas occasionnel comme Théo. Et que tu joues assez régulièrement, même sur le PC, tu peux avoir des mises à jour qui vont se mettre automatiquement. Par exemple, je pense à la plateforme Steam, ils proposent des mises à jour automatiques. Et si tu veux les faire, tu les fais. Sinon, tu les mets en pause et tu joues un autre jeu. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Mais sur Xbox, t'as pas trop le choix. Des fois, bah, tu veux lancer un jeu, bim, t'as la mise à jour à faire, tu l'as fait. Quoi. Il s'est peut-être trompé de console, ton père. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, tiens, je vais me faire une petite session et de me retrouver comme un con à attendre pendant 20 minutes. Il y a un sentiment un peu de frustration. On a un peu cette même vision du jeu vidéo, alors qui était différente il y a quelques années chez mon père parce qu'il jouait plus en solo, mais là, s'il a acheté cette console-là, c'était pour se dire, tiens, quand on vient, que ce soit moi ou ma sœur, etc., on fait une petite partie, c'est pour être ensemble, c'est pour jouer en réseau. C'est pas fait pour. Pour jouer, pas en réseau, hein, mais en, dou- en écran partagé, quoi. C'est la Switch en fait, qui est le mieux pour si ça. Si tu veux, maintenant sur les consoles, tu peux tout faire. C'est pour ça qu'ils mettent des mises à jour à tout va. C'est que tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Netflix. Oui, c'est pas ça. Xbox, ils sont quand même assez lourds en mise à jour comparé aux autres. PlayStation, ils sont pas mal aussi. Hein. Beaucoup moins qu'Xbox déjà. C'est un autre débat. C'est un peu plus rapide les chargements. Ça aurait peut-être convenu à un joueur qui joue un peu plus occasionnellement, comme ton père, comme tu disais, Théo. Mais. Même là, s'ils jouent genre une fois par mois, vaut mieux clairement la Switch. Si c'est pour jouer en famille, pour jouer tous ensemble, la Switch, c'est le mieux, c'est le top du top. Tu te revois plus de jeux qui t'intéressent sur Switch. Oui, mais non. Parce que alors, j'aime beaucoup le côté effectivement sympa de la Switch qui a toujours été. Mais t'aimes pas les jeux qu'il y a dessus. Le fait de jouer à plusieurs. Mais j'aime bien les jeux qui font un peu réaliste et c'est pas trop le créneau de Nintendo. Ah bah non, en fait. Du tout. Nintendo, c'est plus monde fantastique et compagnie. J'ai jamais vu de jeu de simulation chez Nintendo. J'aime bien par exemple à Forza, tu parlais tout à l'heure en jeu de voiture, sur la Xbox, les graphismes sont beaux et le jeu est sympa. Et on trouve pas ce genre de jeu sur la Switch. Je trouve ça dommage de pas avoir de console vraiment comme l'était à l'époque la PlayStation 2 que j'avais, hein, où il y avait tous les jeux. Mais on pouvait jouer à plusieurs facilement et il n'y avait pas besoin de se prendre la tête avec tout ça, quoi. Mais ça va changer avec les nouvelles gènes, je précise aussi, parce que c'est vrai que la Xbox One, c'était un peu lourd en mise à jour, hein, je l'avoue clairement. Par contre, sur la Xbox Series X et la PS5, s'ils tiennent leurs promesses, les mises à jour, tu les verras même plus, les temps de chargement, normalement, c'est quasiment zéro. Exactement. À la connexion. Une bonne connexion. Mais ça, la connexion, ça dépend pas des consoles. Non, ça dépend pas de la console. Certes, il y aura plus de rapidité au démarrage ou, comme tu disais, au téléchargement. Mais si t'as une connexion de environ, je vais exagérer, hein, genre de 3 mégas et demi et que le truc, ça fait, 500 gigas téléchargés, t'en as pour 2 jours, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est hyper frustrant sur le moment. Mais bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule à passer contre les. Mais t'as raison, il faut passer des petits coups de gueule, des fois, ça fait du bien d'extérioriser. Bon, après avoir appris à jouer, on va apprendre à écrire avec toi, Laura, parce que tu voulais nous parler de. Tu nous en as brièvement parlé l'autre fois et on voulait en savoir un petit peu plus. Tu t'es mis à écrire une nouvelle, c'est ça ? En fait, c'est plutôt un scénario de film pour plus tard. Voilà, avec une amie, on s'est imaginé, oui, on va avoir un César pour ce film, effectivement. Tu en avais parlé déjà, non ? Mais pour l'instant, on est un peu loin de ça. Avant, je voulais vous parler d'un truc assez insolite que j'avais fait pendant mon premier confinement. En fait, je m'étais lancé un défi personnel. Je sais pas si vous, dans votre cas, vous êtes lancé un défi personnel. Mais moi, au premier confinement, je m'étais dit, je veux me faire pousser un mono-sourcil. J'ai cru que t'allais dire la barbe, mais la vraie question c'est pourquoi ? Pardon ? Non, la question c'est vraiment. Oui, c'est vraiment. J'ai des photos à l'appui que je pourrais vous envoyer si vous voulez. Mais pourquoi ? Je me suis dit, en fait, nous en tant que femmes, on a un peu cette pression de devoir s'épiler et tout ça. Et je me suis dit, autant que je ne m'épile pas de la tête aux pieds. Et vraiment, c'était une expérience sociale entre moi et moi-même de voir que mes poils poussaient sur mes jambes de manière tout à fait naturelle. Et en fait, finalement, au-delà du défi que ça a fait, en fait, au final, ça avait une autre portée. Enfin, au début, j'ai fait ça vraiment dans un côté délire. Je vais me laisser pousser plus les poils, je vais voir ce que ça fait. Et après, il y avait... Après, il y avait plutôt un côté militant à ça, en fait, en me disant, c'est pas grave d'avoir des poils et tout ça, je me les épile quand je veux et non pas quand la société veut que je m'épile. Et pour le mono-sourcil, au bout de 2 mois, vraiment, mes 2 sourcils se rejoignaient. Du coup, mon retour à la société a été un peu compliqué. Enfin, en gros, dès le premier jour, j'ai été rejoindre mon copain. Enfin, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais confinée chez mes parents. Lui était confiné chez les siens. Surprise! Et en fait, je partageais souvent en story Instagram mes aventures avec mon mono-sourcil. Et je disais, mon mono-sourcil, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, je l'aime tellement! Et puis après, je redoutais le moment de retrouver mon cher et tendre. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est revus, on était contents. Il m'a embrassé et puis après, il a regardé mon sourcil en disant « Ah ouais, quand même !» Il s'est foutu de ta gueule ou pas ? Non, pas foutu de ma gueule parce qu'il connaissait le défi, mais genre en mode « Ah ouais, je pensais pas autant » parce que il y a un différentiel entre les vidéos que je postais sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit en vrai. Il a dû se dire... Pardon, vas-y. Il a dû se dire, mais je pensais pas que tu avais du sang mexicain en toi. C'est méchant pour un mexicain. C'était pas non plus à ce point-là, mais ouais, quand même, ça se rejoignait. Et du coup, j'étais en mode, ouais, je veux garder mon nos sourcils et tout. Et puis, en fait, après, en story Insta, j'ai fait toute une mise en scène pour le moment où j'allais m'épiler le mono-sourcil. J'ai fait croire que mon mono-sourcil me parlait et que du coup, il me disait de tuer mon copain et du coup je l'ai tué pour de faux avec ma pince à épiler. Et puis après j'étais en mode de quoi, mono sourcil, tu m'as forcé à tuer mon copain, et bah je vais te tuer. Enfin bref, la meuf elle fait des films toute seule dans sa tête. Incroyable. Mais oui, mais j'ai épinglé toute l'histoire de mon mono sourcil de A à Z sur mon Instagram, donc si vous allez me voir à Laura Hubz, LauraHubz, voilà, c'est épinglé en une. Voilà, il y a toute une story spéciale mono sourcil. On est quand même en train de faire de la promo. Non, mais c'est exceptionnel, j'adore cette émission. Mais tout est possible sur Indestar, c'est ça. Je peux parler de mon mono sourcil en toute liberté. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez envie d'une blague pragmatique? Ça fait deux heures d'émission et j'étais dit une blague pragmatique. Jingle, comment ça? Pragmatique, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Et c'est toujours le cul de Teddy de lancer ce jingle, c'est cool. Ouais. Et en plus, j'ai trois blagues pragmatiques ce soir. Waouh. Je sais pas si vous voulez maintenant ou un peu disséminer. Après la musique? Après la musique. Hein? On en veut une quand même. Ah oui, on en veut une. Une avant la musique et une après la musique. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ok. Quelle est la différence entre le premier confinement et le deuxième confinement? Il y en a un qui est après l'autre. Ah, c'est presque ça, tu es intelligent. Le premier confinement, ça a démarré en mars et le deuxième en octobre. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues. Je suis complètement largué, j'ai rien compris. Non, mais c'est elle la mieux. Enfin, voilà, je suis définitivement Laura, tu es ma queen. Voilà. En plus, je viens de mater tes stories Instagram, mais sois mourir de rire. Et ouais, je suis que sur Instagram. Allez, ah non, et puis, et ton mec se prête au jeu et c'est à mourir de rire aussi, très clairement. Ouais, je sais. Elle a de la chance. Benzy avec surfer sur Indestar. On est grave à la bourre, les gamins. Mais on est là, c'est sûr. Les gamins? Vraiment? Les gamins? Tu veux qu'on te casse la gueule après l'émission ou ça se passe comment? Les gamins. Ouais, c'est ça. Et Laura nous expliquera comment elle écrit, donc nous donnera peut-être quelques petits conseils pour commencer si on a envie. On a encore beaucoup de choses à dire avant la fin de cette émission, donc restez là, c'est Indestar et c'est l'émission à la maison. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Tout à fait. Nanana, c'est nous. Et on est là jusqu'à on sait pas quelle heure, et c'est ça qui est bien avec les émissions à la maison, c'est que on n'a pas grand trajet pour rentrer chez nous. T'es dit un peu plus, mais pas beaucoup. Hein, ouais, deux minutes, ça va. Ouais. Hein. C'est un peu le studio et une succursale de ton appartement, finalement. Oui, je pourrais dormir sur le canapé. Ouais. Oui, c'est tout à fait possible. Bienvenue sur Indestar, si vous venez de débarquer, si vous avez raté un bout de cette émission, il y a les podcasts qui sont dispo, hein, peu importe la plateforme, vous retrouverez cette émission, donc émission à la maison, émission confinée sur Indestar, où on parle ce soir tout ce qu'on fait pendant le confinement. Laura, toi, tu as commencé ou tu as continué, je ne sais pas, à écrire. Tu voulais nous donner ce soir quelques petits conseils pour pouvoir écrire et qu'on va découvrir dans un instant, juste après une blague pragmatique. Oui, blague pragmatique, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Bonsoir. C'est l'histoire d'un mec, il rentre dans un bar. Non, il peut pas, c'est le confinement. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Bon, certes, ça nous fait un peu pleurer aussi, ce pragmatique, mais ça va revenir un jour, les copains. Comment foutre le sub à tout le temps? Attends, ça va revenir. C'est un mensonge, nous sachons. Ouais, enfin parce qu'il peut pas, on peut pas aller dans les bars. Ben non, malheureusement on peut pas, ma petite. Quand c'est fermé, c'est compliqué. Je suis Madame Pragmatique. Bonjour Madame Pragmatique. Et je repasse à Laura Hubert. Bonsoir. Oui, bonsoir Laura Hubert. Laura Hubert qui va nous parler de comment. Qui est écrivaine. Autrice écrivaine en chef. Et qui va nous donner ce soir quelques petits conseils pour se lancer si on a envie d'écrire. Voilà, comment démarrer en fait ce processus d'écriture, enfin, parce que c'est pas évident, et là, si vous avez le temps, c'est peut-être l'occasion. Enfin, moi je sais que j'ai écrit par-ci par-là quand j'étais petite, et enfin plus jeune, et finalement des fois j'avais des idées, et en fait c'était jamais abouti, soit parce que je perdais la motivation, ou que je trouvais que j'avais plus assez de temps, etc. Et du coup, dès le premier confinement, finalement, ça m'a donné l'occasion d'être un peu plus créative. Donc j'ai une fiction dans les cartons, j'ai une autre fiction aussi, mais du coup qui est co-construite avec une amie, et j'ai des fables des temps modernes, voilà, et des blagues pragmatiques que je dissémine dans les émissions. Alors tout d'abord, si on a une idée de base, enfin une idée d'histoire, de scénario, je vous conseille tout d'abord de vous faire une trame, c'est-à-dire commencer avec une situation initiale. Votre personnage, il est dans une maison, il est dans une ville, voilà. Quel sera l'élément perturbateur dans cette histoire? Est-ce qu'il va lui arriver un accident? Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va changer quelque chose dans sa vie, etc.? Est-ce que il va avoir des épreuves? Et est-ce qu'il va y avoir une résolution? Donc en fait, ça fait situation initiale, élément perturbateur, épreuve, résolution ou pas d'ailleurs du problème. On peut rester sur une fin assez ouverte, ou une fin un peu plus triste où il n'y a pas de résolution de problème. Dans un second temps, une fois que vous avez fait cette trame de l'histoire, il faut donner un peu plus de chair aux événements. Pourquoi telle ou telle situation va arriver, et pourquoi tel ou tel personnage est comme ça. Il faut leur donner de l'enveloppe, du caractère. Donc pourquoi pas leur faire une sorte de background, donc c'est-à-dire avoir un peu une histoire derrière eux qu'on va peut-être pas forcément inclure dans le récit, mais voilà, pour qu'on sache pourquoi ils ont tel ou tel caractère. Vous décidez de tout en fait, parce que finalement vous êtes un peu un dieu, mieux que les Sims, parce que les Sims, vous êtes obligé d'attendre que vos Sims arrêtent de faire pipi pendant 3 heures. Là, c'est votre choix qu'ils fassent pipi en 2 secondes, hein, si vous voulez, votre personnage. Bref. Et Laura, t'as pris des cours d'écriture ou pas? Pas d'écriture fictive. Enfin, moi, vu que je viens d'une formation journalistique, j'ai appris à écrire des articles journalistiques, mais pour l'écriture, non, en fait c'est quelque chose qui est venu assez instinctivement. Et puis bah, il y avait des cours de rédaction qu'on a tous eu, enfin à l'école, oui, et tout ça, mais rien de plus en fait. Et c'est quelque chose, okay, une sorte d'inspiration comme ça qui me vient des fois. Divine. T'étais bonne en rédaction? Pardon? T'étais douée en rédaction? Oui, franchement, enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais ouais, j'avais les meilleures notes en classe. Ah ouais. Par rapport à ce truc-là. Ouais, ouais, non, j'ai. Enfin, on fait une team. On fait une team, Laura. Ah ouais. Toi aussi, Laura, t'étais Audrey, t'étais douée en rédaction? Ah, moi, j'étais la meilleure de ma classe. Oh là, Martin, c'est pareil? Ouais. Oui, oh bah, il y a pour une fois qu'on a une bonne note, on a le droit de se vanter, ok, merde. Ouais. Oh. Non, mais c'est que ça me désole d'être aussi nul en rédaction. Ouais, mais toi t'es hyper doué en maths, tu peux pas avoir tout. Oui, ouais, mais j'étais nul au début, mais vers la fin de mes scolarités, j'avais de l'inspiration parce que je m'inspirais des jeux vidéo et tout ça. Et du coup, ça créait des histoires vachement bien. Et les profs, ils voyaient pas d'où ça venait. En fait, je pouvais faire des copier-coller de jeux vidéo, ouais, ils voyaient rien. Ouais, clairement. Je suis plus en plus doué, non, tu copies. Non, j'avais juste des bonnes notes. J'avais des très bonnes notes après. C'est, ouais. Ça, c'était cool. T'étais malin, c'était pas pareil. Oui. Martin, toi, t'étais bon? De quoi? il est fatigué, le pauvre. T'étais bon en rédaction quand t'étais à l'école? Ça va, ouais. Non, je m'en sortais bien. D'accord. À part pour les mails, vraiment, là, je me creuse la tête 10 000 ans parce que trop de formules de politesse. Ouais, trop de contraintes, finalement. Ça me rend fou. Toi, Théo, je parie que t'étais bon. Justement, enfin là, vu que vous écrivez... Oui, j'étais pas mauvais, moi, ouais. Pardon. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. mais pour revenir au sujet, vu que justement là c'est entre vous et vous, il n'y a pas de notes en fait à la fin. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est de pas se foutre la pression. En fait, si vous avez envie de vous dégager du temps dessus, mettez-vous à écrire. Et puis quand bien même, vous n'êtes pas obligé de faire relire vos écrits à quelqu'un, ça peut rester pour vous, ça peut être un moyen créatif, un peu de se libérer, un peu une sorte d'exutoire, sans pour autant que ce soit publié ou quoi que ce soit, ou lu à des amis ou de la famille. Il faut juste en fait laisser l'inspiration venir, mais comment dire, faut avoir une certaine rigueur aussi, enfin faut essayer de trouver cet entre-deux entre se dire oui j'essaie d'écrire quand j'ai de l'inspiration, mais si on laisse les choses trop traîner, bah, au bout d'un moment on abandonne le sujet quoi. Faut trouver un certain équilibre quoi. Et du coup si vous avez besoin d'un conseil là-dessus, je vous propose d'avoir un carnet sur vous au cas où. On sait jamais, des fois vous avez peut-être une inspiration en sortie ou je sais pas quoi, ou au travail, bim, ah oui c'est vrai, pour mon personnage je pourrais rajouter ça, et hop vous notez directement sur le petit carnet, et comme ça vous pourrez développer ça plus tard. Sa position de yoga préférée, ça sera le chien tête en bas. Mais voilà. Boum, éclair de génie. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais qui vont étayer votre personnage. Et aussi, quand il ne faut pas se prendre la tête, c'est aussi dans l'écriture en elle-même. Écrivez d'abord votre premier jet sans vous relire. Ça ne sert à rien de s'arrêter toutes les deux lignes pour dire ah ouais là j'ai mal orthographié ça, oh mais je devrais mettre une virgule là, oh mais là c'est pas le bon mot. Ouais, je pense que c'est des phases où il faut laisser son imagination travailler et ensuite faire une relecture une fois qu'on a écrit un chapitre quoi. Exactement, parce que vaut mieux faire un premier jet, laisser l'inspiration venir, et après une fois que par exemple un chapitre est terminé, bah on relit tout et à ce moment-là on édite et on peut remodifier des choses, mais sinon ça casse un peu effectivement cette énergie d'écriture. Mais sachez aussi que on peut ne pas avoir d'idée à la base et on se dit tiens j'aimerais bien écrire mais je sais pas quoi écrire. Une de mes histoires de fiction, je les ai écrites à partir de choses et d'autres, dont une fiction que j'ai écrite à partir d'un objet, une assiette. Je vous en avais parlé lors de la dernière. Oui, vous avez teasé la dernière fois, vendredi. Ouais, on avait envie d'en savoir un petit peu plus. On veut l'histoire de l'assiette. Ça peut être. Enfin, je ne vais pas vous révéler l'histoire. Voilà, c'est mon petit chouchou. Voilà, mais en fait, dans cette assiette-là, il y avait une sorte d'auberge au milieu. Il y avait des personnages. Enfin, en fait, ça faisait village à l'ancienne. Il y avait une auberge au milieu, quelques petites maisonnées. Enfin, ça faisait un peu campagne fermière. Il y avait un enfant sur le côté. Il y avait un chien. Il y avait deux hommes qui avaient l'air de trafiquer. Enfin, en fait, avec une amie, quand on a vu cette assiette, on s'est imaginé totalement un univers. Même dans le fond, il y a une colline avec une petite maison. Et encore plus dans le fond, il y a un grand château qui a l'air un peu à l'abandon, hanté et tout ça. Donc, en fait... on peut s'inspirer en regardant des objets, ça peut même être à partir d'un dessin, d'un tableau, d'autres choses, notamment avec une autre amie aussi, on a démarré une fiction à partir d'une phrase d'un livre. Mon amie en fait a pris une phrase totalement au hasard dans un livre et ça parlait de cuisine. La phrase c'était en gros... cuisiner était devenu pour moi quelque chose d'assez automatique, c'était même devenu de l'art. Voilà. Et à partir de ça, en fait, on s'est imposé une sorte de défi. Elle avait trouvé cette phrase, ensuite c'était à moi d'écrire pendant 45 minutes tout ce qui me passait par la tête par rapport à ce sujet-là. Donc j'écrivais pendant 45 minutes, hop, 45 minutes c'est fini, et je la laisse avec trois choix de suite en fait. Option A, elle va rencontrer quelqu'un, option B, elle va ouvrir un restaurant, option C, elle va découvrir un secret de famille, enfin. Et après, elle prend la suite, etc., etc. Et là, on n'a pas encore fini cette histoire. Et franchement, ça prend une tournure que je n'aurais jamais pensé. Et je trouve qu'il y a une certaine richesse à le faire à deux. Donc, si vous n'avez pas d'idée à la base, soit vous pouvez vous inspirer d'un objet, ou soit vous pouvez le faire aussi à deux. C'est comme un bébé, en fait. C'est deux personnes. Et en plus, c'est bien, c'est pas homophobe. Parce que vous pouvez être autant deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Et hop, vous faites un bébé. Et c'est votre écriture. Et c'est très enrichissant. Développer une histoire, parce que En fait, seul, des fois, on est bloqué sur une idée et il suffit que l'autre rebondisse sur notre idée et hop, c'est parti. L'histoire, elle reprend. On se pose des questions aussi sur les personnages. Oui, mais pourquoi ton personnage, il fait cette action? Ah oui, t'as raison, il faudrait que je me pose la question et que je retravaille ce personnage. Il y a une émulsion d'idées. Et aussi, j'ai un dernier conseil pour vous. C'est pas la... On n'est pas obligé de commencer par un long métrage ou un roman 3 tomes. Enfin, on peut vraiment se fixer des petits objectifs. Il y a beaucoup d'autres formats d'écriture. Par exemple, des formats courts comme des poèmes, des contes, des fables, nouvelles. Aussi, il ne faut pas hésiter à se documenter. Si, admettons, votre histoire se passe au 19e siècle, bah, demandez-vous, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce à cette époque-là? Et plus vous allez faire des recherches historiques, plus aussi ça va étayer votre histoire, la rendre crédible, et ça va vous donner de l'inspiration aussi, parce que des fois, il y a des éléments... C'est l'inspiration, clairement, de se cultiver, de voir par rapport à un univers, et de prendre ce qui font les forces, de cette, ou les faiblesses d'ailleurs, hein, de cet univers pour en faire une histoire. Exactement, mais l'important dans tous les cas, si vous voulez commencer à écrire, c'est de s'amuser en fait, de pas se foutre la pression en disant « Ah oui, je vais remporter un César ». Bon, ok, on l'a dit avec mon ami, mais c'était de la rigolade. Hein, on... Bien sûr. Enfin, même si au final, c'est vrai que c'est pas mal de se fixer un objectif, d'avoir une certaine rigueur en se disant « Bah, faut qu'on ait fini d'écrire ce truc-là ». Je sais pas, fin décembre ou quelque chose comme ça, notamment pour l'histoire avec l'assiette, en fait j'avais envoyé une version courte pour un concours de scénario de court-métrage et malheureusement il a pas été sniff mais, ouais, c'était un bel objectif. Ouais, voilà, enfin ça m'a permis d'être un peu plus concise dans mon écriture. J'ai travaillé aussi sur comment faire synopsis, enfin des choses comme ça que j'aurais pas faites en étant seule, moi devant mon ordi. Et ouais, ça donne l'occasion d'être créatif. Et donc voilà, vous pouvez partir de n'importe quoi en fait, même d'un objet qui est autour de vous. Je sais pas, vous vous dites bon, je vais écrire quelque chose à partir de ce que j'ai dans la main, mon stylo. Et enfin après, faut juste laisser l'imagination rentrer. C'est un peu comme des enfants en fait, quand on les voit jouer, je sais pas, au papa, à la maman ou quelque chose d'un peu moins restrictif. C'est ça, en fait, je pense qu'on a, on a tendance, en grandissant, à moins laisser parler son imaginaire, alors que quand on est enfant, bah, finalement, tout peut arriver. Moi, je me rappelle avoir joué avec des bouts de bâton. J'ai un monsieur bâton, hein, encore à la maison, que j'ai retrouvé l'autre fois, où c'était simplement un bout de bâton qui traînait, et j'en avais fait un petit bonhomme, et bah ouais, après, tu lui inventes une vie derrière. Et je voulais rebondir par rapport à ton sujet, Laura, si vous avez envie de partager ça maintenant sur Internet, sans forcément avoir l'intention de le publier ou d'en faire quelque chose, mais il y a des sites sur lesquels vous pouvez ajouter des récits. Wattpad. De pardon? Oui, comme Wattpad ou des choses comme par ça. Par exemple, ouais, où on peut ajouter nos récits et c'est sympa parce que au moins ça, on partage ça avec des gens et c'est en toute simplicité, voilà. Et je trouve ça plutôt cool. Après, c'est pas forcément un objectif et des fois on a envie de garder certaines choses pour nous parce que c'est notre univers. Mais ça peut faire partie de cette ambition de se dire bah tiens bah ouais je le partage parce que juste ça rajoute quelque chose à la communauté quoi. Et puis après, si vous arrivez pas à écrire, excuse-moi Laura, si vous arrivez pas à écrire pour vous, vous pouvez écrire pour des amis, votre famille, vous adresser à quelqu'un. Genre par exemple, pendant le premier confinement, j'ai une copine qui était dans le mal et je lui ai écrit une histoire. Alors j'en ai fait 4 pages, quoi. C'était vraiment une petite histoire, mais je lui ai fait une histoire dont vous êtes le héros, avec tout l'univers qu'elle aime. Et je lui donnais pareil des choix de fin, des choses comme ça. Et donc à la fin, j'ai fini l'histoire et je lui ai envoyé disant bah en fait c'est toi le personnage. Et elle était hyper contente, tu vois, elle était celle-là. Wow. Et si vous voulez pas écrire pour vous, vous pouvez écrire pour les autres. C'est trop mignon comme démarche, enfin, surtout dans cet objectif de consoler l'autre personne et tout, c'est trop cute. C'est vrai. C'est bah, so c'était cute. Pas du consolage, mais c'était pour le moral quoi. On parle pour le moral. Le placement. Je rebondis là-dessus. Sur le côté cute, le côté mignon, on vous fait choisir vendredi pour la prochaine émission le thème de cette émission entre mignon et émission sur la musique. Donc dès demain, vous allez avoir le sondage qui va arriver sur Facebook et sur Instagram là en story et vous allez pouvoir voter sur le thème d'émission que vous voulez qu'on fasse vendredi. Voilà, c'était le petit aparté sur le so cute. Waouh, parfait. Incroyable cette transition. Magnifique. Du coup, je voulais vous poser une question, vous et l'écriture. Est-ce que vous avez de l'inspiration ces derniers temps, ou est-ce que vous en avez déjà eu et vous avez du mal à vous y remettre? Comment ça se passe? Moi, j'écris beaucoup mes rêves. Mais les rêves bons ou mauvais, hein, les cauchemars ou les rêves d'ailleurs. J'ai toujours des 1000 carnets, de toute façon à la maison j'ai 1000 carnets. J'ai 1000 carnets partout, dans ma voiture, dans ma chambre, partout. J'écris mes rêves, j'écris sur mon téléphone, des morceaux de phrases, des textes. Ça dépend. Et alors je sais pas toi Laura, si tu disais que t'écrivais quand t'étais petite. Moi je suis retombée sur des histoires que j'écrivais quand j'étais petite. C'est collector. Tu vois les inspirations que t'avais à l'époque déjà. Et alors, mais niveau péripéties, c'est mignon, quoi. Oui, mais en plus, on n'avait pas cette limite non plus. Donc, il y a des fois, bon, des choses, on se dit, oui, bon, j'ai... Mais du coup, on n'a pas cette cohérence non plus. Non, c'est vrai, aussi. Bah oui, il y a les limites, mais on ne se posait pas trop la question. Et c'est ça qui était cool aussi, quoi. C'est que tout pouvait arriver. Et puis, on voyait les inspirations. Enfin, moi, je revois les lectures que je faisais à cette époque-là. Où c'est clairement du plagiat, hein. Pas se mentir, hein. Des histoires de sorcières et de choses et de trucs étaient là, genre. Je connais un peu cette histoire, ouais. Mais comme t'es dit, c'est copier-coller après. Ouais. Alors moi au niveau de l'écriture comme on l'a dit tout à l'heure, je suis un matheux. Alors je vais pas dire que c'est à l'opposé, mais c'est souvent quand même soit t'es matheux, soit t'es toi dans l'écriture. Et moi je rentre clairement... Des fois c'est les deux, mais je rentre clairement plutôt dans la catégorie des purs matheux, purs et durs. Je manie les chiffres, ouais, mais alors les phrases, les tout ça, wow, écrire des choses, ah non. Enfin, je suis totalement incapable de faire ce genre de truc. Par contre, est-ce que tu peux m'écrire un chèque, Teddy? Ça, c'est facile. Je sais écrire un chèque. C'est des chiffres, donc ça va. C'est des chiffres. Là, c'est matheux. Et puis, peut-être que ça t'intéresse pas, en fait, tout simplement. C'est pas que ça m'intéresse pas, parce que faut bien l'avouer que depuis quelques années, je me suis toujours considéré comme un matheux, hein, mais depuis que je fais de la radio, je suis quand même dans un domaine beaucoup plus artistique. Et les chiffres, ça sert pas à grand chose dans le domaine artistique. Ça dépend, après. Wow, pour compter l'argent qu'on aura à la fin du mois. Peut-être. Mais faut bien avouer que c'est bien. Je sais pas comment vous voyez la radio, mais moi, depuis que je fais de la radio, je me sens plus artistique. Je me sens plus poussé des trucs que j'avais pas avant, de trucs de lettres, tout ça. Quand j'inventais des jeux pour Get Stars, des fois, il fallait inventer des phrases, il fallait trouver des trucs. C'était wow, fallait créer des choses. Côté créatif, ouais, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup ça et je rejoins un petit peu peut-être plus le clan Audrey et Laura là-dessus. Bah ouais, je sais, je suis tout seul là. Y a plus Martin parce que Martin est parti se coucher et Jolan aussi. Et je suis tout seul. Au secours. À être matou, ouais. Oui. Non, mais clairement, alors moi, je le suis pas du tout. Après, je suis pas un grand écrivain non plus, mais j'aime bien tout ce qui tourne autour des mots. Alors les jeux de mots, écrire des petites chansons, voilà, tout ce qui peut tourner autour de ça, sans écrire des romans, mais j'aime l'écriture en général. Je trouve ça chouette parce que. Alors ça tient, tu le disais, soit on est plus matheux, soit c'est pas binaire, mais en même temps c'est un petit peu vrai quand même. C'est que quand on aime écrire, c'est la possibilité, tu le disais tout à l'heure Laura, de tout faire, de partir dans un univers, de pas avoir de limites, seules les limites que l'on s'impose, mais de pouvoir tout inventer. Alors que les mathématiques, en fait, c'est hyper frustrant pour moi parce que 1 et 1 égale 2. Et il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution. Un problème mathématique, c'est soit ça, soit tu dégages et t'es nul. C'est ça qui est beau. Toi, tu t'appelles Jean-Claude Van Damme, mais alors à ce moment-là, 1 et 1 égale 11. Mais ça, c'est une autre. Non, mais je sais pas. Je vois pas les mathématiques comme ça. Après, c'est sûr, il n'y a pas d'aspect création, mais t'as un aspect logique, par contre, qui est. J'adore l'aspect logique. Il n'y a pas l'aspect créatif, l'aspect artistique. Pas, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est, je trouve que c'est souvent opposé et je trouve que c'est souvent dans le vrai. En vrai c'est souvent opposé. Et l'écriture, ouais, c'est pas. Bon. J'ai pas inventé de mots. Est-ce que c'est pas parce qu'on impose une spécialisation très jeune dans la façon de faire, dans l'esprit? Genre, moi, c'est aussi un truc que j'ai toujours entendu dire. Soit t'es littéraire, soit t'es matheux, mais t'es pas les deux. Parce que c'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on inculque aux élèves en peut-être. Tout simplement, par exemple, quand t'es enfin moi quand j'ai fait mes études en seconde, je devais choisir si j'allais en première L, ES ouais, maths bien sûr. Ou pas genre... Mais alors moi j'ai vu très vite par exemple que j'étais pas du tout matheux. C'est-à-dire même au-delà du lycée, hein, dès le collège, enfin déjà avant j'aimais pas ça, mais dès le collège les maths, non, c'était pas mon truc. Après ouais, peut-être mais... t'as raison. Y a des choses, bah, comme tu disais tout à l'heure, t'es dit toi qui es hyper matheux et ça fait quelques années maintenant que tu as fait un peu de cinéma, un peu de radio et tout, et ça te pousse à développer quelque chose qui n'était pas spécialement développé en toi, qui est le côté créatif, donc un petit peu le côté recherche, écriture et compagnie. Donc le fait de se spécialiser, tu me dis Audrey, dès la seconde, en choisissant soit tu fais des maths, soit tu fais du littéraire, ça empêche dans un certain sens de développer peut-être quelque chose que, bah, même si t'es plus matheux que littéraire, mais ça veut pas dire que tu peux pas arriver à écrire correctement si t'avais des cours pour ça. Non, mais même dans le sens où genre on te formate entre guillemets oui. Sur le t'es matheux, on va diriger que vers les maths, ouais. T'es bon en français, on va diriger que vers le français, voilà. Ouais, c'est ça, ça, genre, comme ça ouais. Plus qu'une spécification, c'est vraiment une part. Et puis enfin pareil au niveau sexisme et tout ça, genre les L c'est des fragiles et les matheux c'est des mecs forts, enfin genre il y a plein de petits trucs comme ça, tu sais bien. Ouais, c'est vrai, hein. Non mais il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis, est-ce que c'est parce que on s'autorise pas à le faire? Ou est-ce que c'est parce que, par habitude, on perpétue des schémas qui sont peut-être plus simples, j'en sais rien. Après, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Tu vois, genre moi, par exemple, je suis une bille en maths, vraiment. Genre, je connais pas mes tables de multiplication. Par contre, je kiffe l'économie. Et pourtant, dans l'économie, il y a une forme de maths, tu vois, il y a une forme de logique. Une forme de logique, ouais. Ouais, bah oui. Et on m'a jamais autorisé, entre guillemets, genre ça fait petite fille bridée, mais genre dans mes études, on m'a jamais donné le choix de faire de l'éco. Que dans des moments hyper particuliers, alors que moi j'aurais adoré avoir cours d'éco, cours de français, cours d'éco, cours de sciences. Pour moi, ça aurait été faire mon patchwork, ça aurait été le test. C'est au final, en fait, on n'a pas cette possibilité, et je pense que c'est beaucoup de contraintes logistiques. Voilà, logistique. De contraintes. Oui. Parce que ouais, si on devait faire en fonction de ce que l'élève veut, bah moi je veux ça, mais c'est vraiment un rêve que j'aimerais beaucoup que ça se fasse aussi, enfin je veux dire, bah, en vrai aux US c'est un peu comme ça, et niveau logistique ils s'en sortent, hein. Mais c'est plutôt au niveau universitaire, il me semble, je sais pas. Ouais, si c'est, ça, c'est juste après le lycée je crois, hein, ouais. Après mais même nous en plein France d'options. D'un point de vue même nous en France d'un point de vue universitaire, on n'a pas une aussi grande liberté, c'est en gros je sais pas, tu vas dans une fac d'anglais, tu vas faire quasiment que de l'anglais, et encore c'est ça, une option en plus. Mais j'adore beaucoup le concept anglo-saxon qui est je prends cette matière majeure, mais j'ai envie de prendre aussi un peu de ça, puis un peu de ça. Et je trouve qu'au final, ça donne sur le marché de l'emploi des profils totalement diversifiés. Parce que là, à la fin de ton cursus universitaire, admettons, tu as fait bac plus 3, bac plus 5, bah, tu ressembles quasiment à tous les gens de ta promo. Alors que si tu avais plein d'options différentes, bah, tu te crées une personnalité vraiment à part entière, quoi. Je pense que tu as tout à fait raison, Laura. Tu parles en Amérique ou dans certains pays du Nord, etc., où tu as une plus grande marge, on va dire, des plus grandes possibilités en fait, de choisir des choses différentes. Aux États-Unis, plus de choix dans un seul univers. Tu peux faire des maths et de la peinture, quoi, et c'est chouette. Parce que ça te permet de développer ton côté créatif tout en étant matheux, voilà. J'étais pas bon en peinture non plus. De quoi t'es dit ? J'étais pas bon en peinture non plus. Non, mais t'as pas forcément besoin d'être bon. Non, c'est pas être bon, c'est être ouvert à ce que tu fais. Genre, par exemple, j'ai un copain qui étudie aux États-Unis. Il est dans l'ingénierie mécanique et les intelligences artificielles. Mais à côté, il prend des cours de danse, des cours de philosophie, des cours de plein de choses. Et c'est trop cool. Genre, il a pas besoin d'être bon là-dedans. Il est même pas noté là-dedans. Mais on lui donne accès à une pensée, à des formes d'expression différentes de ce qu'il fait d'habitude. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'est l'ouverture, et je trouve ça chouette parce que ça enlève un petit peu tu le disais tout à l'heure, Audrey, la question. Non, c'est Laura, l'uniformité, L'uniformité, que tu peux avoir. En disant, et même que, enfin, la case dans laquelle on te met, en te disant, donc t'es matheux, donc forcément tu vas rien comprendre à l'art, forcément tu vas rien. Mais c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas du tout eu cette approche de là parce qu'on ne nous a pas donné la possibilité d'avoir cette approche. Donc ça fait de nous des gens qu'on peut mettre dans des cases, effectivement. C'est d'ailleurs, pour en revenir au sujet de Laura, il m'est arrivé une fois, alors c'est pas exactement écrire, mais c'est donner les idées pour écrire, lors d'un tournage, parce que t'as parlé de synopsis et tout ça, de scénario en fait, de tournage, clairement. C'est ça, ouais. Totalement. Et ben j'ai fait beaucoup, j'ai fait partie d'une association de cinéma et j'ai même fait des activités où qu'il fallait écrire des scénarios. Alors c'était pas mon point fort parce que je j'aime pas trop ça. Enfin, je suis plus dans l'action, moi j'aime faire des choses dans l'action, mais j'ai participé à des ateliers d'écriture de scénarios et je donnais des idées assez farfelues aux gens. C'était assez marrant, hein. Enfin pour eux en tout cas c'était marrant. Pour moi c'était des idées que je piquais dans le domaine de ce que je connais. Donc c'était toujours pas de la création, c'était plus des copier. Au final, même dans la création, t'es dit, t'as toujours de l'inspiration. Même si y a des histoires où t'as l'impression waouh, c'est nouveau, c'est novateur, il y a forcément de l'inspiration quelque part, de quelque chose d'avant, enfin de ce qui t'entoure. C'est pas faux. Il y a toujours quelque chose qui te relie à autre chose, justement. Genre, les auteurs ou les autrices célèbres, ils ont pas écrit tout seuls dans une cave, ils ont bien vu ce qui se passait autour. Et donc oui, forcément, il y a de l'inspiration. Chaque moment que tu vis, tu le mets dans un livre, une chanson, un texte. Même dans les jeux vidéo, il y a toujours de l'inspiration. Ah bah c'est normal, t'es un être humain. C'est normal, oui. Et à contrario, Teddy, à mon avis, dans ce que tu as donné comme idée, il y avait une grande part d'inspiration, mais il y avait aussi une part de création de ta part autour de ça pour en faire quelque chose qui te ressemblait aussi malgré tout, tu vois. C'était souvent dans l'humour, moi, parce que j'excelle dans l'humour, mais ouais, c'est mon truc, j'adore l'humour. Donc je leur donnais souvent des situations cocasses, c'est ça qu'on dit ? Ouais, comique. Ouais, comique, cocasse. Vas-y, j'ai sorti un mot là-haut. Un mot que j'utilise jamais. En parlant d'humour, alors, on aura Audrey qui va nous faire un sujet. Ou plutôt des sujets qui va mélanger la cuisine, le sexe et le rock'n'roll, ou presque. Mais avant, on a une chanson avec Junior Life Away. C'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. D'accord, le jingle m'a tout spoilé. Ah, je t'ai senti bien lancé, du coup. Oui, oui. J'ai besoin d'un partenaire pour cette blague qui se. Vas-y, je suis ta partenaire, Laura. Quand je dis toc toc, tu dis qui est là, ok? Alors d'accord. Ça va peut-être être dur un peu. Toc toc. Qui est là? C'est moi, j'ai juste oublié mon attestation de sortie avant de sortir en fait, et du coup je viens de re-rentrer, mais je ressors après, promis. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Et sans complice, ça aurait beaucoup bien marché, on est d'accord, Laura. Oui, bah oui, parce que sinon. Ah, c'est blague de confinement. Mais enfin, c'est tout le temps ce qui m'arrive. Enfin, après, ouais, à chaque fois qu'on sort, on est en. Ah, oh, j'ai oublié de remplir mon attestation. Ah. C'est vrai. Bon, heureusement, ça se fait sur téléphone maintenant. Oui, en numérique. Mais même sur téléphone, des fois, je suis en train de faire ma promenade et tout, et puis en plein milieu de mon parcours, j'ai oublié, vite, avant qu'il y ait la police. Ouais. Ah, je suis le seul. Complètement azimuté avec ça. Hein. Moi, je suis un délinquant, en fait. Quand je sors, j'en fais pas. Oui, mais c'est 135 euros d'amende. Ouais. Ah, voilà. Mais je compte sur. Je compte sur ma vitesse. Et sur sa richesse, t'es dit riche, il peut payer. Sur ma richesse, voilà. Non, j'espère ne pas me faire rigoler, parce que j'ai vraiment la flemme, mais un truc de dingue. J'ai la flemme d'écrire, tu vois, comme quoi, même là, c'est du français, ça m'énerve. Non, je te jure que en attestation numérique, quand tu as rentré tes informations, tu peux sauvegarder, tu peux le faire en 15 secondes. Donc, c'est pas plus ça qui me gêne, moi, c'est plus quoi mettre dedans, en fait. Enfin, quelle est la raison ? Marqué nom, prénom, non, la raison. La raison, c'est ça qui bloque. T'as un choix entre 8 cases, ça va. Ah, parce qu'en plus, t'as même pas le choix. Ah, okay, mais c'est juste fermé, tu verras, tu trouveras. Oui, c'est pas faux. Bon, cuisine, sexe, rock and roll. Dans un instant, juste après DJ Fun Big, voici Bloodhound Gang versus le. Ah bah non, je dis n'importe quoi. On a Tom Hartway d'abord avec Dream Your Life Away sur Indestar. À tout de suite. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Justement, c'est une émission spéciale confinement ce soir sur Indestar. Alors oui, il est déjà minuit. Et alors, finalement, nous sommes tellement bien chez nous que nous en avons encore à dire sur nos activités pendant le confinement. Alors certains, comme Martin, sont sur les routes, d'autres sont à la maison et se lancent dans diverses activités créatrices ou moins créatrices d'ailleurs. Certains télétravaillent d'ailleurs, c'est mon cas là, de ce deuxième confinement. J'ai réaménagé un petit peu mon bureau, j'ai mis un fond vert pour tourner des vidéos, notamment sur comment remplir une attestation en ligne. Hein. Il y a du tout qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez faire un tour, ça vous permettra de ne pas avoir à revenir pour aller chercher le papier que vous avez oublié. Et puis, y en a qui font de la bouffe. Alors, j'ai sur le petit fil conducteur de notre émission, j'ai noté Audrey qui va parler de cuisine, sexe et rock'n'roll. Alors, Audrey, je t'en prie. Voilà, il a généré ça passe tout seul. Oui, parce que c'est parti d'une discussion de tiens, je parlerai bien de nourriture, et après, en rigolant, j'ai dit tiens, je parlerai bien de cul. Et il a créé son fil tout seul, comme un grand, en parlant. C'est trop long de film, c'est trop bien, oui, j'adore le clairement. Film. Ça fait très sexe, drogue and rock'n'roll. Mais du coup, on va vraiment parler de sexe et de rock'n'roll et de bouffe ? Eh bien, pourquoi pas, Teddy ? Bah ouais, parce que moi, c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis là depuis 21h, Teddy. Bah ouais, on est tous moi, là. Que pour entendre parler de cul, c'est tout. Évidemment. Bah oui, parce que le cul, c'est hyper important. En fait, non, la sexualité, ça fait partie de l'hygiène mentale et corporelle des gens. Et c'est quelque chose qu'on apprend de moins en moins à l'école. Enfin, je sais pas si vous avez eu des cours d'éducation sexuelle vite fait si. Pendant votre scolarité. Si. C'est même obligatoire et. Ouais, enfin, vite fait quand même. Mais t'as eu quoi ? T'as eu un cours sur les IST et les MST ? Ouais, et puis c'est juste. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oui, enfiler une capote, effectivement. Il y a ça, il y a enfiler une capote, et puis il y a. C'est différent, c'est comment tu vois le sexe. Toi, à travers tes yeux de jeune. Ah ouais, dis donc, t'as eu des cours de qualité, hein, parce que moi, c'était. Il y en a pas eu beaucoup non plus, il y a eu que 3 ou 4, hein, c'est en 3ème qu'il y a ça, généralement. Moi, j'en ai eu qu'un seul, et en plus, en plein milieu du cours, au moment où il fallait mettre la capote sur la banane, moi, j'avais un rendez-vous obligatoire. On était en maths, quoi. Infirmière. Donc, du coup, j'ai jamais su quand on va mettre une capote, voilà, je l'ai pas. Sur les bananes, bon après, elle a su sur autre chose, mais sur une banane, elle sépare. Et bah justement, le confinement, c'est l'occasion de tester plein de trucs. Il y a souvent des gens. Ah, mettre une capote sur une banane ? Par exemple, pourquoi pas ? Si t'as une compétence que tu veux acquérir, on s'en fiche. T'es seul chez toi, qu'est-ce que t'en fous ? Bon, toi, t'es avec ton copain, mais alors. Ah, mais je sais qu'il rigolerait. Hein. Oui, voilà, je vois pas le problème. Justement, le confinement, tu parlais du premier confinement où tu t'es laissé pousser le mono-sourcil. Et c'était très intéressant, du coup, comme expérience humaine. Parce que oui, est-ce que ce confinement... Alors là, je sais qu'il y a le travail, c'est un peu différent du premier. Mais est-ce que ce confinement, ça serait pas l'occasion de tester des trucs soi-même, chez soi, tout seul ou à plusieurs, avec vos partenaires ou votre partenaire, parce que au final, on est chez soi. Et comme tu disais, pour écrire un texte, rien ne t'oblige à le partager. Tu peux faire ça enfermé dans ta salle de bain, faire ça dans ta chambre, et surtout, tu peux t'autoriser. C'est vraiment le mot-clé, genre l'autorisation. Vous êtes tout seul, vous êtes chez vous. Si vous avez peur d'être regardé, alors que clairement, hein, tout le monde s'en fout. Hein, ce que vous faites chez vous, ça reste chez vous. Vous fermez les volets, vous vous mettez dans une petite ambiance cosy. Si vous avez envie d'allumer des bougies, vous allumez des bougies. Enfin, vous vous mettez dans une ambiance où vous aimez bien et vous autorisez à faire des trucs. Des fois, ça peut être hyper rigolo, des fois, ça peut être hyper nul. Des fois, vous faites un sketch et puis en fait, vous le faites et vous dites « Ah ouais, d'accord, bon, ouais, bon, écoute, alors d'accord. » D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui ont osé et qui ont testé parce que pendant le premier confinement, les ventes de sextoys ont explosé de plus de 70%. Ah ouais, quand même. Et c'est l'un des trucs les plus commandés de l'Internet pour les gens... soit qui s'ennuient, soit qui veulent tester de nouvelles choses. Et ces confinements, c'est aussi l'occasion de se donner de la liberté et de se donner une marge de manœuvre. Mais que ça soit des trucs infimes. Mais si ça vous fait découvrir des choses, si ça vous fait plaisir, des fois, rien que de s'autoriser et de se déshabiller, de se mettre nu devant un miroir et de se regarder nu devant un miroir. Il y a des gens qui ne le font jamais. Il y a des gens qui le font tout le temps. et ça peut vous apprendre des choses sur vous, sur votre corps, sur des oh, je suis une femme. Eh ben tu rigoles, mais c'est pas si accessible que ça et c'est pas si naturel. On a fait du corps nu un tabou. Alors quand on parle nudité, justement, des blagues qui partent genre à poil. On a fait du nudisme quelque chose de tabou presque. Genre, oh, les culs nus, ils vont à la plage, tout ça. Mmh. Mais au final, genre, t'es né nu. Enfin, c'est le. Ah ouais, non, complètement. Ouais. Et tes fringues, ça te permet d'avoir une identité sociale, de garder la chaleur, mais au final, ton corps reste ton corps. Donc, ça peut être banal, ça peut être un truc aussi bête que ça, mais ça peut vous permettre de découvrir pas mal de choses et vraiment, genre, de vous autoriser à faire des tests, à penser à des choses que vous avez jamais autorisé à penser, à regarder des choses que vous êtes jamais autorisé à regarder, à vraiment vous autoriser. Il y a que vous et vous-même, et aussi à vous autoriser si vous êtes en couple ou en ou peu importe avec un ou plusieurs partenaires, à communiquer sur des choses nouvelles, à partager ce que vous aimez, ce que vous désiriez, vos fantasmes. Alors les fantasmes, ça peut se partager ou ça peut se garder. C'est vraiment extrêmement personnel comme point de vue, mais ça peut être l'occasion de tester de la nouveauté et de s'autoriser à faire des trucs, que ça soit en cuisine, au lit, que ça soit en couture, en écriture. En mélangeant tout, cuisine, couture et sexe. Je te déconseille d'utiliser une aiguille dans une partie de sexe, ça peut finir très mal. Dommage. Alors, pas couture et sexe, mais alors peut-être que cuisine et sexe, ça se mélange mieux, Audrey. Peut-être, par exemple... ça dépend de la recette, ça dépend des ingrédients. Oui, exactement, mais pourquoi? Genre, si ça vous fait plaisir, si vous aimez le Nutella et que vous voulez tester, tester avec du Nutella, si vous allez voir à quel point c'est collant et sucré, mais c'est pas grave, on s'en fout. T'es chez toi, sous la douche. Qu'est-ce que tu t'en fous? Mais même sur toi-même, c'est pas un problème. Je veux dire, genre rien que se caresser, soi-même, peu importe l'entièreté du corps, vous allez peut-être découvrir des choses. C'est vraiment apprendre à se connaître. C'est se reconnecter avec soi-même finalement, parce qu'en fait, pendant une grosse partie de notre vie, on traîne entre guillemets notre corps, on le traîne jusqu'au boulot, on le traîne pour revenir de boulot, on le traîne pour aller à droite à gauche, mais au final, il faut savoir en prendre soin de quelque manière que ce soit par le sexe, que ce soit par un peu de sport, que ce soit un peu de méditation, que ce soit... Le corps, c'est ton temple en fait, le corps, c'est toi, c'est pas juste une enveloppe corporelle, c'est quelque chose qui te permet d'être vivant tout simplement, ton corps c'est ça. Et je trouve que j'ai eu une reconnexion à mon corps que je n'avais pas eu, justement du fait de laisser ma pilosité s'exprimer comme elle voulait en fait, d'enlever un peu ces carcans de la société qui disent, surtout pour nous les femmes, oui, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois être épilée, attention, tu dois te maquiller, mais pas trop, sinon ça fait cagole, tu dois t'apprêter, je connais pas ce terme. Avoir une jupe, mais pas trop courte, avoir des talons, mais pas trop haut, sourire, mais pas trop, toutes ces injonctions, effectivement. C'est ça, c'est vraiment... Enfin, on essaie de nous dire oui qu'il faut qu'on ait un certain équilibre, mais on nous dit jamais soyez comme vous êtes, quoi. Sauf McDonald's. Oui. Mais il y a une arrière pensée. Non, mais voilà, en vrai, t'as totalement raison. On est dicté par le produit que on nous vend au quotidien. Hein, voilà, tout simplement, parce que sinon on vendrait aucun produit, ça serait dommage pour les grandes marques, n'est-ce pas? C'est ça, cette forme de corps idéal et d'imposition qu'on matraque aux filles, mais aussi aux garçons. On n'oublie pas, même si vous êtes même si la pression sociale est moindre, vous avez quand même ces images d'hommes hyper musclés, virils, toujours dans l'action. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la virilité? On en parle. Toujours dans l'action, toujours à séduire, vraiment des hommes. C'est ça, genre. Mal alpha. Ouais, mal alpha, stéréotypé. Si vous êtes intéressé sur des sujets comme ça, je vous conseille l'excellentissime chaîne YouTube de Benevert. Vous êtes vraiment sympa. Et c'est Table Ronde qui s'appelle Entre Mecs. Et donc, Entre Mecs, ce sont des garçons qui parlent entre eux de plein de sujets, mais absolument incroyables, genre, et basiques au final. Il y a un épisode sur la taille du pénis, un épisode sur le style vestimentaire, un épisode sur la virilité, un épisode sur les muscles, un enfin, il y a des dizaines d'épisodes qui sont sortis maintenant, ça sort tous les dimanches à 18h et je vous conseille vraiment d'aller les écouter, filles comme garçons hein, d'ailleurs, que les propos abordés sont hyper simples, enfin, c'est vraiment une discussion entre copains et ça peut amener à des réflexions ou à des choses auxquelles toi-même tu t'identifies et qui disent ah ouais ok, genre moi je suis pas chelou, en fait tout le monde est comme ça, genre c'est pas bizarre, c'est normal. Et ces discussions, je l'en vois de plus en plus courir sur YouTube. Là, alors, en tant que mâle, on va dire, voilà. Le mâle. Oui, je suis un mâle. J'aime bien dire mâle et femelle. Je préfère plutôt ça comme les femmes, mais bon, c'est un détail. À l'anglaise, à l'anglo-saxonne. Male and female. À l'animal plutôt. Mais, c'est, mais oui, je préfère ça. Mais. Je trouve que on a souvent le problème, on n'a pas les mêmes stéréotypes, effectivement, comme tu dis, on n'a pas les mêmes pressions. Par contre, on est beaucoup plus tabou entre mâles qu'entre femelles. Les garçons parlent moins entre eux. Largement moins. En fait, comme tu le disais, c'est qu'est-ce que c'est la virilité ? Il y a un peu de ça, c'est la virilité déjà, tu te plains pas, tu dis pas tes problèmes. Ça, c'est un truc de virilité. C'est con. Le problème, là, c'est de la discussion, en fait. C'est comme ce qu'on fait ce soir, tu vois. Genre, oui, c'est vrai qu'entre mecs, alors je vais pas faire une généralité, mais t'es dit, tu me rejoins là-dessus, c'est que entre mecs, on parle beaucoup moins qu'entre filles. Ah bah moi, oui. Je parle beaucoup plus. Agente féminine. Que j'ai des amis filles. Exactement. Que quand j'avais que des amis mecs. Et oui, où on aborde d'autres sujets, mais très peu ce qui concerne le côté viril de l'homme. Qu'on est quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça le questionnement. Mais du coup, c'est aussi une porte d'entrée à s'autoriser à ça. C'est dire, écoutez, discuter de ça, on vous l'a interdit ou on l'a tabouisé ou on l'a. Ça se développe. Ça. Et ça, c'est bien. C'est s'autoriser aussi à avoir des émotions, surtout pour les hommes. Et au final, c'est quelque chose qui s'ankylose. Vraiment, je parle d'expérience parce que j'ai connu beaucoup d'hommes, que ce soit d'autres générations ou de cette génération, de ma génération, je veux dire. Enfin, le fait de pas s'exprimer sur ces sujets-là, des fois, ça peut devenir une véritable pression qui se transforme en maladie physique, en maladie mentale, enfin quelque chose qui reste bloqué. Alors que, je suis en train de faire une théorie de malade dans ma tête. Mais est-ce que c'est pas pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes ? C'est une résistance émotionnelle en plus, quoi. Du fait que les femmes, certes, on nous traite de pleureuses, de criardes, d'hystériques, mais au moins on exprime ce qu'on ressent et ça reste pas à l'intérieur. Il y a une autre théorie pour ça, pour que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est que les mâles sont plus souvent des casse-cou à faire des conneries, que les femmes sont plus raisonnées généralement. Oui, mais vous êtes pas tous des Pascal Lacascade, quoi. Non, mais non, bon, non. Je dois avouer que dans la majorité de mâles que je connais, c'est quand même. Non, mais il y avait ça après, maintenant, c'est plus forcément. Mais après, il y a quelque chose de morphologique avec notre pénis aussi qui fait que ça influe sur la mortalité, sur notre espérance de vie. Mais oui, c'est peut-être un ensemble de facteurs. T'as peut-être raison parce que on sait que plus on exprime ses sentiments, plus on arrive à le faire, moins on les garde à l'intérieur. Donc forcément, on se sent plus léger à l'intérieur quand on arrive à les exprimer à l'extérieur. Donc ça, c'est évident. Après, je pense que entre femmes, il y a encore plus de pression sociale dans un certain sens, qui fait que. En fait, vous êtes obligés de parler entre vous et je pense par contre qu'il y a plus de. Alors peut-être que j'ai tort, hein, mais qu'il y a peut-être plus de jugement. Vous vous jugez vachement entre filles. Ça, je pense que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Enfin, je sais que ça, quand j'étais enfant, même ado et tout, c'est quelque chose que je trouve. Enfin, en fait, depuis que je suis petite, en fait, avant, j'aimais pas traîner trop avec les filles. Enfin, ou sinon, j'avais une meilleure amie par là, mais du coup, je me disputais très rapidement avec elle, alors que mes amis garçons, ils sont restés très longtemps dans le temps, en fait. Mm-hmm. Et c'est que depuis récemment que, en fait, je me suis dit. Enfin, je regarde des vidéos pas mal féministes et tout ça, et je me suis rendu compte d'un phénomène. C'est que, en fait, c'est le patriarcat qui nous met en concurrence. Parce que pourquoi on se juge entre nous ? C'est des fois, c'est une question. Entraîner à se. c'est une question de beauté, en mode ah ouais, mais si elle, elle est plus belle que moi, elle va réussir à choper entre guillemets le mal, donc il faut que je sois plus belle. Donc en fait, il y a toujours ce côté patriarcal qui revient, et c'est toujours c'est cette compétition entre femmes, parce que déjà, vu qu'on est discriminé, il faut qu'on soit la meilleure, faut qu'on soit plus intelligente, la plus belle par rapport au modèle de société qu'on veut nous imposer. Mais en fait, si on fait alors là, je parle pas au nom de tous les hommes, hein, mais parce que chacun est différent, mais est-ce que ce modèle de société correspond vraiment aux attentes des hommes? Ça, j'en suis pas certain, parce que moi, ça va dépendre lesquels, on va dire. Ça va dépendre lesquels, parce que on va dire ceux de l'ancienne génération. Je vais appeler ça les boomers. Ouais, clairement, je pense qu'ils sont comme ça. Ils disent ouais, il faut que ma femme elle soit belle, il faut qu'elle soit ci. C'est pas une question de génération, c'est une question. Je pense qu'il y a de ça quand même. Bah, on a tous été affectés par une autre génération aussi, par la publicité, par le modèle de voilà, que ce soit nos parents ou nous, ou nos grands-parents, un peu moins peut-être, mais plus les générations évoluent et plus les. Les mentalités, tu veux dire? Bah oui, ça change totalement. Moi personnellement, je pense pas que je vois les femmes comme quelqu'un qui a une soixantaine d'années. Je pense qu'on a une vision très différente de. En vrai, ça dépend vraiment des personnes, mais c'est vrai que les mentalités ont évolué entre nos grands-parents et nos parents, même en parlant avec ma mère. Il y a des concepts que je lui explique, par exemple, dans le féminisme ou des choses comme ça, où ça lui paraît complètement invraisemblable. Genre, par exemple, ma mère fait partie de ces personnes, qui sont souvent des femmes, ne pouvant pas vivre toute seule. Elle ne comprend pas que je puisse vivre seule et indépendante. C'est pas possible. Alors, une femme doit être avec un homme ou une femme, peu importe, mais doit être avec une compagne ou un compagnon. C'est impossible pour elle que quelqu'un se vive toute seule. Et c'est ça, il y a des préconçus en fait qui restent dans le temps. Enfin, c'est comme une femme, elle a pas le droit de vieillir non plus. Enfin, ça, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet. Oui, je l'ai sur la table basse. Elle est trop bien. Oui. Mais enfin, pareil, on a toujours ce préconcept. Enfin, un homme qui vieillit, c'est beau. Ça se bonifie. Ça a du ventre. Voilà. Mais alors qu'une femme qui vieillit, ça devient la sorcière, en fait, finalement. Enfin, ça devient celle qui a les cheveux blancs, celle qui est aigrie, celle qui est toute ridée, celle qui n'est pas désirable, parce que... Ça me rappelle une chanson de Guy Drey, ça, hein. Voilà. Une femme devient un beau garçon avec le temps, et la femme à 30 ans, c'est déjà une vieille peau. C'est ça. Du coup, en fait, une femme est directement... Enfin, je dis ça, mais ce sont pas mes mots personnels, hein, comprenez bien. Mais une femme est perçue comme c'est celle qui enfante, et du moment qu'elle a atteint cette mission, après c'est un peu genre elle sert plus à rien. Pourquoi il y a plein d'hommes qui se remarient avec des jeunes femmes? C'est un peu ce côté là qui revient en mode, et puis en plus l'homme qui a envie d'avoir l'ascendant sur la femme en disant en plus je suis plus vieux que toi, donc j'ai plus de maturité, d'expérience. Enfin là je dévie totalement, mais c'est un sujet tellement vaste, on va faire une émission Une émission spéciale sexiste. Alors on avait déjà fait ça l'année dernière et c'était vachement bien. C'était avec Vita Conso. Et je suis pour un de ces soirs. Il faut qu'on recommence. Complètement. Il y en aurait tant à dire, mais c'est vrai que le poids de la société sur les hommes et les femmes en fait est énorme, et on a beau essayer de... Alors tu parlais de génération tout à l'heure, c'est vrai que peut-être que notre génération tendance pour quelques-unes d'entre nous à essayer de se sortir de ce modèle-là. Mais si on regarde la globalité, on est quand même vachement atteint. Parce qu'il y a aussi plus de possibilités. Genre, maintenant, il y a YouTube, les livres, tout est connecté, tout est connectable. Il y a des choses pour nous montrer aussi qu'il existe un autre discours que celui qu'on veut bien nous montrer à la télé. Exactement. T'as tout à fait raison. Il n'y a pas qu'un seul canal. Il y a une multitude de canaux. Et en fait, comme dans tout ce qu'on va faire, où on se dit au début, on est un peu seul à faire ça. Et c'est compliqué de faire quelque chose quand on est tout seul à le faire. Quand on se sent soutenu et qu'il y a d'autres personnes qui le pratiquent ou qui le font, d'un seul coup on va sentir une force et on va se dire c'est ça vraiment en fait que je veux. On essaye de m'imposer quelque chose depuis 20 ans, mais en fait non, c'est pas ça dont j'ai envie. Je trouve que dans le féminisme il y a une certaine sororité qui se met en place, toutes les femmes femmes sont une certaine sont quoi quasiment ensemble dans la lutte. Mais enfin, pour revenir sur l'histoire de mes fameux poils, en fait j'ai commencé seule à faire ça, puis après sur les réseaux sociaux, justement tu parlais des différents canaux, sur les réseaux sociaux je me suis abonnée à des comptes sur la pilosité et tout ça, où tu voyais des femmes qui étaient photographiées avec des poils sous les bras, avec des poils aux jambes, et du coup tu te dis en fait c'est quelque chose de naturel, et pendant des années la pilosité chez la femme a été réprimée. Sachez que c'était qu'au début du 20e siècle en fait que les femmes ont été obligées entre guillemets de s'épiler grâce à la marque Gillette, qui a vendu ses rasoirs pour hommes, et puis après qui s'est dit tiens, si d'un point de vue marketing on dit ça aux femmes, on va en faire des roses et ça va se vendre. Ouais, mais tu parlais des réseaux sociaux, je sais que Instagram a censuré certaines photos de femmes ayant des bras. Pour la poitrine, oui. Parce que juste, voilà, pour eux, c'était vulgaire. Alors que, non, je suis joint. Instagram, ils peuvent censurer pour des trucs vulgaires. Bien sûr, Instagram a censuré aussi des poitrines féminines. Par contre, les poitrines masculines, c'est pas très grave, hein. Pas dégueu. Poitrine masculine. Même pendant l'Octobre Rose, où il y avait plein de femmes qui postaient justement pour la lutte contre le cancer du sein, il y en a plein qui ont été des photos pour Instagram, quoi. Et tu vois, tu dis, t'avais l'air étonné, Teddy, parce que j'appelle pas ça poitrine, moi. Oui. De comment ? J'appelle pas ça poitrine pour les hommes. T'appelles ça quoi ? Un torse ? Ouais. Mais c'est la même chose, en fait. Peu importe, oui. Et en fait, c'est ça que la dichotomie des réseaux sociaux, qui est absolument insupportable, c'est qu'ils vont promulguer des clichés qu'ils considèrent comme obscènes, avec des gens ou carrément du porno qu'ils considèrent obscènes. Et à côté, ils vont pas savoir trier, ou est-ce qu'il y a besoin de trier d'ailleurs, c'est ça la question. Et ils vont supprimer une publication de la photo de l'origine du monde, par exemple. Puis surtout, ça m'a étonné là que vous me disiez qu'Instagram censure des trucs, parce que je veux pas dire, mais Instagram c'est un peu le champ ouvert à toutes les photos. Oui, mais tu peux être vulgaire en fait. Instagram est ouvert à une fille ou un garçon qui va se mettre dans des positions. Ils font ce qu'ils veulent, les gens, mais pour moi c'est portes ouvertes Instagram. Ça, c'est autorisé, et à côté de ça, ils vont censurer une photo d'une fille qui va être dans une position tout à fait classique, et qui va par exemple avoir des poils sous les bras. Et voilà, ça c'est là où il y a vraiment une aberration, c'est qu'en fait le diktat de la société, ceux qui définissent les standards, il est toujours là, quoi. Il y a des trolls aussi de l'internet, enfin qui se liguent contre les comptes féministes. Il y a même je sais plus les noms, anti-féministes. En gros, il y a des comptes masculiniste, qui en fait s'amuse à justement essayer de faire censurer un maximum de ces photos-là, en faisant le plus de signalement possible pour que Instagram enlève ces photos-là. Et c'est terrible, quoi, en fait, finalement, c'est se battre contre un nid d'abeilles, quoi, clairement. Masculiniste. Mais du coup, des gens qui... Enfin, certaines personnes qui... ont cette théorie patriarcale de l'homme est supérieur à la femme en droit et en biologie. Alors il est supérieur, c'est parce que parce qu'on a des muscles. Globalement, c'est ça. Et puis faut pas nier les faits non plus, que toute la publicité qui a été faite pour dicter certaines choses pour les femmes ont été pensées par des hommes. Donc on a su mettre les femmes les éduquer dans ce sens-là, ces mêmes personnes-là ne veulent pas qu'il y ait une tendance inverse qui se manifeste. Je vois ce que parce qu'il dire. Faut faire bouger plein de lignes, et donc voilà, pour en revenir au confinement, parce qu'il est quand même minuit et demi, peut-être qu'on va terminer un jour cette émission. On était sur bouffe, rock'n'roll et sexe. C'est ça. Le conseil, que ce soit rock'n'roll, bouffe ou sexe, c'est autorisez-vous. Même dans les plus petits fantasmes, dans les plus petits trucs, dans les plus petits essais, si vous voulez, comme par exemple Laura, vous faire laisser votre pilosité tranquille. Allez-y si vous voulez ne plus mettre de soutien-gorge, allez-y. Et si vous ne mettez plus de soutien-gorge, par exemple, et qu'au final, vous n'êtes pas à l'aise, eh ben, remettez un soutien-gorge, peu importe. C'est pas... L'important, c'est d'essayer. C'est pas de se braquer ou... C'est, bah, de c'est faire les choses comme on l'entend et pas ce qu'on écoute, en fait. Parce qu'en gros, oui, voilà, c'est ça. Tu peux porter un soutif, mais en fait, c'est pas que t'obéis aux règles standards, c'est que t'as envie de porter un soutif. C'est la mentalité. Il faut pas le faire pour une tendance qui est derrière. Ou pour suivre un groupe ou pour que ça soit dans un sens ou dans un autre, que ça soit le côté féministe ou ce qu'on vous dicte par la publicité. C'est surtout de le faire parce que vous vous sentez prêt ou prête à le faire, et voilà, et sans jugement des autres. En fait, vous le faites pour vous avant tout. Ben non, parce qu'il y aura pas de jugement des autres puisque vous êtes chez vous, donc vous êtes safe. Ah oui, alors, par exemple, il parlait de... Enfin, dans le dernier épisode de Entre Mecs, il parlait du style vestimentaire. Mmh. Et il y avait un des invités, garçon, puisque c'est que des garçons, qui s'était fait du vernis, qui s'était posé du vernis et qui vivait sa meilleure vie, qui était ravi d'avoir du vernis. Et qu'il expliquait, quand il était allé en acheter à Sephora, la vendeuse lui avait dit « C'est pour un cadeau ?» Bien sûr. Bah, non, c'est une forme de sexisme. Je le revendique. C'est une forme de misogynie, du coup. Oui, c'était ça, genre. J'aime pas me poser du vernis parce que, bah, de toute façon, j'ai pas des ongles faits pour ça. Par contre, j'adore faire du nail art. Ouais, bah ça, voilà, cool. Par exemple. Mais pas sur les miens parce que je peux pas. Mais... L'important, c'est de s'autoriser et d'être dans. Quand t'es chez toi, c'est ta safe place. Et donc, tu fais ce que tu veux, y a pas de jugement. Si vraiment tu te sens pas à l'aise, tu fermes les volets, tu t'enfermes dans ta salle de bain, peu importe. L'important, c'est de s'autoriser. À penser à des choses, à tester des choses, à s'autoriser à réfléchir et à dépasser ces barrières. Après, je dis pas que c'est simple comme bonjour, hein. Ça demande de l'entraînement Bonsoir. Ça demande de l'entraînement et c'est pas parce que vous autorisez, c'est pas parce que vous supportez pas vos poils et que vous les rasez le lendemain que oh là là, ça fait de vous quelqu'un d'horrible. Non, il faut se laisser, il faut aussi se laisser le temps. De s'apprécier comme on est et de prendre conscience, la liberté, de se reconnecter, de, comme disait Laura, de se reconnecter à soi-même et de s'autoriser. Ça sera le mot-clé de cette session, s'autoriser. Non, mais c'est ça, parce que en fait, s'autoriser aussi à dire non aux injonctions, mais aussi à dire oui si on en a envie. Enfin, parce que tout à l'heure, je disais je m'épile pas et tout, c'est une sorte de revendication, mais des fois, genre, j'en ai marre de mes poils, hop, je me les épile, mais c'est selon mon choix et pas le regard extérieur. Et en fait, ce que je veux dire comme message par là, c'est qu'au final, c'est juste laisser le droit autant aux hommes le choix. Femmes, qu'aux autres gens. Ouais, le choix de tout dire, le monde a le choix. Écoutez, vous vous épilez ou pas, on s'en fout. Enfin, pourquoi y a toujours un jugement sur l'autre? Il n'y a pas de normalité, en fait. Ouais, chacun fait ce qui lui plaît. Oui, alors, les hygiénistes qui vont nous faire un coup de « Ah ouais, mais c'est sale !» Non. Alors, les poils, c'est pas sale, hein, c'est quelque chose de dans ton corps. Le jour où il y aura quelque chose de sale, on t'en parlera. Ce serait peut-être même plutôt le contraire, entre guillemets, mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on fera dans un autre truc. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un long débat là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir pour ça. Mais on aurait tellement à dire tellement là-dessus. Continuer. Et on va en faire une émission, il n'y a pas de souci. Exactement, et le poids de la société pèse tellement là-dessus. Mais pour reprendre ton idée, Audrey, c'est le confinement est un bon moyen de commencer à faire des choses pour déjà commencer par s'accepter soi-même. Avant peut-être cette étape numéro 2 entre guillemets, de dire bah ouais, je maintenant que je m'assume moi, je peux le montrer sans honte aux autres, que j'ai accepté que moi c'était normal pour moi, donc maintenant il y a plus de raison que j'ai peur de le montrer aux autres. Et puis faut pas oublier que s'assumer c'est un combat de tous les jours, hein. Il y a des fois où tu vas te sentir hyper bonasse. Ouais. Il y a des fois où tu vas te sentir dégueulasse et c'est normal, genre t'es vraiment un combat de tous les jours. Et il y a des fois où tu vas te sentir hyper bonasse et tu vas te prendre une réflexion dégueulasse et tu vas dire ok, d'accord, plus jamais. Ouais, mais c'est un petit combat de tous les jours, mais si on a envie, le confinement est un bon moyen pour commencer. Exactement. Voilà. Et je crois que ça sera le mot de la fin. tester des choses pendant le confinement, on en profite, hein, puisque c'est une période un petit peu spéciale pour nous, il n'y a pas que forcément des bonnes choses, mais ça nous permet de tester d'autres choses, et pourquoi pas, et voilà. Est-ce qu'on a un mot à rajouter ou est-ce que on c'est déjà pas mal. Hein, minute 32, on est pas mal. On est pas mal. Hein. Voilà. On se retrouve bien sûr vendredi. Alors l'émission soit sur de la musique, soit sur des sujets trop mignons. C'est vous qui choisissez. On vous met le sondage dès demain sur sur l'internet et on fera l'émission qui vous plaît le plus. À la majorité, hein, bien sûr. Malheureusement, on pourra pas contenter tout le monde. Mais si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une émission de l'autre choix un peu plus tard. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, faites attention à vous. Les autorisations pour pas prendre 135€ d'amende n'est pas fini. Oui. Et on te quitte avec de la musique. Voici DJ Fargil avec Good Hot Guns et Luan. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.